parce que je sors de crève, là bon, on va essayer de pas trop racler la gorge. On va essayer. Ouais, ah bah ça commence bien. C'est pas gagné. Bah il fait chaud, la gorge sèche. Ouais putain, j'ai chaud, j'ai mal au crâne. Je sors de crève. Bah c'est bien, attends. Toutes les conditions sont réunies. Bon, allez. Voilà. C'est bon. Ouais, j'avais des saloperies encore. Brocast épisode 16. Alors Brocast, je le rappelle brièvement pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour les autres qui ont un peu la tête en l'air, c'est le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et qui besognent dans ce milieu aussi passionnant qu'impitoyable. Le premier bro c'est moi, Bruno, alias Chibruno sur Twitter. Quant au deuxième bro c'est Julien, fondateur du studio Storybird Games que l'on peut retrouver sous le pseudo de Forza Pedro sur Twitter. Alors tchuss Juju, comment ça va? Ça va, un petit rototo, pardon. Pour bien se mettre en jambes. Ouais, c'est ça. on a quand même eu du mal à trouver un créneau. Bah d'ailleurs, de toute façon, on va l'enregistrer en plusieurs fois parce qu'on n'a pas le temps. Deux choses très importantes avant qu'on, qu'on attaque. Pour de bon. Déjà, on s'excuse du retard. De l'arrivée de cet épisode 16, mais entre des impératifs professionnels et personnels, ça n'a vraiment pas été évident, et donc j'ai proposé à Julien d'enregistrer cet épisode en plusieurs fois, comme c'est déjà arrivé par le passé, hein, puisque voilà, on peut pas non plus monopoliser 3 heures dans notre journée entre le boulot et la vie de famille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cet épisode en 2-3 fois, histoire de vous proposer un épisode bien fourni, bien garni, de quoi régaler vos oreilles jusqu'à notre épisode post E3 2017. Ouais. Voilà, donc là, on va sciemment pas parler trop de l'E3, puisque on s'est dit que si on part dans des pronostics, pardon, de l'E3, bon bah dès que l'E3 se sera déroulé, l'épisode sera totalement caduque, donc on préfère faire un épisode post-E3 pour porter notre analyse acerbe et aiguisée sur le salon. Mais ouais, t'as vu. Et deuxième chose, donc c'est là, ça fait un an que Brocast existe, puisqu'on a attaqué ce podcast fabuleux un beau mois de juin 2016. Et donc bah, là, cet épisode 16, finalement, fête les un an du podcast. Donc l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui nous suivent. Vraiment des écoutes qui sont qui dépassent nos espérances. ça passe tellement vite, en fait. Ça passe super vite. Quand je pense qu'on s'attendait à intéresser une centaine de personnes, pas plus, et encore, dans nos prévisions les plus hautes, ça marche très très bien. On se retrouve régulièrement dans le top 5 des podcasts jeux vidéo iTunes quand on sort un épisode. Ouais. Donc voilà, là on est assez content et on vous remercie de nous suivre. On remercie les fidèles, les nouveaux qui arrivent. Donc là un gros épisode. Donc bon je rappelle quand même brièvement le principe de Brocast qui vous invite à vous asseoir à notre table comme si vous étiez dans le rad du coin avec des potes causant jeux vidéo. On va attaquer cet épisode comme d'habitude par un petit peu nos les actus qui nous intéressent, des messages personnels qu'on veut peut-être faire passer. Alors, je cherche des planches en 4 par pour mon poulailler, s'il vous plaît. Je cherche un enjoliveur pour une Fuego datant de 1982. Donc, Juju, tu voulais peut-être parler donc de ton Ulule. On va faire un peu de promo pour donc Storybird Games, puisque... Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui n'auraient pas encore suivi, quel est ton actu de ton côté au niveau de ton fabuleux studio? Côté jeu, on met à jour constamment Guns of Mercy. Ça nous prend presque tout notre temps de maintenir le jeu, on va dire, vivant. Il y a une grosse mise à jour qui arrive début juin. début juin. Mais bon, ouais. De toute façon, j'en dis pas plus. Il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. Non, principalement, je bosse sur un shoot depuis plusieurs mois qui s'appelle Enceladus, qui est cofinancé par Look at My Game, notre éditeur de toujours. Enfin, éditeur. C'est un éditeur indé, quoi. On va dire, voilà. Ils ont eu des sous. Ils mettent des billes. Bon, c'est pas ce qu'on c'est est. C'est pas Bethesda non plus, quoi. Voilà, c'est pas... Non, voilà, c'est un éditeur avec des guillemets, quand même, quoi. C'est une petite structure, quoi. Enfin, une structure modeste. Ils sont autant éditeurs que nous, quoi, si tu veux. Donc, voilà, en gros, c'est une coprod, mais on est complètement indépendant. Et moi, en tant que développeur. J'ai carte blanche de A à Z sur le jeu, quoi. Si alors, est-ce que tu peux rappeler déjà quel est le principe du jeu? On rappelle que on a pu voir un live qui a été relayé simultanément par Gamecult, par Rome Game, par pas mal de sites. MO5, tout ça. Ouais. MO5, y a aussi un live que tu as fait sur la dernière démo en date avec Edge, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Edge, bon, je pense qu'il est quand même... Il a eu une démo et du coup il m'a proposé de faire une petite interview en fait pour sa vidéo sur Enceladus et j'ai accepté. Donc Edge.fr, bon c'est un youtubeur quand même qui est je pense relativement connu, enfin par ceux qui nous écoutent je pense. Ah il a de la bouteille quoi. Voilà, on en a parlé un petit peu partout, donc c'est un shoot qui propose une mécanique de téléportation assez inédite pour le genre et en même temps qui rend hommage au shoot Treasure et un peu au cave aussi. Au cave, ouais, voilà. Principalement, c'est un shoot qui s'inspire beaucoup de l'époque, tu sais, Saturn et PS1, slash arcade, hein, cette période-là, fin 90, avec les jeux 2D, tu sais, où la 2D était tellement jolie, entre guillemets, que bon, la phase suivante, ça allait être la 3D. On arrivait un peu au bout, c'est sur les consoles. Où les jeux mixaient même souvent les deux, 2D, ouais, 3D, voilà, pour exactement. Faire des effets de mise en scène un peu plus poussés. Donc j'adore cette période, Radiant Silvergun, certains Darius, R-Type final. Donc voilà, c'est inspiré de cette période, ça se passe sur Enceladus, qui est une des lunes de Jupiter, qui est une lune, c'est complètement de glace. Dans la vraie vie, hein, j'invente rien. Oui. voilà, je trouvais que c'était un super cadre, et du coup j'ai mis à dispo une démo sur itch.io, faut aller sur la page Facebook de Storyboard pour choper les liens. Et j'ai mis un Ulule parce que, tout simplement, je suis censé sortir le jeu pour le mois de septembre, mais, alors c'est possible, hein, je peux terminer le jeu pour le mois de septembre, si je dors pas beaucoup. Mais j'aurais bien voulu avoir 2-3 mois de plus, quoi, de développement pour ajouter vraiment tout ce que j'avais en tête, et pour ça, j'ai fait un Ulule, où je demande 4000 euros, quoi, voilà, pour moi et un autre artiste qui s'occuperait de tout ce qui est, tu sais, asset marketing, les bannières. Oui, parce que pour les tout le reste, il faut préciser que tu fais tout seul. Bah oui, je me tape le code, les graphismes, la musique, enfin, je fais tout, quoi, je suis tout seul sur le projet, donc. Bon, c'est pas cher payé, je pense, quand même, 4000 balles pour terminer un jeu. Voilà, c'est vraiment une rallonge. Donc le Ulule, pareil, fallait sur la page Facebook, ou alors sur Facebook, Twitter ou autre, comme vous voulez. Storybird, ouais. Storybird, même moi, des fois, je partage un peu. Bon, la démo, comme je disais, est dispo sur itch.io, donc ça permet de se faire une idée quand même du jeu. Il y a quand même les trois premiers niveaux. Bon, dans leur version alpha, donc évidemment, même si graphiquement, on a l'impression que c'est avancé, il manque quand même des choses, et en termes de level design, voilà, il y a encore des ajustements à faire. Voilà, un shoot assez hardcore quand même, je tenais à prévenir, mais donc c'est un peu de niche, quoi, si je puis dire, mais c'est un jeu pour les vrais, quoi. Mais il y a eu pas mal de bons retours suite aux différents lives, à la démo, les gens sont assez séduits en général. Ouais, puis j'ai eu l'appui quand même de pas mal de sites, Gamecult, jeuxvideo.com, et j'en passe. Comme d'hab, c'est toujours les mêmes, Rome Game, MO5, etc. Oui, MO5 aussi, on leur fait un grand coucou. je vous conseille d'aller voir, que vous soyez fan ou pas de ce que fait Edge. Donc Edge, c'est HEDGE.fr. Il y a une chaîne YouTube aussi. Que vous soyez fan ou pas, allez voir quand même le live qu'il a fait avec Julien, parce que c'est assez... criant de sincérité, je pense, où on voit vraiment qu'il il pète un cap pendant qu'il essaye le, ouais. la démo, et sincèrement il est très impressionné, enfin il pète un cap dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est assez impressionné par le jeu, et du coup ça peut vous donner une idée, les musiques que tu as fait aussi vraiment défoncent, ça défonce grave, et bon bah voilà, ce serait dommage que ce genre de projet ne sorte pas avec la vision originale de son auteur, en l'occurrence toi. Donc voilà, on vous invite à aller sur la page Ulule, même si vous donnez, enfin si ça vous plaît, essayez la démo, et si ça vous plaît, vous pouvez même donner vraiment le minimum, mais c'est histoire de voilà de ah bah, participer. Ça sert à rien de donner si ça vous plaît pas. Hein. Oui, voilà, mais bon. L'idée c'est contribuer, mais voilà, je connais les risques, c'est un jeu de niche quand même, un shmup. C'est... Bah alors, si je peux donner envie, avant qu'on passe à la suite et que ça fasse pas trop, on serre la soupe, mais c'est que, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que, bon, ceux qui me suivent sur le réseau savent, on en reparlera plus tard dans l'émission, savent l'amour que j'ai pour Nier Automata, et ce qui est vraiment rigolo, c'est que donc Nier Automata qui mélange, qui panache des phases de beat'em up et de shoot, toi t'y as pas encore joué, et non, en fait ce qui est vraiment marrant, j'ai hâte d'ailleurs, c'est, ah bah de toute façon oui, ça va te retourner là, t'as déjà hâte d'avoir ton retour là-dessus, ouais. ce qui est super marrant, c'est que toi une de tes références c'est Ikaruga, ouais. Et faut savoir que le shoot préféré de Yoko Taro, donc le créateur des Dragon Guard et des Nier, c'est Ikaruga, ouais. C'est son shoot préféré. Et d'accord. En fait, le début de Nier Automata fait vachement penser au début d'Ikaruga, en fait. Ça ah commence ouais par une phase de shoot. D'accord. J'ai fait un live sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, allez le voir, parce qu'il est pas trop spoilant, parce que c'est juste la première heure de jeu. Ouais, mais même ça, je veux pas, moi. Dès que j'ai vu que c'était le début du jeu, j'ai fait « Ok, je regarderai quand je... » Enfin, bref. Et du coup, il se passe dans ton jeu, dans Céladus, au début, une action complètement similaire à Nier Automata. Donc ça, c'est pas un spoil, parce que c'est dans ton jeu. Ouais. C'est au début, quand t'arrives sur la Terre, dans Nier Automata, t'arrives en vaisseau. Ouais. Et tes coéquipiers sont butés. Ah bon? par des rayons, quoi, en fait. D'accord, c'est énorme. Et ce qui est énorme, c'est que toi, tu n'y as jamais joué. Et comme toi, Yoko Taro, vous avez la même référence. Alors qu'au début d'Ikaruga, si je me souviens, on se fait pas buter. C'est juste un vaisseau qui arrive. Et le début d'Ikaruga qui est hyper marquant aussi. Et bah, du coup, vous avez eu la même idée de faire shooter les coéquipiers du héros, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça vraiment. Ouais, moi, ça fait partie du scénar. En fait, étonnant, quoi. Dans la version finale, il y aura beaucoup plus de vaisseaux. Là, j'en ai mis 3, mais il y en aura une bonne dizaine, je pense, à l'écran. Et ils se font tous buter, ou presque, quoi. Et pour voilà. Dire que, bah, si vous avez fait Nier Automata, ce que je vous oblige à faire, sinon vous n'êtes pas une personne de bon goût, et que vous essayez la démo dans Céladus derrière, Jujun ne s'est pas inspiré de Nier Automata, parce qu'il n'y a pas joué encore. Donc voilà, donc, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il se passe bon, après, à peu près c'est la même pas nous, voilà, c'est pas. Oui, mais le rapprochement est quand même... J'ai trouvé ça génial. Ouais, quoi, c'est marrant, ouais, surtout parce que c'est un jeu qui vient de sortir. Nier, toi, ta démo, bon bah voilà, c'est du frais. Mm. Et trouver un peu... Au tout début, une action quasi similaire, j'ai trouvé ça. Sachant que vous avez, toi et Yoko Taro, le même amour pour Ikaruga, donc ça, ouais, c'est assez rigolo, quoi. bon, bah écoute, voilà, donc on vous invite à aller télécharger la démo sur itch.io et puis de vous faire un avis. Ouais. Moi j'aimerais parler bouquins et podcast avant qu'on attaque des news vraiment 100% jeu. Enfin là ça parle de jeu aussi, mais sur d'autres supports. Donc il y a deux bouquins que j'ai vraiment adoré et que j'attendais énormément ces derniers temps, et donc j'ai réussi à me les procurer, faire donc un sur Kindle, enfin me les procurer, je les ai achetés hein, avec mes sous. Ouais. Voilà. Donc un sur Kindle et un en physique. Le premier, c'est donc l'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo. Donc c'est écrit par Damien Méchéri et c'est aux éditions Sird, que vous devez très certainement connaître, hein, parce qu'ils font partie des principaux acteurs de la des beaux bouquins jeux vidéo français et qui s'exportent d'ailleurs, parce qu'ils ont pas mal de traductions maintenant qui commencent à débouler. En anglais. Et du coup, bah donc ça, ça analyse et ça retrace l'œuvre en fait de Fumito Ueda, donc qui, on le rappelle, hein, est le papa de Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Ouais. Et c'est un bouquin que j'ai adoré, puisque pour ceux qui s'en souviennent, moi, je me suis pris une claque intergalactique avec The Last Guardian et ça m'a réconcilié avec avec Fumito Ueda, que j'aimais beaucoup, mais pas à ce point et pas au point. De maintenant quoi, après ma claque, ouais, sur, tu t'attendais sur... peut-être pas à ça, non vraiment, non mais voilà, The Last Guardian pour moi c'est vraiment un des jeux de cette génération, voilà, avec Zelda et Nier Automata, et du coup je l'ai vraiment parcouru, je l'ai dévoré complètement, puisque c'est assez intéressant parce que ça revient sur les jeux de Fumito Ueda, ça revient sur sa méthode de travail. Il y a des analyses très pertinentes sur le fait que le jeu vidéo est un art à part entière, et je suis totalement d'accord avec l'analyse de Damien Méchéri sur... j'espère que je le prononce bien, Méchéri, sur le sujet. Enfin bref, je vous le conseille, il est dispo donc en physique, il est dispo aussi sur les liseuses, donc Kindle et compagnie, donc l'œuvre de Fumito Ueda, vraiment, on se régale. J'ai vraiment adoré quoi, et surtout que vous soyez hermétique ou pas au jeu de Fumito Ueda, ça reste vraiment super super super intéressant à lire, vraiment. Puis là ces trois jeux sont complètement couverts, et ça va bien au-delà. Alors même s'il n'a pas rencontré l'auteur en lui-même, c'est vraiment une analyse de l'œuvre à travers son auteur, et une analyse aussi de la méthodologie que déroule Ueda. Donc voilà, je vous invite vivement à vous le procurer. Et le deuxième bouquin, c'est Suda 51, le punk du jeu vidéo japonais. Ça, c'est sorti chez Pix & Love, et ça a été écrit par Florent Gorge et Mehdi Dababizourghani. J'ai fait attention de ne pas déformer le nom, car ils ont réalisé vraiment un super boulot aussi. Bon, bah voilà, je suis très fan de Suda 51 depuis toujours. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois aussi. C'est vraiment un mec génial, et autant de par sa personnalité que de par son œuvre. Et donc, c'est un bouquin que j'attendais énormément. Ça fait pas quelques années qu'il avait été annoncé chez Pix & Love, et il y a eu pas mal de retard pour des raisons X ou Y. Et donc là, le bouquin enfin est arrivé. Donc là, l'auteur a été rencontré. Ils ont beaucoup discuté avec Suda, donc ça revient sur son enfance, sur sa carrière, sur sa vision du jeu vidéo, sur ses jeux principaux, et c'est truffé d'anecdotes inédites. Il a pas eu une enfance un peu pourrie, lui? Il avait pas des problèmes avec son père ou un truc comme ça? Ouais, il a surtout vécu avec sa mère, quoi, en fait. Voilà. Il y a eu un abandon au niveau du père, et au niveau de son enfance, tu sais, c'est un peu comme Ben Baker dans Olive et Tom, c'est que il devait tout le temps déménager, en fait. Parce que sa mère, pour subvenir à leurs besoins, a très souvent été obligée de déménager pour trouver d'autres boulots, pour trouver un nouveau boulot. Et donc, en fait, ouais, au gré des boulots de sa mère, il a énormément déménagé. Et le bouquin est super parce que moi, je suis un fan extrême de Suda, et je pensais tout connaître de lui. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses dans ce bouquin. Il balance vraiment des anecdotes qu'il n'a jamais balancées avant. Mais surtout, je crois que c'est une ancienne racaille aussi. Hein. Alors, non, tu confonds avec le créateur de Double Dragon. Je confonds avec... Alors, ça n'a pas été une racaille, mais par contre, c'est un adolescent un petit peu turbulent, quoi. Ça, je le savais. Voilà, qui n'aimait pas aller à l'école, etc. Mais, donc voilà, c'est super intéressant... de voir déjà sa propre construction en tant que créateur de jeu, de voir son rapport avec ses sensei quoi, comme Shinji Mikami, etc. C'est super intéressant à lire. Pareil, je l'ai dévoré quasi d'une traite, vraiment. Ouais. Je l'ai attaqué et j'ai passé tous mes moments libres dessus. Et voilà, donc c'est chez Pix & Love Edition, donc c'est dans la collection Les Grands Noms du Jeu Vidéo. Donc c'est Suda 51, le punk du jeu vidéo japonais. Et voilà, pareil, si vous ne connaissez pas, c'est comme Fumito Ueda, si vous ne connaissez pas son œuvre, que vous soyez hermétique ou pas, il faut le lire déjà, serait-ce que pour votre culture. Et si vous n'avez pas découvert encore les jeux de Suda, foncez. Voilà. Ils sont bien les bouquins de Florent Gorge quand même. Hein. Oui, oui, bah c'est toujours la qualité. Je sais qu'il est en contact depuis longtemps avec Gochi Souda. Ouais. Et vraiment, on apprend beaucoup c'est de choses. C'est toujours soigné ces trucs. Hein. Ah ouais, on apprend beaucoup de choses. Et il y a aussi une très belle maquette. Voilà, parce que je précise juste, c'est que en général, chez les bouquins de sort d'édition, donc sur le bouquin sur Eda, c'est uniquement textuel, mais ça, c'est leur ligne éditoriale. C'est ouais. vraiment du texte. Voilà. Là, pour le bouquin sur Fumito, sur Souda 51, pardon, c'est très graphique. Une mise en page qui reflète l'esprit complètement punk et délirant de ouais, ces jeux. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, ok, bah je vois. Et c'est vraiment super sympa à lire. Que ce soit sur le fond ou la forme, c'est vraiment top. Et alors ici, bon voilà, ce sont des créateurs qui vous intéressent. Alors là, c'est Noël. Ouais. C'est vraiment passionnant. Donc, n'hésitez pas à vous ruer dessus. Je vous le conseille. C'est vraiment très très bon. Et je termine rapidement avec deux podcasts que j'ai découverts puisque j'aime bien vous conseiller d'autres podcasts puisque voilà je pense qu'il faut tous ouais. s'entraider et quand il y a de la qualité ailleurs il faut pas hésiter à le dire. La qualité j'ai découvert donc récemment deux podcasts très très intéressants parce que je suis vraiment en quête perpétuelle de podcasts très intéressants sur jeux vidéo parce que parmi certains qui cartonnent très bien ils sont pas toujours tous à mon goût. Donc il y en a deux que j'ai découvert récemment. Il y en a un qui s'appelle la Dev Team. Donc ça c'est chez Radio Kawa. Alors Radio Kawa, si vous ne connaissez pas, ils produisent énormément de podcasts. Tous ne me plaisent pas forcément, mais celui-ci fait partie de ceux qui me plaisent énormément. Donc la Dev Team, ce sont des créateurs de jeux vidéo très souvent indés, qui discutent à travers divers prismes, divers sujets du boulot de créateur de jeux vidéo. Et donc, qu'on soit dans le milieu comme nous ou pas, c'est très très intéressant à écouter. Vraiment, des témoignages hyper intéressants. Ils ont souvent des invités. Les chroniqueurs eux-mêmes sont dans le milieu, sont sur des devs de jeux. Et donc, c'est très très très intéressant à écouter. C'est bourré d'anecdotes sympas. Et voilà, puis les sujets sont la plupart du temps super sympa. Donc je vous le conseille. Et un autre que j'ai découvert encore plus récemment, à vrai dire il y a 3 jours, alors j'espère que j'ai bien le prononcé, ça s'appelle le KY Show ou le Ki Show, je sais pas comment le prononcer. Excusez-moi. Donc KY plus loin Show, et je l'ai découvert, on me l'a conseillé sur Twitter, et ce sont pareil des gars et des filles du milieu. Alors, jeux vidéo, mais pas que, ça peut aussi être juste de l'illustration ou autre, mais qui vivent au Japon. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je cherchais, en fait, des podcasts qui parlent vraiment spécifiquement du jeu vidéo japonais. Et en fait, ils parlent de l'actu du jeu vidéo japonais, sachant qu'eux bossent sur place au Japon pour des boîtes d'accord. de jeux. Donc c'est salopard. Donc c'est très très intéressant également. Là j'ai quasiment bouclé le premier épisode que j'ai écouté alors qu'ils existent depuis pas mal de temps visiblement. Je trouve ça hallucinant qu'ils soient pas plus connus. Donc je remercie la personne sur Twitter qui m'a conseillé ce podcast et c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment leur point de vue de français mais au Japon. Et d'accord, donc, je vais écouter ça assez rapidement. Alors, bah tu vas sur mon fil Twitter, je l'ai partagé il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un des mecs du podcast. Et voilà, donc c'est vraiment super sympa. Écoutez ces podcasts, ils sont vraiment de haute qualité. Voilà, puis celui aussi de Demo5.com aussi, que je vous conseille, même si les sorties sont très irrégulières. Ouais, Sœur d'édition, justement, top, pour revenir sur Sœur d'édition, tant que j'y pense, qui sortent un podcast sur leur actu. En tant que boîte d'édition. Et justement, là, ils ont sorti leur tout premier numéro et ça parle donc du bouquin sur Fumito Ueda avec l'auteur qui en parle. Donc ça, c'est très intéressant. Sœur d'édition, donc le podcast qui est vraiment chouette. Et voilà, bah, après, il y a ZQSD, etc. Bon, tous les classiques. Mais voilà, donc je vous recommande vraiment ces podcasts-là entre deux bons broadcasts. Voilà, si vos oreilles ont soif de bons sons. Ouais. Donc c'est sympathique. Et là je m'arrête un peu parce que je parle beaucoup. Et de quoi tu voulais parler? À bientôt pour le prochain broadcast. Ça y est, on vous a promis une grosse émission. Vous avez une bonne demi-heure. On vous a régalé. moi, rien de spécial en news, à part qu'il y a Is 7 qui sort en français le 12 septembre sur Steam, et je suis super content parce que je le voyais arriver sur PS Vita. Je sais qu'il y a 1 milliard de Japonais qui ont joué, bon, et deux jours un port, mais moi, les gens en Jap, c'est pas possible. Et j'ai pas de PS Vita, et là, je vois qu'il y a une version. Version PS4, machin truc, blablabla, et puis aussi PC, et je vais pouvoir faire enfin Is 7, qui est le seul que j'ai pas fait. Mais en français en plus, c'est la première fois. Mais traduit en français, quoi. Bon, après, j'ai envie de te dire, les dialogues dans Is, voilà, mais. Ouais, bon, mais c'est toujours bien. Toujours top. Ouais, c'est, franchement, c'est toujours top quand même, donc je suis super content, j'ai tellement, mais tellement hâte d'y jouer, quoi. J'aime tellement cette série, ça fait tellement partie de mes séries number one, comme disent les Japonais. donc voilà, je suis content. Sinon, rapidos, comme je suis un peu fauché, et je vais me dire quoi, fauché, mais il y a eu 400 000 téléchargements de Guns of Mercy, comment ça se fait, c'est un menteur, quelle honte. 400 000 téléchargements, ça veut pas dire 400 000 euros, et faut savoir qu'il y a plus de la moitié qui revient à l'État de toute manière, donc voilà, mais c'est récent, Guns of Mercy, et puis bah, ces derniers temps, c'est vrai que je me rémunère pas des masses. Genre, attention, je sors pas les violons, je suis pas du tout à plaindre, hein, mais je me rémunère quand même pas beaucoup. Faudrait que je mette un petit son de violon là, lors du montage derrière. Non, mais du coup, je suis à l'économie, tu vois. Voilà, je suis plus à l'économie, je préfère que la boîte se porte bien, tu vois, que moi, même si les deux sont intimement liés quand même. Mais... Bref, pas rentrer dans les détails. C'est pas intéressant, mais du coup, voilà, je fais gaffe à mon porte-monnaie. Et puis, après, il y a aussi autre chose, c'est que j'ai du mal à mettre 60 balles dans un jeu, quoi. Et pourtant, je vais dans les jeux vidéo, hein, tu vois, c'est pas... J'en fais, mais c'est juste... Ce qui est bien, c'est que ça baisse très très vite, maintenant, hein. Au bout de quelques... ouais, au bout d'un mois ou deux, les prix chutent... Voilà, j'achète quasiment plus rien à la sortie, parce que je trouve que c'est excessif, quoi. Même 50 euros, alors je sais que ça coûte des millions de faire un jeu, je suis bien passé pour savoir... Mais ils en vendent des tétrapels, et je pense que les éditeurs se gaffent, les distributeurs se gaffent quand même pas mal. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est pas je pense, c'est les distributeurs et les éditeurs. T'en es persuadé ? C'est pas persuadé, c'est que je le sais, de toute façon. Donc, mais voilà, pour moi, ça vaut pas 50 balles, surtout à notre époque. Enfin, je trouve ça quand même assez énorme. Là, je préfère me faire un resto avec mon fils et ma femme que d'acheter un jeu, tu vois, à la limite, tu vois. Donc, bref, bon. Ça, c'est une question d'éthique, c'est pas le sujet du podcast, mais du coup, je suis vachement à l'économie. Et en fait, sur ma 3DS, j'avais téléchargé plein de jeux il y a quelques mois, slash, voire années, que j'ai jamais terminé. C'est aussi parce qu'ils étaient en promo, parce qu'il y a quand même pas mal de promos sur le eShop de la 3DS, sauf que Nintendo fait jamais de pub, ou quasiment jamais. C'est vraiment, c'est au pif, quoi. Tu vas dessus, puis paf, t'as des promos, tu le savais même pas, t'as pas été prévenu, tu vois. Ah, ça, de toute façon, pas de newsletter. Enfin bon, ils sont Nintendo, à ramasse, les shops en ligne, c'est une catastrophe. Ouais. Ils sont à la ramasse. Et j'avais acheté Wario Land 2 et 3. Ah, ils sont excellents. Sur GBA, et j'y avais pas du tout joué. Moi, j'y ai joué, mais il y a longtemps, moi. Ouais, et du coup, j'ai fait le 2. Et c'était la grande surprise, même s'il y a des mécaniques qui sont juste incroyablement mauvaises. Et tu te demandes comment ça a pu passer chez Nintendo, genre de truc, mais c'est tellement pas leur style. Mais bon, bref. C'est un peu les prémices finalement de ce qu'on a vu avec les Yoshi et les Kirby, tu sais, où les gens se plaignaient, on peut pas perdre, c'est nul, y a pas d'énergie. Mais en fait, c'était déjà comme ça dans les Wario, quoi. Et personne disait rien, tu vois, comme quoi les gens sont vraiment cons. C'est vraiment histoire de râler, quoi. En fait, la perte, c'est surtout sur le scoring, en fait, sur le fait de ramasser des pièces. Quand tu te fais toucher, t'en perds, donc forcément, t'as un moins bon score à la fin du niveau. Mais c'est surtout sur le temps, quoi. C'est-à-dire que t'as des phases, tu vois, genre contre les boss, où s'ils te touchent, ça te donne un malus, par exemple, qui va gonfler Wario, tu vois. Tu vas arriver tout en haut, et quand tu vas passer tout en haut du boss, il y a, tu sais, les plateformes unidirectionnelles, celles que tu peux passer par en dessous, mais pas par au-dessus. Et du coup, tu es obligé de rentrer dans une porte et de retourner au boss et de le recommencer. Ah. Voilà, ils te font perdre comme ça, en fait. C'est surtout, ils te font perdre en te faisant chier, en perdant du temps. Sauf que, même si le 2 et le 3, je reviendrai sur le 3 parce qu'il y a un détail quand même qui est assez dingue, sont des excellents jeux, je trouve que les mécaniques, les mécaniques de malus qui sont sur la perte de temps, vraiment en temps de jeu humain du joueur, je trouve ça exécrable. Le fait de, tu vois, faire perdre le joueur contre un boss, donc de le dégager, quoi, de la zone de combat, tu vois, tout simplement, du boss, et de lui faire un backtracking de ouf, parce que des fois, c'est pas des petits chemins, hein. 40 à 1 minute de marche. C'est marrant, j'ai pas gros souvenir de ça. Et puis il y a des plateformes, et puis il y a des pics, et puis il faut ressauter, et puis tu peux reperdre des pièces, etc. Et les boss, comme c'est du quasiment par cœur, en fait, tu passes ton temps à c'est revenir. C'est bizarre parce avec... que ça colle pas au, tu sais, cet esprit de flow exactement, de Nintendo, quoi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, moi, ça m'a tellement cassé les couilles au bout d'un moment que je faisais des sauvegardes rapides. Tu sais, tu peux faire ça sur avec la 3DS. Ils appellent ça les points de récupération. Oui, comme sur les émulateurs, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Même s'il y a 15 000 clics parce que les ergonomies et Nintendo, là, ouais. c'est pas souple quand même, mais c'est quand même mieux que de se retaper une, voire à 1 minute 30 secondes. De marche et de perte, et de... parce que ça sert à rien, quoi. C'est juste pour faire chier, tu vois. Donc, dans le 2, je me suis dit, bon, c'est le 2, peut-être que dans le 3, ça va changer. Dans le 3, à la limite, c'est pire, encore. ils sont encore plus vaches, même s'il y a des boss qui sont extrêmement inventifs. Genre, il y a un boss, il faut que tu sautes dessus pour qu'il se mette en boule, et après, il faut essayer de faire un panier de basket. T'as un arbitre et tout, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc le 2 fini, terminé, j'avais posté une petite image quand je l'ai terminé, et du coup là j'étais sur le 3, mais je pense que je vais arrêter parce que cette mécanique de boss là, c'est ouais, pas ça t'a gonflé, quoi. Ouais, au bout d'un moment ça gonfle, puis après il y a peut-être le fait de faire le 3 direct après le 2, tu vois, il y a peut-être ça aussi. Par contre, je tenais à dire un truc, je suis épaté par la technique de Wario Land 3, donc il y a un jeu Game Boy Advance. Game Boy Color, pardon. Et justement, il y a un pote qui a regardé des images, j'en parlais avec lui sur Skype, il m'a dit, mais attends, c'est un jeu GBA. Et sur le coup, bon, peut-être qu'il s'en souvient mal, tu vois, il y a une déformation aussi de la mémoire. On voit très bien que c'est pas un jeu GBA. Les jeux GBA, la plupart des jeux GBA sont juste magnifiques. Ah bah c'est clair. Mais c'est pour te dire que techniquement, il est tellement avancé que, tu vois, il y a des gens qui sont capables de confondre, carrément. Et techniquement, il est mais hallucinant, quoi. Les sprites sont énormes. En termes d'animation, c'est complètement ouf. T'as une petite map qui mélange Mario World et Mario 3. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très grande comme les maps de Mario 3, tu sais, quand tu choisis ton niveau, mais elle évolue un tout petit peu comme dans Mario World. Et c'est bourré de petites animations. Moi, ça. Alors, je sais pas. Tu t'attendais pas à une telle maîtrise Ouais, c'est là où tu vois que Nintendo sur leur console, c'est toujours les rois, quoi. Et ça, je veux dire, ça se voit même par le passé en regardant derrière. Alors, c'est vrai que ça s'est surtout vu à partir de la GameCube, enfin, bon, je dirais même de la N64, parce que sur Super NES, tu voyais les jeux Capcom, etc. Bon, il n'y a pas trop de différence avec les jeux Nintendo, quoi. Je me suis remis des photos pour me rappeler, là, je suis sur Google Images, là, effectivement, ouais. C'est assez impressionnant. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec la GBA. Alors, bon, après, je pense que la cartouche, tu sais, il y a 2-3 petits boosts dedans, parce que c'est pas possible. Il y a trop d'animations, trop de feedback visuel dans tous les sens. C'est... Le jeu, un autre jeu, ça me fait penser, tu sais, qui est d'action plateforme, qui avait vraiment exploité, et qui n'est pas Nintendo pour le coup, à mort, la Game Boy Color, c'est le tout premier Shantae. Oui. Ils se sont fait remarquer avec ça, d'ailleurs. Hein. C'est hallucinant. Plus qu'avec le jeu en lui-même. Non, mais le jeu est très chouette. Ils sont tous super, à part le dernier qui m'a énormément déçu. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment un Wonder Boy-like de très grande qualité. Et techniquement, et même musicalement, il est, mais pour une Game Boy Color, il est bluffant, quoi. Ouais. Non, ça m'a fait penser à ça, en fait, le fait de parler de Wario Land 3. Ouais. Donc voilà, Wario Land 2 et 3. Après, je suis quand même un peu dégoûté. On en avait parlé, mais le Mario Land 2, que moi j'adore, je suis quand même dégoûté qu'il n'y en ait pas eu un autre. Genre sur Game Boy Color, tu vois. Ah bah moi je préfère Mario Land 2 au Wario Land. Hein, ah oui, façon. Moi aussi. Moi c'est incomparable. Comme je dis tout le temps, c'est Mario Land 2, Super Mario Land 2, c'est vraiment le petit frère de Super Mario World. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui mériterait d'être remaké parce qu'il a un level design de fou, il a des super idées. Mais faut rajouter des niveaux. Oui, en rajoutant quelques niveaux, mais il est trop court, quoi. Tu sais, il y a un peu ce côté. Bon, alors il est pas aussi puissant que Super Mario World, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu ce côté. Bon, on prend les acquis de Super Mario World, on est sur Game Boy, donc on va pouvoir se lâcher. On va faire les foufous, et ça ressemble presque à un fan game par moment, parce que ils partent dans des délires. Il y a vraiment des bonnes idées. C'est genre vraiment, bon, si ça plaît pas, on s'en fout, on s'est fait plaisir, quoi. Mais il y a des. Et moi, là, ces derniers temps, je crois que je l'ai refait deux fois. Je l'ai fait une fois, genre, il y a 4-5 mois. Je l'ai refait il y a deux mois, là, un ou deux mois. Parce que bon, ça va quand même assez vite. Ce qui est dommage, je crois qu'il y a 20 niveaux, je crois, un truc comme ça. 20 ou 24, il y en a très peu. Très, très peu. Mais ils sont tellement inventifs, quoi. Ils sont tellement fun. La carte, elle part dans tous les sens. T'as des costumes de foot. T'es en Mario Cosmono. T'as les oreilles de lapin. Ouais, mais et puis les musiques. Les musiques sont super chouettes. Les musiques sont top. L'univers est génial. Puis techniquement, pour de la Game Boy, il envoie du lourd, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, il est bien. Et puis putain, c'est niveau de grotte, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont bien, les niveaux de grotte dans ce Mario. Ah, ouais. C'est ouais. Avec genre, chez les abeilles, avec la gelée, là. C'est super original, en plus. Super intéressant à explorer. Hein. Ouais, il y a vachement d'exploration. Il me referait, tu sais... c'est... Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que Nintendo, je les comprends pas, parfois. Mais il referait juste, tu sais, un peu à la mode Mario All-Star. Il nous referait un Super Mario Land 2 avec des graphismes genre Super Famicom. Oh putain. Mais je l'achète, même direct. Un prix élevé, je le prends direct. Bon, pas un prix élevé, moi, mais je le prends. Pour 10 balles, je prends. Ouais. Franchement, je le prends. Mais même pour 20 balles, je prends, moi. Franchement, tellement, il le mériterait. Ouais, voilà, c'est Nintendo. Et bon, sinon, après, pour les news, j'aimerais qu'on rigole un petit peu autour de Final Fantasy VII. Oui, j'avais envie de rigoler aussi autour de Final Fantasy VII, ouais. Remake. gossons-nous. Donc ça fait plus d'un an et demi que le jeu a été annoncé et on a appris cette semaine qu'en fait ils savaient pas développer des jeux et qu'ils avaient besoin de recruter des gens, quoi, des gens pour faire du code, parce que c'est des étudiants, tu vois, dans leur tête, c'est, tu sais, ils sortent d'école, ils ont envie de faire un grand jeu vidéo comme Final Fantasy VII, mais en fait ils savent juste dessiner des fringues et 2-3 décors sous Unity, tu vois, en fait, c'est moi... plein d'amateurs et ils ont besoin de développeurs, quoi. Moi je pense que c'est pas tant Square Enix, c'est surtout Nomura qui ne sait pas gérer une équipe, qui ne sait pas gérer un projet, et on le voit une fois encore. Y a qu'est-ce aussi, que je t'avais dit. Il y a aussi une autre blague qui s'appelle Kingdom Hearts 3. Ouais. Kingdom Hearts 3, si on l'a sur PS5, on pourra s'estimer heureux. Mais enfin, moi, je m'en fous, je suis pas fan de Kingdom Hearts. Mais c'est Nomura, il a massacré FF15. On en a déjà parlé lors de notre épisode où on parle d'FF15. Qu'à la base, il avait eu des bonnes idées, mais... En fait, c'est un mec qui devrait juste apporter ses idées et c'est tout. Et en fait, Des personnages et basta. Ouais. Et tu te rappelles, on en avait parlé effectivement. C'était peut-être dans ce podcast quand je te disais que tu verras que pour Final Fantasy VII, on en avait parlé. Hein. Tu verras qu'au bout de plusieurs années de développement, ils diront bon bah finalement ça change d'équipe parce qu'on peut pas. Ouais, je crois que j'avais dit un truc dans le genre. Alors, il sait pas gérer Nomura. C'est à mon avis, je serais pas étonné que dans quelques temps on apprenne qu'il se fasse éjecter, quoi. Ouais, parce qu'il ne sait pas gérer. Quand je pense qu'on a fait tout un procès à Matsuno à l'époque des FF12, mais là on est au-delà parce que le mec il est lent, mais il y a rien qui se passe. C'est ça qui est fou. Un an et demi, il y a rien. Tu te rends compte? On parle de gens qui sont derrière des ordi hein, et qui tapent au clavier. Hein. Au bout de plus d'un an et demi, il y a rien. Ils peuvent même pas être à l'E3. Non, mais c'est honteux. C'est la honte internationale. Donc, quoi. En fait, j'ai la news Gamecult sous les yeux, là, qui est tombée récemment, quoi. Donc, je vous la cite telle qu'elle. Hein. Nouveau responsable du développement. Donc, Naoki Hamaguchi a évoqué le sujet Final Fantasy VII Remake dans le cadre d'une émission sur Moebius Final Fantasy. On en avait parlé, qui est très bien, d'ailleurs, sur smartphone et attends, et confond pas Xviews, hein. Ah pardon, je confonds avec Xbox, excuse-moi. Moi je comprends même pas pourquoi il y a encore des émissions sur Moebius. Hein. Alors excuse-moi, je confonds. Et apporte un nouvel éclairage sur cette campagne de recrutement tardive. Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un sujet sensible, Hamaguchi explique que Square Enix a décidé de recentrer le développement de Final Fantasy VII Remake en interne pour mieux contrôler la qualité et le calendrier. Bien sûr. Jusqu'ici, partenaire de Square Enix sur le développement du jeu, le studio CyberConnect2. Alors oui, il y avait CyberConnect2. Qui était dessus, CyberConnect2, si je dis pas de bêtises, c'est pas ceux qui sont qu'on fait beaucoup de Naruto et qui avaient fait même Azura's Wars. Je crois que oui, et je pense qu'ils auraient dû laisser le jeu entièrement à eux. Le studio dont CyberConnect2 pourrait bien laisser des plumes dans le cadre de ce changement d'organisation. Blablabla. Donc, en fait, après, il parle du cas Nier Automata. Te rends compte que Nier Automata, je reviens là-dessus et je vais faire vite parce qu'on va parler beaucoup plus tard en émission, c'est qu'en fait, on l'a pas vu arriver, Nier Automata. Il a été développé conjointement avec Platinum Games. Ouais. Il a coûté certainement je ne sais pas, 10 000 fois de, moins de thunes qu'FF15. Ouais. C'est un jeu extraordinaire qui est hyper rentable parce qu'il se vend très bien. Et à côté, pourquoi ils n'ont pas filé à Platinum, putain. Et justement, t'imagines, moi, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je me le dis. Dégagez Nomura, putain, et foutez ça à Platinum. Parce qu'en fait, à la méthode de Nier Automata, ce qui aurait été génial, c'est que Platinum Games s'occupe de la partie gameplay. Mais oui, en plus, c'est tout à fait leur style. Ils auraient très bien pu faire un jeu à la, tu sais, comme le film Advent Children, tu sais, dans le côté exubérant, exactement. En fait, combat DBZ, tu vois, c'est un peu à la DBZ. Et Kitase Nomura, Kitase toujours en producteur, Nomura, il balance toutes ses idées, sauf que là, avec Platinum Games, c'est fait. Il faut savoir que Yoko Taro, moi qui ai suivi, j'ai regardé beaucoup de making-of, en fait, de Nier Automata, il part, mais c'est comme un Suda ou aussi comme un Kojima. D'accord. Part très très très très très très très loin, et on en reparlera tout à l'heure. Et à côté, Platinum assure derrière, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et puis bon, ils discutent conjointement. Mais le problème, c'est que c'est Nomura, il faut lui laisser moins de responsabilité. C'est ça le. Pour moi, le cœur du souci, c'est ce qu'a flingué FF15 et ce qui est en train de pourrir le développement du remake d'FF7, quoi. Comment, mais comment on peut autant répéter les mêmes erreurs hein. Moi, j'hallucine, quoi. Ils font n'importe quoi en interne, et puis à côté, ils dégagent les mecs d'Hitman, quoi. Tu vois ? Oui, alors Moi, j'aime pas Hitman. IO Interactive, là. Ouais, c'est pas ma tasse de thé, mais par contre, ils savent faire des jeux vidéo, eux. Hein, eux, ils connaissent leur métier. Moi, ils savent faire des jeux. J'ai pas eu le temps de faire la suite, mais suite au super, super accueil critique du Hitman... Non mais qu'on aime ou on n'aime pas. Épisodique. Moi j'avais téléchargé le premier épisode sur PC. Ouais. Moi c'est pas mon genre. Moi j'aime bien ce style de jeu qui est vraiment top. Et apparemment toute la saison ils ont fait un boulot de. Ils ont réussi à rafraîchir la licence et. Ah bah tous ceux qui ont joué m'ont dit hein, que c'était vraiment ouais. C'était super. Bon ils sont doigts, dégagés là. Quoi. Ouais, et puis Boo c'est pas assez rentable. Mais tu crois que ton Moebius Final Fantasy de merde là tu crois qu'il était rentable? Enfin tu vois c'est. Square, vraiment, c'est une petite pucelle japonaise qui se vexe, quoi. C'est devenu un des pires éditeurs que je connaisse, quoi. Moi, je pense que ça dépend quel lieutenant gère les projets en interne. C'est-à-dire que... Ouais, mais pour un bon on a projet... On a l'exception qui confirme la règle. Quand tu vois Nier Automata, comment il n'y a pas eu d'accro dans le développement, que le jeu, il sort... Mais il n'y a pas d'accro chez Platinum, c'est des techniciens. Qui tabassent, c'est carré, ça a été fait, ça a été une grosse surprise. Quand t'as une licence comme Final Fantasy et a fortiori le septième épisode, comment tu peux te foirer à ce point-là sur un projet aussi attendu, quoi ? C'est pour ça, je te dis, faut qu'ils arrêtent de faire des jeux, Square. Faut qu'ils deviennent éditeurs, quoi. Faut qu'ils deviennent éditeurs, mais il faut qu'ils arrêtent de faire des jeux parce que, enfin, ou alors ils peuvent continuer s'ils veulent des jeux mobiles ou sur console portable. Non, moi je suis pas d'accord. En fait, je pense qu'ils. Pour moi, ils savent plus faire de jeux. Les grosses têtes en fait de Square. Oui, mais ça faire. Mais le problème, c'est que c'est un problème de gestion. Consultant game designer, etc. Mais faut arrêter de développer des jeux, quoi. Ah oui, le développement pur et dur. Oui, faut arrêter. Il faut qu'ils revoient leur. Ils font des super belles vidéos, ils savent faire des belles cinématiques et des beaux trailers, mais faut arrêter de développer des jeux. Bah d'ailleurs, il y a encore eu des départs récemment de. Il y a eu mais des départs encore de Square Enix. Hein, les... C'est normal. Ça fuite de partout. Et d'ailleurs, Final Fantasy XV, est-ce que vous voulez le jeu? Ça fait un an qu'il est sorti, je sais plus combien de temps là. Est-ce que vous voulez qu'on tende le fion? Vous voulez des. Est-ce que vous voulez voir les personnages à poil pendant qu'on joue? Non, ça fait pas un an puisqu'il est sorti. Je sais plus quand il est sorti. Il est sorti en fin d'année 2016. Je sais plus. Ouais, c'était ça, non? C'était pas. Ah, mais le problème, c'est que quand tu vois le jeu tourner, t'as l'impression qu'il est vieux déjà. Donc oui, bah là, récemment, ils demandent aux joueurs quelle section. Ils veulent développer. Non, mais c'est à mourir de rire. Non, mais FF15, de toute façon, je vous renvoie à l'épisode où je vous fais une critique vraiment très, très. Je crois que c'est la critique la plus violente que j'ai faite depuis que le podcast existe. Par contre, j'ai toujours pas joué, moi. Ah non, mais. Il me fait tellement, mais tellement pas envie, quoi. Enfin... Toi qui es encore plus impulsif et moins patient que moi sur certaines choses, attends vraiment. Attends moi, j'ai perdu toute patience avec Square. Moi. Attends, ça fait longtemps que c'est fini. Et c'est pour ça que c'est vraiment agréable de kiffer sa race sur un jeu estampillé Square Enix récemment. Parce que tu t'y attends pas quand tu vois toutes les erreurs qu'ils ont fait, mais surtout que Final Fantasy, c'est... Mais enfin, oui, moi... mais Nier Automata, c'est pas un jeu Square. Voilà, c'est... ils ont mis l'argent, basta. C'est tout. Ils ont fait que ah, ça. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un jeu Square, c'est un jeu édité par Square, mais ce n'est pas bah, un jeu c'est Square. La... C'est Yoko Taro, la Team Cavia, X Platinum Games. C'est comme... Square Enix, c'est vraiment éditeur. Voilà, sur le projet, je vais voilà. faire un parallèle marrant, mais c'est comme Magical Quest sur Super Famicom, tu vois. C'est Mickey, mais c'est pas Disney. Oui, c'est voilà. C'est un jeu Capcom. Exactement. 100% Capcom avec c'est... une skin Mickey. Bon, bah, Nier Automata, c'est pareil. C'est un jeu 100%, je dirais même 1 milliard de milliards de pourcents Platinum fait avec l'argent de Square. Ah ouais, c'est une prestation, Nier Automata. C'est autant Platinum que Yoko Taro, mais... Square fait vraiment office d'éditeur. De partenaire. Et tu vois en plus que le jeu n'a pas coûté. C'est là aussi le contraste où il est hallucinant, c'est que Square FF15 il pue l'argent à tous les niveaux parce que malgré ses défauts impardonnables de game design, de scénario, de structure, etc. Tu sais qu'il a coûté des millions et des millions et ça se sent sur chaque partie du jeu. Enfin. Ça transpire le pognon et le pognon foutu par les fenêtres, quoi. Voilà. Ouais. À côté de ça, Nier Automata, tu vois que vraiment le budget a été hyper resserré. C'est que Nier Automata, c'est pas visuellement, enfin, je veux dire, c'est pas en termes de texture et de polygones qui te font une claque. C'est en termes d'intelligence, de contenu, de charisme, de game design, de scénario. Mais visuellement, si tu veux, c'est il fait pas triple A en fait. Oui. Il fait double A visuellement. Pas comme tous les jeux Platinum. Hein. Voilà. Et c'est la maîtrise de tout le reste qui fait que le jeu il défonce sa race. À côté, FF15, c'est l'antithèse. C'est qu'il pue l'argent, mais c'est une catastrophe industrielle. Moi, quoi. Je trouve que Platinum, il me faut un peu penser à Capcom dans les années 16 bits. Tu sais, c'était un peu les sauveurs, hein. les sauveurs de licence un peu. Ou de jeux à couilles, c'est-à-dire vraiment t'avais un nouveau jeu Capcom, c'est genre tu prenais je sais pas Super Goose and Ghost ou je prends Demon Crest par exemple sur Super NES et là t'es sur le cul, tu dis putain mais c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire, etc. Puis en même temps on leur donne des licences, on leur donne Mickey, Dingo, Aladdin, des trucs comme ça et ils te font des tueries quand même. Platinum, ce qui est intéressant c'est que en fait ce qui se passe c'est que depuis quelque temps ils ont du mal à faire des jeux pensés en interne. Complètement ouais, en interne, c'est que leurs jeux, aussi bons soient-ils, ne font pas en général des cartons immenses. Non, c'est clair. Mais restent rentables, mais sont ultra rentables quand même. Et se sont vraiment devenus des mercenaires. Alors, à part Tortue Ninja qui a été vraiment un foirage. Ah, c'est un reskinage du Transformer. Hein. Ouais, mais en moins bon visiblement parce que Transformer, il est vraiment. Oui, en beaucoup il moins. Il est bon. Vraiment fun, quoi. Il est vraiment. Ouais. Moi, j'ai adoré Transformer Dévastation. Bon, Bayonetta 2, qui a été hyper bien accueilli, qui est très très bon. Et ce qui est intéressant, c'est que le boulot hallucinant. Et d'ailleurs, j'espère que Yoko Taro va continuer à bosser avec eux parce que je trouve que ça fait une alliance. T'as d'un côté le créatif complètement barré dans son monde. Et les techniciens hors pair de Platinum. Ouais, je trouve que ça fait vraiment une alliance entre d'artistes. Vraiment, ça match, mais tellement bien. J'espère qu'ils vont continuer ensemble. Et Platinum, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté, on est des mercenaires, mais ils ont sauvé Metal Gear Rising Revengeance aussi. Ouais, c'est des sauveurs, en fait. Tu vois, où le Star Fox, Nintendo, ils n'arrivaient pas à arriver au bout. Attends, te rends compte, ils ont quand même sauvé un développement chez Nintendo, quoi. Genre, même Nintendo n'arrivait pas à arriver au bout de leur projet. Bah, ils ont une science. Qui était Miyamoto à la base, hein, quand même. Ils ont été obligés d'appeler Platinum pour le terminer, parce qu'ils n'y arrivaient plus, quoi. Ils ont une science du game design qui est assez impressionnante. Et ce qui est intéressant en ce moment, ce qui se passe avec Platinum Games, vu qu'on en parle, c'est la réédition de leur grand hit sur PC. Ça fait super plaisir. Ouais, c'est clair. Nous, on s'est repris Bayonetta sur PC. Et comme mon PC, bon, mais les. Voilà. Je le fasse un jour, Bayonetta, je l'ai toujours pas fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Bayonetta, à l'époque, j'avais fait sur PS3, qui était la low version vraiment, parce que ça avait été converti avec le cul. Ouais, parce que la lead version de Bayonetta, c'était sur 360. Okay, ouais, moi j'ai du mal avec l'héroïne en fait. Mais Bayonetta, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, je trouvais qu'il y a des passages qui sont un peu foirés dedans. Ouais. Mais globalement, c'est vraiment une évolution de Devil May Cry, sauf que le problème que j'ai eu avec Bayonetta, c'est que je préfère l'univers de Devil May Cry. Je parle vraiment de la direction artistique. Je préfère celle de Devil May Cry. Par contre, en termes de jeu, c'est complètement dingo. Et ce qui est super, c'est que sur PC, bah moi, comme j'ai un PC quand même qui est plus ou moins récent, j'ai repris Bayonetta, que je peux faire tourner en ultra 60 images par seconde. Et là, tu redécouvres vraiment le jeu. Là, ils ont sorti Vanquish. Miam, ça, je vais me le prendre. Je suis repassé à la soupe parce qu'en plus, pour ceux qui avaient déjà pris Bayonetta, je crois que tu avais 5€ de ristourne sur Vanquish. Et je l'attendais tellement, Vanquish. Sur PS3, je l'ai tellement aimé. Vanquish, c'est tellement, tellement une injustice qu'à l'époque, il soit passé comme une étoile filante alors qu'il ringardise totalement Gears of War. Alors que tout le monde, t'as vu maintenant comment les, tu sais, comment les gens ils sont. Nous, ça fait moi, dès Day One. On a toujours milité sur Vanquish. On a toujours trouvé. Alors oui, il est court, mais merde. Disons que les deux seuls défauts, c'est qu'il est court et au niveau environnement, c'est pas super diversifié. Non, mais c'est le fait de se retaper les boss aussi à la fin que ça. Oui, bah ça chiant, c'est très Capcom-esque, Voilà. Mais en dehors de ça, c'est les gens qui se plaignent. Le jeu il court, c'est ceux qui foutent 8 à Call of Duty, quoi. En note, où la campagne fait 2 heures, quoi. Attends, moi, Vanquish, j'ai toujours mon édition PS3. Putain d'hypocrite. Mon édition anglaise, PS3, avec, tu sais, la jaquette un peu hologramme. Ouais, je l'ai toujours. Ah, alors, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein. En hologramme, c'est vraiment le héros de Vanquish. Ah, d'ailleurs, j'ai devant moi. Et là, je l'ai. Donc, je l'ai repris sur Steam. Et pourtant, comme toi en ce moment, moi je suis hyper ricrac niveau thune, mais bon, c'est Vanquish quoi. Je l'ai repris, j'ai refait le premier chapitre hier. Mm. Putain, en 60 FPS, en ultra HD, j'ai mis tout en ultra, ça tourne très bien. Putain, mais c'est génial de redécouvrir le jeu comme ça quoi. Non, mais il est tellement incroyable. Avec zéro chargement, parce que ce qui est bien sur PC avec les rééditions, c'est que Bayonetta et comment Vanquish et même Metal Gear Rising Revengeance, parce que je l'ai repris sur PC aussi, t'as zéro quoi. Moi c'est mon petit plaisir personnel, mais j'aimerais bien qu'ils ressortent c'est à Capcom ça, PN03, hein. Non, c'est à Capcom, c'est mort. Ah, PN03, qu'est-ce que j'avais kiffé, ça appartient à Capcom parce que c'est un peu l'ancêtre de Vanquish quelque part, c'est le design tout blanc, tout un peu Portal, tu sais. Ah, et c'est un jeu de Mikami qui était dans le cadre des fameux Capcom 5, donc c'est 5 projets Capcom qui avaient été signés hardcore en exclu sur GameCube. Certains ne sont pas sortis comme Dead Phoenix, et certains après ont été adaptés sur PS2 comme R4 et Beautiful Joe. Ouais, on voit bien. Mais PN03, c'est presque un jeu de réflexe quoi. C'est presque un test, tu sais, de réflexe humain quoi. Tellement le jeu est dur, hardcore, carré. Mais de toute façon, poil de cul. Ça, tu vois, les gens, la mémoire courte partition de piano mais en jeu vidéo. On parle de darksoolisation du jeu vidéo en ce moment. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a plein qui le pompent. Ouais. Mais au niveau de la difficulté, c'est marrant. On se souvient pas que quand Clover qui anciennement c'était Platinum Games quoi en fait. Ouais bah oui. Parce que Platinum Games c'est construit sur les cendres de Clover Studio. C'est juste un changement de nom. Hein. Voilà. Ils étaient passés par Seed aussi à un moment donné parce qu'il y a eu deux entités. Enfin bon, ça a été tout un. Mais en tout cas bref, anciennement Platinum Games c'était Clover et à l'époque le studio a été créé pour donc apporter des jeux japonais innovants parce qu'ils trouvaient qu'au Japon on répétait toujours les mêmes toujours les mêmes formules et que aussi il fallait, et ça a été aussi la démarche de, avant que Clover soit fondé, c'était déjà la démarche de Kamiya pour Devil May Cry qui est un des pontes de Platinum, c'était leur démarche, c'était de faire des jeux beaucoup plus hardcore, beaucoup plus durs, parce qu'ils trouvaient que les jeux devenaient de plus en plus faciles. Ouais. Et mon pote, moi je sais qu'à l'époque, Beautiful Joe et PN03, je me rappelle très bien qu'à l'époque, on avait vraiment vu que le niveau de difficulté par rapport à la production habituelle de cette époque-là était vraiment monté d'un échelon. Quoi. Surtout, alors Beautiful Joe était déjà dur. Hein, de vers la fin, Beautiful Joe, il était tendax. Hein. Ouais. Bah non, c'est le fait de se retaper tous les boss d'affilée, qui est une très mauvaise idée d'ailleurs. Mais... Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu un travers de certains jeux Capcom. Ouais, ouais, ça c'était vraiment nul et trop dur et frustrant. Et PN03 que j'avais terminé et que même je faisais en hardcore, j'avais débloqué tous les costumes, je l'ai tellement rodé ce jeu-là. c'est pire. Je te rappelle, je crois qu'on avait parlé, on habitait à Juvisy, je crois, quand je... Oui. C'est quand tu bossais à Micromania à ce moment-là, non ? Ouais, je crois bien, ouais. Et je t'avais dit, depuis Shadow of the Beast, j'ai pas joué un jeu aussi dur. Je crois que je t'avais dit. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, il me semble, ouais. C'est franchement... Moi, je crois que je l'avais pas fini à l'époque, effectivement. Ouais, c'est le jeu le plus dur auquel j'ai joué, je pense, avec Ghost and Goblin. Alors, attention, je connais la série, donc je parle pas de Goose and Ghost, de Super Goose and Ghost. Non, le premier Ghost and Goblin qui est le plus dur. Je parle de Ghost and Goblin, le premier. Ouais, ok, voilà. Parce que pour tout le monde, Goose and Ghost, c'est un remake de Ghost and Goblin, alors que c'est juste le 2, quoi. C'est... Bref. Ah, mais c'est les, les Français, quoi. Bon. Sacré Français. Ouais. What the fuck France, là, le mec, là, l'émission. Ah oui, moi, c'est pas mal, lui. Ouais, ouais, bon, moi, je suis pas fan, mais c'est What the fuck France, je trouve que ça représente tellement bien notre pays, quoi, comme phrase. Bref. Ouais, c'est définitivement le jeu un des plus compliqués que j'ai eu à jouer dans ma vie, parce que dès le départ du jeu, en plus, tu commences à être une musique de ouf, t'es à l'extérieur, ça tire de partout. Ah, mais c'est génial, il y a une ambiance. Ouais, il faut que tu rentres dans une base, tu cours. Dès le début, tu sais que tu dois aller dans une porte, mais déjà, les premiers pas que tu fais, tu te prends 3-4 tirs dans la gueule, tu sais même pas d'où ça vient, t'expliques pas les commandes, tu vois. Et dès que t'arrives dans le premier tunnel, dès les premiers ennemis, bah, en 2-3 tirs, tu meurs, quoi. Mais non, c'est à l'ancienne, quoi. C'était très épuré, très... Tu sais, il y a même cette démarche, je trouve, qu'on retrouvera X années plus tard chez les indés. Ou certains jeux semi-indés arty, c'est que c'est Mikami là-dessus, c'est vrai qu'il a toujours quand même été visionnaire, c'est que c'est très épuré. Ouais, ça va à l'essentiel. Ça va à l'essentiel, c'est découlé, parce que et il s'est fait beaucoup casser à l'époque pour ça. Ouais. C'est qu'en fait, t'as une héroïne méga sexy, hyper groovy d'ailleurs, parce qu'il y a un côté un peu. Bah, elle danse en fait. Voilà, et un côté rythmique. Ouais. Très chorégraphique, voilà. Ouais. Et c'est des couloirs à la Star Wars, en fait, c'est des couloirs grisâtres, blancs. Très blanc. C'est du shoot, en fait, quoi. Ouais, t'arrives devant un ennemi, tu t'arrêtes, il tire, t'appuies sur LR pour faire des pas de côté, parce que c'est comme ça, c'est que des pas de côté, c'est un jeu d'esquive. Et quand t'esquives, tu peux aussi attaquer. Bah, c'est l'école du gameplay à la japonaise, quoi, vraiment. Ouais, voilà, c'est un jeu, t'esquives, tu tires, t'esquives, tu tires, t'esquives, tu tires, et il faut apprendre par cœur les patterns des ennemis. Et leur configuration pour pouvoir en venir à bout. Et c'est un jeu qui est très complexe, quoi, qui est très très dur. Les boss c'est épique, quoi, quand il tu termines un boss. Un portage, mais je pense que c'est pas. Ça n'arrivera jamais. Ça n'intéressera pas grand monde, en fait. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Sur l'émulateur. Hein. À moins qu'ils mettent à fond le côté fait par Shinji Mikami, mais. Non. Ouais, mais comme maintenant, tu sais, on se ressent. C'était un bide, ce jeu, quand même. Hein. Donc, bah, de toute façon, le grand malheur de Clover et de Platinum Games, pour revenir et pour finir la boucle Platinum, ouais. C'est que bah, leurs jeux ne sont pas des gros succès quoi, commerciaux. C'est très souvent des succès d'estime, mais c'est pas des cartons commerciaux. Non, non. Par contre, c'est quand même grâce à ces jeux-là. C'est ce qui leur permet aujourd'hui de faire partie des mercenaires les plus convoités du milieu, puisque au niveau de la vitrine, Platinum, voilà, ils ont un CV qui est hallucinant. Ah, attends deux secondes, il y a Loan qui me fait un bisou. Un bisou. Je m'empoigne, moi. Vous allez à Baobab ? Oui. D'accord. Je vais chercher des pieds. Ok, d'accord. Bah, tout à l'heure, alors. Tu leur feras un bisou ? À tout à l'heure, ouais. Bref, oui, non, je disais, ouais. Tu vois, ils ont un CV qui parle pour eux, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent, tu vois, enfin, qu'ils sont des marchés, voilà, qui croulent sous les commandes. Ah, bah, je pense, ouais, bah là, ils sont en mode refus, je pense, même de commandes. Mais oui, alors, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y a un projet qui allait être dévoilé. Alors, j'espère à l'E3 qu'ils ont sous le coude. Faut pas oublier que. Nier Automata, là, ça a été une belle respiration pour eux parce qu'il y a eu Scalebound qui a été annulé. Tu sais, alors, tu te rappelles Scalebound, le jeu là. Ah non, mais moi je suis content qu'il ait été annulé. Ah, enfin, ça a grésillé, je t'entendais plus là. Ah, pardon, non, moi je suis content qu'il ait été annulé, hein, le jeu, perso. Bah, c'est bizarre parce que moi je suis hyper fan de ce que fait Hideki Kamiya, donc on le rappelle, c'est le papa de Devil May Cry, de Bayonetta. Ouais. Mais c'est vrai que là, je trouvais que c'était un peu bizarre et. Non, c'est pas bizarre, Bruno, c'était ringard, attends. Oh là là, le jeu de ringard, quoi, mais. Oh, le mec avec ses écouteurs et son épée et des dragons, hein. Oh là là. Non, putain, puis ça avait pas l'air intéressant à jouer, enfin, c'était bizarre. C'était pas beau, c'était mais ultra générique, les dragons, ils ressemblaient à tous les dragons de toutes les séries que t'as vu depuis Buffy, quoi. Oh non, c'était mais. Nul, Donc, nul. En fait, je suis très content qu'ils. Ouais, qu'ils arrêtent. Non, mais moi aussi. C'est, donc, j'ai hâte de voir leur. Leur vrai nouveau jeu. Leur prochain projet. Que ce soit en collaboration ou. Ils l'ont teasé, je crois. Hein. Mais il me semble, ouais. Il y avait, c'est une sorte de tête de nounours squelette. Exactement. Au sol, ouais. Une sorte d'image un peu chelou. Ah, mais j'ai trop hâte de voir ça. Là, qui fait un peu foufou. J'espère que leur nouveau jeu sera dévoilé à l'E3. Mais bon, tout ça pour dire que Platinum. Là, leurs jeux ressortent sur PC, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ouais. Et j'espère qu'ils sortiront quasiment tous. Après, ceux qui ont été faits par Nintendo, enfin qui ont été financés par Nintendo, à mon avis, Bayonetta 2, on le verra jamais arriver, puisque c'est Nintendo qui avait sauvé le projet, qui l'avait financé pour Wii U. Donc, à mon avis, Bayonetta 2, je serais pas étonné qu'on le voit débouler sur Switch. Sur Switch. En démat ou pas, mais. Un 3 peut-être, je sais pas. On verra. Ouais, bah ce serait peut-être pas étonnant, mais c'est vrai que moi le portage PC de Bayonetta, ça m'a donné envie de me. Tu vois, Bayonetta 2, je l'ai pas acheté en fait, pourtant j'ai une Wii U, puisque j'avais pas gardé un souvenir si exceptionnel du premier, vu qu'à l'époque j'avais préféré DMC4 en fait que Bayonetta, mais là de l'avoir en version vraiment voilà où ça tourne bien et Et l'héroïne, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure pour conclure avec Platinum, c'est que je pense qu'une des grosses erreurs de Bayonetta, ça a été sa communication. Je pense que les faibles ventes, enfin les ventes décevantes, ou du moins, du jeu, sont aussi, je pense, imputables à la communication qui a été faite autour du jeu, puisque on a une héroïne qui est effectivement... hyper sexualisé, hyper sexy. Les trailers étaient tellement too much que vraiment, c'était des plans limite chirurgicaux, quoi. Ouais, c'est trop... Ouais, ça... mais c'est le côté too much japonais. Mais quand tu joues au jeu, en fait, la communication te fait penser que c'est une grosse bimbo et que c'est un jeu pour, tu vois, pour obséder, limite, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est vraiment un jeu girl power. Quand tu joues, c'est que... Elle, c'est en fait, apparemment, tu sais que c'est une dentée, c'est une dentée au féminin en fait. Ouais, elle est très populaire auprès des nanas. Hein. Elle est hyper désagréable avec quasiment tout le monde. Elle est hyper provocante, même dans sa façon de parler. Elle est hyper insultante. C'est une guerrière qui lâche rien pour aller jusqu'au bout. Ouais, et c'est une dentée en meuf. Quoi. C'est dentée en meuf en fait. Et vraiment, c'est tout l'inverse en fait du côté bimbo fantasme masculin sur pattes qu'on a voulu genre prends-moi le cul Je trouve ça super qu'en fait que des hits comme ça et puis Vanquish quoi vraiment quasi inconnu alors que il a tellement dépoussiéré le genre TPS enfin je trouve ça vraiment là il y a vraiment une occasion en or de se rattraper. D'ailleurs il me semble que déjà les ventes de Bayonetta ont été très très bonnes sur Steam. Et je pense que Vanquish va suivre. Et ça, c'est super. Je me serais pas attendu que Steam, en fait, aurait redonné une seconde chance à des gros jeux japonais comme ça. C'est des opportunistes, Steam. Donc, évidemment que oui. Non, mais t'imagines, en fait, pour les éditeurs japonais, ça permet vraiment de s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Et surtout, les éditeurs japonais qui regardent ce qui se passe ailleurs, oui. Ah bah oui, bah de toute façon, c'est... Donc pas Square, quoi. Non mais, Nier Automata, il est sur Steam, hein. Enfin, il est sur PC, hein. Oui, bien sûr, mais c'est un jeu Platinum, t'inquiète que ça... Oui, mais enfin, c'est Square Enix qui édite. Ouais, mais c'est pas... Attends, je mets ma bite à couper que c'est pas Square qui a dit « On va le sortir sur Steam !» Attends, n'importe quoi. Mais non. Pas du tout, Square Enix, c'est comme Nintendo, ils vivent dans leur bulle, ils savent que Steam, ça existe. C'est grâce à leur édition des jeux occidentaux. En dehors d'eux... Mais enfin, là, ils sont éditeurs, ils sont décisionnaires. Après, ils sont pas tous non plus complètement à côté de la plaque. Pour moi, si. Oui, mais là, bon, t'as une vision un peu caricaturale. Évidemment. Et Dieu sait que je suis le premier à gueuler sur Square Enix, mais là, en termes d'édition, c'est pas le studio de développement qui décide que ça sortira sur Steam. Mais non, mais évidemment que non, c'est pas eux qui, c'est pas eux qui décident, de toute façon. Mais disons que Square, vraiment, j'ai envie qu'ils crèvent, quoi. Faut qu'ils ferment, quoi. C'est pas possible. Faut qu'ils donnent leur pognon à quelqu'un d'autre. Mais c'est. J'ai une haine, mais inconsidérée envers eux. La partie Square, hein, pas la partie Enix. Je comprends pas comment un éditeur aussi bon peut devenir un des pires. Mais un des pires, Bruno. C'est. Non, mais moi, je pense incroyable. Je pense qu'il faut faire du ménage. Ils arrivent même plus à développer des jeux, quoi. Il faut faire du ménage en interne pour... déjà, pour moi, Nomura, il faut qu'il vire, quoi. Mais dégagez-le, parce que c'est quoi, plus possible. Il faut du... Tu sais, un peu comme Nintendo a réussi à le faire. Exactement, ça, bah, c'est ce qu'on se disait. Du sang neuf... Laissez les jeunes, quoi. Tu vois, des jeunes qui sont rentrés chez Square parce qu'ils ont adoré les anciens Final Fantasy. Ils ont adoré... que ce soit la période Super Famicom ou PS1 de Square. Mais comme ceux qui ont fait le For Warriors of Light, là. Et puis, bref. Merde. Oh putain. Oh merde, le jeu sur 3DS, là. Bravely Default. Voilà, Bravely Default. Tu vois, c'est une équipe de jeunes, fans de Square. Ils viennent pas de nulle part, mais. C'est des nouveaux talents, entre guillemets. Tu sais, ils avaient fait le Final Fantasy For Warrior of Light, là, pour eux. Oui. C'est ça qui faisait mi-RPG, mi-Animal Crossing, là, en termes de design, qui était plutôt original. Et c'était des mecs qui venaient pas de nulle part, mais un peu, quoi. Tu vois, c'est des nouveaux, en fait, chez Square. Un peu comme ceux qu'on fait Mario Galaxy, entre guillemets, tu vois, par exemple, avec Nintendo. C'est des jeunes. C'est des recrues récentes, tu vois. Mais disons, ce qui est pourquoi ne pas laisser la place à ce genre de personnes, puis... tu vois. Moi, tu vois, Final Fantasy, il faudrait le donner à des mains complètement neuves, quoi. Enfin, bien vraiment, sûr. Faire comme Nintendo, ça l'a très bien fait. Nintendo, en interne, ils ont vraiment, vraiment, vraiment... Parce que Miyamoto, il faut savoir que ça fait des années qu'il prépare sa retraite. Ouais. Ils ont... Miyamoto et ses compères de toujours, vraiment, ont une démarche envers la jeune génération, je trouve, qui est très saine et très productive, parce que les jeux qui sont issus des petites mains de cette jeune génération... et pour en avoir pratiqué pas mal sur Wii U, ils sont vraiment exceptionnels, quoi. Donc, ils ont vraiment bien géré le truc. Et je pense que chez Square... Les anciens devraient être consultants, quoi. C'est tout. Exactement. Et je pense que... Il y a vraiment, en termes de production, il y a toute une organisation à revoir. Comment, avec une licence... Et moi, je suis sûr que tous les concurrents... De Square doivent se dire, putain, moi j'aurais Final Fantasy VII Remake dans mon écurie, putain, mais mon pote, je bichonnerais le truc, quoi, tu vois. En fait, si je suis aussi virulent avec Square en mode taureau, tu vois, genre je vois plus rien, je fonce dans le tas, c'est parce que on a grandi avec eux, et quand tu vois le palmarès et le trésor de guerre en termes de licences de développeurs qu'ils ont derrière, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, comment, c'est comme si Blanche-Neige devenait une pute, tu vois. Bah quand comment on peut passer de tout blanc à tout noir, quand, quoi, tu rejoues à Final Fantasy VI, t'as l'impression que ceux qui gèrent Final Fantasy en ce moment, c'est pas les mêmes, alors que t'as beaucoup de personnes similaires. Ouais. Kitase, c'est le réel d'FF6, hein. Mais tu sais, je pense qu'ils ont plus envie, en fait. Moi, je trouve que ça se sent quand même dans la vie de la société. Ils ont peut-être plus de jus, ouais. Ils sont peut-être. Ils ont plus envie. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient juste consultants. Tu sais, qu'ils aient que le bon côté des choses. Ils testent, ils font leur retour. Et puis, ils terminent leur carrière comme ça. Mais faut arrêter de leur mettre. Moi, la je pense pression, que une jeune garde passionnée de Final Fantasy pourrait faire un. Toujours sous la coupe de Kitase, tu vois, par exemple. Ouais, mais bah, pourrait proposer peut-être quelque chose de beaucoup plus stimulant et beaucoup plus. De neuf, frais. Quoi. C'est... Tu vois, Brave Exvius, bon, c'est un bon jeu, tu vois, sur mobile. Mais même quand ils font du jeu mobile, c'est des trucs qui ressemblent à tout ce qu'ils ont fait avant, quoi. Ils inventent rien. Ils ont demandé à Gumi de reprendre Brave Frontier, de foutre une skin Final Fantasy, puis de rajouter des endroits où tu marches un peu comme les anciens Final Fantasy. Mais il y a rien d'innovant. En fait, c'est un peu comme Apple. C'est que, en fait. T'as l'impression qu'ils en ont marre. La période Steve Jobs d'Apple, tu vois, pour moi, c'est un peu la période Super Famicom PS1 de ouais. Square. C'est-à-dire que une de leurs grandes qualités de l'époque, c'est que t'as l'impression qu'ils, y compris même au sein de la saga Final Fantasy, se réinventaient tout le temps, en fait. Mais ouais, c'est ça, innovait tout le temps. Ça, ils prenaient des risques, ils faisaient des trucs fous, complètement c'était, fous. Quoi. C'était innovant sur le fond, et techniquement, c'était du jamais vu sur la forme, en fait. Donc, ouais, et maintenant, le fond est très, très moyen, voire mauvais, et la forme est limite, quoi. Bah, le truc, c'est que les meilleurs jeux Square Enix de ces dernières années ne sont pas des jeux, pour la plupart, purement internes. Ouais. C'est ça. C'est ou que là, sont des jeux mobiles, incroyable. Ils ont édité des jeux occidentaux donc, qui étaient super bons. Mais bon, pour eux, ça fonctionne pas assez, donc tout passe un peu à la trappe. Ouais. Et les jeux japonais, développement Jap qu'ils ont édité, la plupart des bons, c'est pas des jeux vraiment développés en interne. De toute façon, il y aura un podcast à faire sur Square, parce que pour moi, il y a déjà un post-mortem, parce qu'ils sont morts. Mais il y a beaucoup de choses à dire, et on va rapidement, quand même, si on ne va pas faire deux heures sur les news, mais on va rapidement passer, pour moi, c'est exactement la même chose, hein, la transition est parfaite. Le fait de dire que je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, même sur des grosses licences, c'est Shenmue 3. Oui, alors précise, parce qu'on vient d'apprendre qu'en fait, il ne sera pas présent à l'E3. Il ne sera pas présent à l'E3, ça fait maintenant quand même pas mal de temps que le jeu a été annoncé et qu'ils ont à peu près 6 millions de dollars pour faire le développement, et on n'a toujours rien vu, même pas une vidéo gameplay concrète actuellement. Donc je pense définitivement, tu vois, au début, regardez, c'est la même équipe, regardez, c'est le même artiste, regardez, c'est le même mec qui a fait les tutos, etc. Mais c'est une erreur de faire ça. C'est une erreur parce que c'est des gens qui sont rouillés, qui sont plus dans le vent, entre guillemets, peut-être pas aussi au courant et aussi à l'aise avec les nouvelles techno de maintenant, parce qu'on est là, on n'est pas sur Dreamcast, hein, mon pote, hein, on est sur du multiplateforme et du PC. Et là, on apprend qu'il n'est pas à l'E3 2017, mais honte à vous et sur votre famille, quoi. C'est mais quelle honte, quelle preuve d'incompétence et de manque de sérieux que après... de même. J'espère qu'ils montreront au moins une petite vidéo et pas cette merde qu'ils ont montrée. Leur dev blog pourri, mais c'est franchement, ils font pitié, quoi, à voir. Ils sont dans des bureaux pourris, ils ont limite ta Maya d'ouvert, t'as 2-3 persos pas forcément bien modélisés, ils bougent les bras, attendez, incroyable. Mais c'est ce que tu fais à l'école, ça. Ce qu'ils montrent, c'est des trucs d'étudiants, quoi. C'est... Moi, je comprends pas, parce que j'ai énormément de respect pour Yu Suzuki. Moi aussi, mais parce que ça a été un novateur, c'est un créateur hors pair. Moi, je pense que ce qui pêche, c'est pas tant lui. Comment ça s'est organisé tout ça, tu vois, c'est-à-dire le financement, l'équipe, l'organisation, t'as l'impression que c'est enfin, je sais pas, après on n'est pas dans le secret des dieux, on sait pas ce qui se passe là-bas. Non, mais... ouais, mais c'est franchement pas encourageant, et je suis désolé, enfin, mais merde, mais j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, quoi. Mais on fait vraiment le même métier, tu vois, on met pas autant de temps. En fait, ça n'existe pas, ça. Enfin... Ça aurait été acceptable encore à l'époque, tu vois, si, à l'époque où les outils étaient vraiment hermétiques et réservés qu'à ceux qui étaient dans le milieu. Maintenant, c'est vrai que les outils pour faire son jeu se sont tellement démocratisés. Et c'est tellement performant. Tu vois des jeux. Tellement d'argent. Mais c'est pas ça, c'est que tu vois des jeux indés parfois en 3D. Beaucoup plus beau que celui-ci et très intéressant en termes de game design, se monter très très rapidement. Mais oui, c'est ça que je comprends pas, en fait. Mais parce que je pense qu'il travaille pas vraiment tant que ça, encore une fois. C'est comme le mec de Bloodstained, là. Ça va être une vaste blague. Ah, Iga, ouais, Iga, ouais. C'est tendu, hein. C'est des gens qui bossent pas, ils ont ramassé le pognon et puis bah, ils, voilà. Ouais, ils mais ce qui est dommage, tu vois, c'est que ce genre de projet, ça fait beaucoup de mal. Au projet Kickstarter en général. Si Shenmue 3 se casse la gueule, c'est la fin des gros Kickstarter de jeux. Hein. C'est la fin, hein. C'est clair. Parce que, tu vois, c'est dommage, parce que pour une team qui serait très sérieuse, très motivée, t'arrives derrière, parce que là, ce qui a fait beaucoup de mal aussi, bon, on va pas revenir sur tous les projets, il y en a eu beaucoup, pas forcément que japonais d'ailleurs, hein, beaucoup de projets occidentaux. Ouais. Bah, y a eu Yooka-Laylee, là, qui a été très décevant aussi pour tout le monde. Ouais, mais au moins, il est sorti quand même, tu vois. C'est que t'en as qui sortent pas, et quand ils sortent, ils sont dans un état désastreux. Ils sont dans un état désastreux. Bon, on va pas revenir sur ce. Number 9. Voilà, ouais. Là, je pense qu'il y a vraiment. Ça fait mal à Kickstarter. Hein. Ouais, je pense, hein, vraiment. Ça leur a fait du mal. Parce que là, pour le coup, tu verras que pour Bloodstained, ça va être pareil. Là, pour le coup, c'était vraiment. Là, c'était même plus caché, c'était une arnaque. Et Bloodstained, ça va être une arnaque pareil, pas trop camouflée. Je pense que. Moi, j'hallucine encore les gens qui ont encore de l'espoir, hein, sur ce jeu-là, alors que ça fait quoi, combien d'années que le jeu est en développement, alors que c'est juste un Castlevania-like. En 6 mois, t'as des indés qui font 6 fois mieux. Ouais, c'est ça. C'est... Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu sais, il n'y a pas de secret. Quand t'as rien à montrer, c'est que tu fais rien, Bruno. Pas... Dans quel que soit le métier, hein, si t'as rien à montrer, c'est que tu fais rien. C'est tout. Basta. En autant d'années, tu montes pas un espèce de mec tout pourri, musclé, qui fait de la gym. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Oui, non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que on sait que tout le scénario est écrit depuis longtemps, si j'ai bien compris. Bon. Mais c'est pour ça, je te dis. Pourquoi Yu Suzuki, il est pas juste. D'ailleurs, c'est quoi son poste exactement dans l'équipe? Parce que pourquoi tu vois, il serait pas une sorte de directeur créatif, tu vois? Ouais, scénariste et puis basta. Scénariste, directeur créatif, le mec ou coupe et même coproducteur. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il a pas les thunes tête, mais ah, non, sûrement. Non, bah non. Mais en tout cas, voilà, qu'il soit dans le chapeautage, que ce soit au niveau artistique ou au niveau du game design, mais que tu mets une petite équipe de petits gars qui n'envolent et qui tabassent sous sa coupe, tu vois. Platinum, tout au hasard. Non, mais c'est. Ah, ça serait marrant. Chez Mou 3 par Platinum, tu vois, Ryu avec son sable qui découperait des. Ça serait rigolo. Et je pense que c'est pour ça que Sega ne sort pas encore le 1 et le 2 en remaster qui sont prêts depuis des plombes. C'était confirmé, reconfirmé, oui, vu et revu par une centaine de développeurs, limite. Oui, enfin, oui, mais ça. Voilà. Bah, ça serait polichinelle, ils sont prêts. Pour le 3. Il limite les menus qui sont déjà faits, tu vois, pour choisir son épisode. Non, enfin, mais ce sera peut-être le moment de sortir pour faire patienter un peu les. Mais non, justement, parce que c'est. Stratégiquement, c'est beaucoup plus viable de lancer le 1 et le 2 quand tu as une date de sortie pour Shenmue 3 et un trailer. Ouais, de... mais le problème, c'est qu'ils l'auront quand la date de sortie, c'est ça le souci. Et voilà, et je pense que c'est pour ça qu'ils dégagent pas, c'est qu'ils attendent, ils attendent, parce ils attendent. Parce qu'à force de trop attendre. C'est ça le problème, c'est que, tu vois, la compile HD, là, elle est hyper attendue. Bien sûr, c'est toujours mieux si t'as la date de sortie du 3, mais si t'attends trop longtemps et que les gens finissent par un peu en avoir marre et se lasser, est-ce que c'est pas contre-productif aussi? Bon, je pense qu'il n'y a pas de date idéale en tout cas. Mais c'est surtout pour Shenmue 3 que c'est contre-productif, parce que tu vois, même moi, tu me connais, je suis un fan hardcore hein, de Shenmue, ça fait partie des jeux qui ont carrément changé ma vie et qui m'ont fait voyager au Japon, quoi. pour te dire à tel point, c'est un impact. Même sur ma vie personnelle, immense comme jeu, c'est pas exagéré. J'écoute régulièrement la BO. Enfin voilà, c'est un jeu. Pour moi, c'est culte quoi. C'est au-delà du culte. Et c'est un jeu qui a fait histoire et qui a fait histoire dans le milieu professionnel et aussi dans le privé quoi. Et ben là, c'est la goutte. Moi, le fait qu'il montre rien à l'E3 2017, c'est la goutte. Et je suis à deux doigts de d'avoir le sentiment de même plus avoir envie de l'attendre quoi. Ouais, mais bon, de passer à autre chose. Quand il sortira, tu vas foncer dessus, c'est normal. Ça dépend. Bah non, ça dépend, parce que s'il sort et qu'il y a un 5 ou un 6 chez GK, ouais, mais enfin, tu vois, enfin, vaut mieux se faire son avis par soi-même hein. Ouais, parce que GK, sais, ça leur arrive souvent de se tromper aussi hein. Oui, bien sûr, on adore GK hein. Moi je les kiffe grave hein. Mais c'est... Tu sais, c'est, et je parle en connaissance de cause pour avoir été critique aussi de jeux vidéo quand je bossais dans la presse. Une critique de jeu, c'est un mec avec son background, ses goûts, sa sensibilité, sa tolérance sur ouais, diverses choses. Ouais, je sais bien. Bah, mais... C'est ça. Donc moi, mais je sais très bien que Shenmue 3, ça va être un boulap, tu vois, qui va tomber dessus ou un exerve. Moi, très. Je vais même te dire, une fois sur deux, les critiques de Game Cult, je les trouve soit surnotées, soit sous-notées. Ouais. Donc après, alors, je suis d'accord, faut se faire son avis quoi. Voilà. Il y a GameCube et GameCult quoi. C'est, je suis ah d'accord. Ah bah c'est sûr que s'ils se mangent deux. Je suis d'accord, 3, mais oui. À 99,99999%, je suis d'accord avec Boulap quand même quoi. Tu vois, et quand Boulap m'insiste, je sais que limite, lui, il est limite gentil, tu vois. Enfin bon, moi, tu vois, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est que je serais aussi ouf que toi de Shenmue. En plus, ils vont le vendre plein pot. Ils vont vendre à 60 balles, hein, faut pas rêver. Hein. Ne serait-ce que par rapport aussi à Yu Suzuki, qui reste quand même. C'est pas parce que là, il va peut-être merder qu'il faut effacer d'un trait tout ce qu'il a fait avant. Bien c'est, sûr, c'est un pur génie. Non, bien sûr que non. Ça m'empêchera moi, pas d'acheter. Je me dirais, j'en ai rien à foutre de ce qu'on dit. Je me prends mon Shenmue 3. Parce que quoi qu'il arrive, qu'il soit décevant ou pas, ça reste historique. Ouais, c'est clair. Et je me fais mon avis. Ouais, je sais bien. Ouais, enfin, les autres, j'en ai rien à secouer. Je me fais pas mon avis à 60 euros, moi. Non, mais direct. Je sais que pour toi, la question pécuniaire est toujours centrale. Ah mais, oui. Mais. Moi... Bah oui, parce que c'est le droit d'accès. Donc, part de là. Dans un jeu vidéo, tout part du droit d'acquisition. Moi, c'est un risque que j'aime prendre. Moi, en fait, quand il y a des sagas. Quand ça concerne des sagas qui me passionnent autant que toi, Shenmue, te passionne, je prends le risque. Après, je suis déçu ou pas, comme FF15. Mais c'est pour ça que j'ai pas pris FF15. Voilà. C'est que quand mais je ne regrette pas de l'avoir fait quand même. Parce que. Oui. Moi, je regrette pas de l'avoir acheté, tu vois. De ne pas l'avoir acheté. Je voulais me faire mon avis. FF15, le fait que. Pour moi, c'est une arnaque monumentale. Il reste comme historique, de par son retard, de par la licence qu'il porte, de par les espoirs qu'il portait. Donc, je suis content d'avoir vécu ça à ce moment-là, puisque je ne l'aurais pas acheté, je me serais dit... Merde. Et puis bon, je ne l'ai pas acheté plein pot non plus, parce que maintenant, avec Amazon, les reprises, les bons, il y a toujours moyen quand même de... Bon, de je sais bien, de mais pas... pour moi, ça vaut pas, moi, ça vaut même pas 20 balles. Quoi. Moi, j'achète souvent des jeux neufs, ça fait un siècle que je n'ai pas acheté un jeu 60 euros, quoi. Mais en général, oui, je sais, ça tourne même autour 50, de 40-50. Voilà, bon. Même 50, c'est trop. Quoi. Enfin, et tout je... ça pour dire que pour Shenmue, je pense ça que... ça sent l'enfilade, Shenmue 3, Shenmue, ça sent plus l'enfilade. Ça sent effectivement très mauvais. Maintenant, j'attends de voir parce que on était les... moi, j'étais le premier à avoir très très peur. Tu vois, moi, avant que The Last Guardian et FF15 sortent, je pensais que The Last Guardian allait être une catastrophe. Alors bon, c'est un des jeux qui m'a le plus bouleversé de toute ma vie. Ouais. Et à côté de ça, FF15, je pensais qu'ils avaient remonté la pente et je m'attendais pas à être aussi déçu. Donc, je me dis, attendons mais de voir. Mais Last Guardian, c'est différent, parce que Last Guardian, t'as Sony derrière qui finance, et c'est sous contrat. Bref, c'est dans un cadre, même si on n'avait pas l'impression, et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas pendant quelques temps, mais dans la pratique, mais c'était dans un cadre quand même professionnel. C'est pas du l'argent des joueurs, on est complètement en roue libre. Il n'y a pas de gros boss constructeur derrière pour te mettre des coups de pied au cul, etc. Le problème, c'est que tu as l'impression que cette licence culte qu'est Shenmue, comme en dehors du monde de l'Internet, je ne pense pas qu'il y ait autant de joueurs que ça qui attendent son retour. Non. Bon, 6 millions quand même. Hein, vu le prestige de la licence, je trouve que son développement n'est pas à la hauteur du prestige. En fait, non, mais c'est même pas que c'est pas à la hauteur, c'est que c'est un désastre. C'est désastreux, quoi. Ah, autant d'argent, autant d'années, et tu n'as rien à montrer. Mais je te dis, c'est comme pour Bloodstained. Ça va être une catastrophe. Ça sent la catastrophe. Si là, cette année, ils ne sont même pas foutus de montrer un peu de gameplay, un peu bricolé, tu vois, pour rassurer les 6 millions de dollars... pour rassurer les gens qu'on met un peu de sous, etc. S'ils sont même pas foutus de prendre une petite démo, s'ils montent même pas une vidéo de gameplay, un reveal de gameplay, tu vois, quel que soit l'état, mais au moins un peu, une phase, tu vois, une phase de jeu, un truc complet, testé, eux en interne, qu'ils peuvent montrer, bah, cherche pas. Ouais, c'est non, mort. Mais... c'est mort, c'est foutu, c'est mort, c'est mort, bah, c'est écoute, mort, de toute façon, c'est pas possible. On va attendre de voir, on va finir les news. On a fait une bonne heure et demie, mais c'est bien, ça... On vous a promis un gros numéro, puis je trouve qu'il y avait vraiment des choses intéressantes à dire. Ah ouais, c'est clair. Puis là, on aurait pu continuer. Hein, parce qu'il y a on aurait pu continuer encore dire, longtemps. Hein. Ce qu'on va vous proposer, en fait, là, pour la seconde partie de l'émission, c'est qu'on s'est dit, mais à quoi ça sert d'attendre la fin d'année, ce qu'on fera d'ailleurs en fin d'année, hein, pour dire les jeux qu'on a préférés, en fait, depuis ce début d'année, en fait, 2017. On s'est dit que pour préparer vos vacances d'été... vos moments libres et vos moments de jeu, tout simplement, bah, qu'on allait faire, nous, un bilan des jeux qu'on a préférés durant ce premier semestre 2017. Ouais. Alors, c'est pas forcément des jeux de 2017, attention. Oui, parce que moi, je vais revenir sur The Last Guardian, qui est sorti en fin d'année. Voilà, donc on va se concocter une petite liste de quelques titres vraiment... Peut-être pas tous ceux, parce que ça serait peut-être trop long, non, mais en tout cas ceux qu'on a, je sais pas, 4 ou 5 titres chacun, qu'on a vraiment préféré depuis début 2017, pour vous donner des conseils d'achat, surtout que ça tombe bien, parce que l'été arrive, et surtout que, comme on le disait tout à l'heure, le prix des jeux baisse très rapidement. Ouais, donc, et puis là, il va y avoir des soldes sur Steam et tout. Hein. Voilà, donc là, ça va être moyen de récupérer des jeux. Voilà, donc, je vais mettre un petit jingle, et puis, bah, Julien et moi, on va se retrouver demain pour enregistrer la suite. Et voilà, pour vous faire ce gros épisode anniversaire, excuse du retard, slash tout ça. Bon, bah, on se retrouve après ce petit jingle musical. Ciao. Bah maintenant, on va aborder le cas Nier Automata. Alors, en fait, ça va un peu se mêler à la dernière partie de l'émission. On va vous conseiller en fait des jeux à faire cet été, des jeux qu'on a adorés et qu'on a joués depuis début 2017. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis forcément en 2017, mais c'est les jeux qu'on a joués depuis le voilà, début de cette année. Moi, parmi ces jeux-là indispensables, bien sûr, Nier Automata a une place de choix. Et comme on avait prévu d'en parler un petit peu à part, ça fera une transition après vers notre liste de jeux. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que Julien, donc, comme vous l'aurez compris, n'y a pas joué encore. Ouais. Moi, je m'interdis de vous spoiler absolument quoi que ce soit d'important sur ce jeu, parce que ce serait vraiment criminel de spoiler Nier Automata, qui joue beaucoup sur les effets de surprise. Donc, on rappelle donc, que ça a été développé par Platinum Games, en tout cas du côté gameplay, que le jeu a été imaginé par Yoko Taro, qui est le responsable donc, du premier Nier et des Dragon Guard. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était Dragon Dragoon en Jap. En Jap, c'était Dragon Dragoon, ouais. Et ouais. Chez nous, c'était Dragon Guard. Voilà. Savoir que tous ces jeux-là, en fait, se passent dans le même univers. C'est exactement le même lore, sauf que ça a des périodes complètement différentes, en fait. Ah, c'est le même lore que Nier. Oui. En fait, sérieux, le Nier... truc avec les dragons là, c'est pareil que. Voilà. C'est en fait, Nier, à la base, le premier Nier, et ça, je vous en reparlerai parce que. Je me le suis fait offrir et je suis en train de l'attaquer. J'avais un pote qui avait pas arrêté de me dire qu'il déchirait. Oui, bah c'est, en fait, le premier Nier, si vous vous souvenez, c'est que c'est fait partie de ces jeux qui ont acquis un statut culte sur le temps, en fait, ouais. Qui n'ont pas été trop remarqués lors de leur sortie. Nier, c'est surtout parce qu'on voit que le budget n'a pas été hyper conséquent et que visuellement, c'est pas un foudre de guerre. En fait, le premier Nier a acquis un statut culte au fil des années. Et donc là, je suis, comme je me suis pris vraiment de passion pour l'univers du Yoko Taro, que je ne connaissais pas avant Nier Automata. Là, je vais vraiment découvrir en fait tout ce qu'il a fait avant. Donc, faut savoir que Nier, c'est une sorte de spin-off de Dragon. Voilà. Et comme souvent, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet Persona, c'est que c'est le spin-off qui a pris le dessus sur. Sur la série originale, puisque maintenant Nier est beaucoup plus coté et important que Dragon Guard. Donc voilà, faut savoir que ça se passe dans le même univers, sauf que c'est pas du tout dans les mêmes périodes. Par exemple, Nier Automata, ça se passe vraiment des milliers d'années après. Alors je sais plus combien d'années exactement. J'ai l'impression que c'est dans un futur très très très très, très lointain. Voilà. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc Nier Automata donc a été donc pensé par Yoko Taro et là ça a été développé par Platinum Games et entre la session d'enregistrement d'hier et aujourd'hui, Square Enix a annoncé des super résultats et ça me fait vraiment plaisir sur Nier ouais. Automata qui a dépassé les 1,5 million d'unités vendues version des maths et version physique. Au total quoi et ça fait vraiment plaisir parce que la suite de Nier déjà là-bas c'était pas gagné on sent qu'il a pas eu un budget énormissime pour faire la suite ouais mais là maintenant c'est bon ça va être une série et c'est génial parce que c'est je pense j'en suis l'exemple vivant c'est que on est énormément de gamers à découvrir son univers. Et moi, vraiment, je le rapproche, hein, comme je disais, des Ueda, des Suda 51, des Kojima. C'est vraiment quelqu'un qui a un univers à lui et une folie vraiment qui lui appartient. Et qui sont difficilement descriptibles par des mots. Il faut vraiment y jouer, jouer à ces jeux. Et je pense que Nier Automata représente la quintessence de son art. Et ça fait plaisir. Et en plus, je pense que ça incitera ce succès... Square Enix, vu qu'on parle de Square Enix dans la première partie de l'émission, a continué à collaborer avec Platinum. Donc, mais t'as vu, je pense que tout le monde se dit la même chose. Parce pour FF7, ouais. Pas forcément par rapport à ça. Je te rappelle, quand on avait vu les premières vidéos de gameplay concrètes, tu sais, genre quelques mois avant la sortie du jeu, où là, on était proche du Gold, tu sais, du Gold ou du Candidate to Master de Nier Automata, qu'on avait vu les vidéos, on s'était dit mais pourquoi c'est pas ça FF15 et c'est marrant hein, comme quoi je pense que c'est un réflexe naturel de se dire c'est que Raphaël a acheté Nier. Je sais pas si t'es au courant. Non, Raphaël, notre cousin. Le premier ou Nier Automata? Non, Nier Automata. D'accord. Il s'est acheté alors que d'habitude, c'est pas du tout le genre à acheter un jeu, genre 50 balles comme ça. Il est un peu comme moi, quoi, à ce niveau-là. Il l'a acheté. Il en a parlé sur Facebook parce qu'il avait dit, ouais, enfin, tu sais, sur Facebook, t'as des trucs genre machin joue à tel jeu, je sais pas quoi. Et là, t'avais genre Raphaël. Joue à Nier Automata. Ah, j'ai pas vu passer. Et en commentaire, c'était il y a plusieurs jours. En commentaire, il dit, mais bon, ça aurait pas dû être ça, FF15? Avec un point d'interrogation, quoi. Comme quoi, tu vois, tout le monde se dit la même chose, quoi. C'est. Ce qui est hallucinant, c'est que. Faut passer le flambeau, clairement. Ça prouve qu'il faut passer le flambeau, quoi. Mais Nier Automata, où c'est très fort, c'est que quand. Quand je crois que c'est en 2015 qu'ils ont annoncé que la suite était développée. Moi, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Nier, qui font partie de ces jeux cultes à faire absolument, qui n'ont pas été considérés à leur juste valeur à leur sortie, voilà, etc. Et du coup, moi, je me disais, tiens, je connaissais pas Nier. Et les premiers visuels m'ont tué, et surtout, ce qui m'a achevé, c'est la démo donc, qui avait été mise en ligne quelques mois avant la sortie du jeu. Et je n'ai jamais, au grand jamais, refait autant de fois une démo en boucle. Ouais. La démo déjà de base m'a complètement fasciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que, tu sais, il y a des bonnes et des mauvaises démos. Des fois, tu as des démos qui rendent pas justice au jeu et parfois ça peut même porter un discrédit sur le jeu final. Là, c'est vraiment l'inverse. Ils ont vraiment bien joué. C'est-à-dire que la première heure de Nier Automata, en fait, faut savoir, c'est que tu t'en prends vraiment plein la gueule. C'est-à-dire qu'en une heure. T'as beaucoup plus de charisme que 99% des jeux qui sont sortis ces dernières années, quoi. Ouais, mais comme à l'époque d'FF7 ou ces jeux-là. C'est hallucinant. Et en fait, les débuts étaient très importants. Où ils ont été très intelligents, c'est que dans le jeu final, t'as une première partie, donc on en a parlé tout à l'heure, qui est vraiment axée shoot, que t'as pas dans la démo. Dans la démo, en fait, t'attaques tout de suite la partie pédestre, en fait, la première fois que tu diriges Toubi, donc l'androïde, à pied. Ouais. Et ça va jusqu'à un boss qui est absolument, bon... C'est complètement dingue. Et c'est généreux parce que si tu prends le temps d'explorer, de niquer tous les ennemis, tout ça, tu peux quand même passer, je sais pas, peut-être une bonne vingtaine de minutes, 25 minutes sur cette démo. Et entre la bande-son, entre le gameplay, l'univers, le charisme global de tout ça, j'avais jamais refait autant de démos. Et ça, tout de suite, je me suis dit, bon, bah le jeu, je l'avais précommandé direct. Je dis, il me le faut. Ouais. Il me le faut parce que quand tu connais pas Nier Automata, quand il joue, tu te dis, voilà, c'est tout ce que j'ai aimé dans les jeux Jap à l'époque où ils étaient au summum. Ouais. Tout est réuni dans Nier Automata, c'est-à-dire que tu as un gameplay qui est d'une nervosité, d'une coolitude, je dirais, là, bon, grâce à Platinum. Qui est vraiment, mais qui est hyper prenant et qui te donne des décharges d'adrénaline de malade. T'as une bande-son, moi personnellement, depuis FF6, jamais une bande-son de jeu vidéo ne m'avait autant hanté. Ouais, je l'écoute en boucle, mais je l'écoute tout le temps en boucle en fait. Je travaille avec, elle est en fond sonore. Enfin, c'est vraiment, hein, je le dis et je peux le dire parce que je l'écoute en boucle depuis maintenant de nombreux mois. Voilà, depuis FF6, j'avais. Et Valkyrie Profile. Une bande-son m'avait pas autant imprégné, quoi, marqué. Ouais. Et t'as en fait l'impression que c'est une sorte de best-of de tout ce que les Japonais ont apporté aux jeux d'action. Ça, bon, c'est pas du spoil, c'est que... ça, tout le monde le sait, c'est-à-dire que Nier Automata multiplie, en fait, les types de gameplay. T'as des phases de shoot, donc t'as... Principalement, c'est comme un beat'em up, hein. Voilà. Ouais. Mais comme t'as des phases de shoot, t'as des changements de cadrage, de caméra, de plan de vue très réguliers, et t'as l'impression que c'est vraiment un patchwork, et ça, Yoko Taro s'en cache pas, c'est qu'en fait, tout ce qu'il aime bien, il le met. Ouais, et ouais, ouais. Il veut pas que le joueur s'ennuie, donc il aime bien multiplier, lui... Bah, c'est compréhensible, hein, quelque part. Voilà, et quand tu lis les interviews, lui, en fait, il aime pas trop faire un jeu, en fait, où le même gameplay se déroule du début jusqu'à la fin, il aime bien surprendre le joueur tout le temps. Et Dieu sait s'il y arrive, et sans spoiler, c'est vrai qu'il y a même des sous-couches de gameplay que tu peux pas découvrir au début dans Nier Automata, ouais. Donc je vous spoilerai pas. Tu vois vraiment que ce principe-là, il l'a creusé, mais vraiment à fond. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme un oignon, t'as plusieurs couches. Ouais. J'ai jamais vu, je pense, j'en suis certain même, un jeu qui cache autant son jeu, c'est le cas de le dire. Ouais. Tu découvres tout le temps des nouvelles couches, en fait. Plus tu creuses, et plus l'identité du jeu se révèle, et plus tu prends conscience que tu passes, en fait, au fil des runs. C'est-à-dire que Nier Automata, c'est très important, avant que tu me poses tes questions, que je précise ça, c'est que quand tu fais ton premier run de Nier Automata, tu dis, bon, j'ai joué à un des jeux d'action les plus cool de la galaxie, ouais, c'est super, mais bon, au niveau du scénario, il y a plein de zones d'ombre, c'est bizarre. Bon, et t'as un New Game Plus. Et en fait, le jeu est exigeant et demande aux joueurs un investissement, c'est-à-dire qu'il dévoile quasiment rien sur le premier run. Ouais. En fait, faut savoir ouais, que... j'ai cru comprendre ça. Voilà, en fait, les New Game Plus de Nier Automata, ce sont des épisodes. En fait, c'est-à-dire que tu refais pas le même jeu, c'est que tu découvres de nouveaux points de vue, ouais, avec d'autres personnages, tu refais... J'ai cru comprendre, limite, tu joues avec d'autres persos, c'est pas ça ? Voilà, en fait, t'as trois persos, en fait, principaux, ouais, dans le jeu. Après, je vous dirai vite fait comme la trame scénaristique de base pour que ce soit un peu plus compréhensible pour ceux qui nous écoutent, mais en fait, tu as trois personnages principaux. Le troisième, tu attends pas mal de runs avant de l'incarner. Ouais. Et avant ça, tu refais différents moments du jeu, différents points de vue, et tu fais la suite aussi des scénarios, des scénarii des deux premiers personnages, en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire la meuf et le mec là, c'est ça. Voilà. Alors tu as l'androïde donc 2B, mais bon, j'ai l'habitude de le dire en anglais, 2B, ouais, qui est l'un des personnages les plus charismatiques qu'on ait vu. T'as 9S, donc 9S qui est le pendant masculin, qui est un androïde aussi, et ouais, tu as 2A qui est une autre fille androïde, mais que t'incarnes au bout de quelques runs, en fait, ouais, mais dont le scénario n'est pas moins majeur, en fait. Il est très important aussi, sachant que dans le scénario, les scénarios respectifs de ces trois personnages, ils se croisent, en fait, à divers moments, voire ils collaborent aussi à divers moments. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir la structure du jeu, elle est vraiment hyper intéressante, c'est-à-dire c'est comme un jeu épisodique, ouais, sauf que chaque nouveau run, chaque nouveau New Game Plus, c'est un nouvel épisode, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tu finis une première fois, tu fais le deuxième run, qui est en plus le plus vicieux, parce que quand tu fais le deuxième run dans Nier Automata, tu refais à peu près la même chose que dans le premier run, avec des nouvelles scènes et des nouveaux tronçons, et tu dis, bon, bah... ok, c'est comme ça. Et en fait, c'est à partir du troisième run que tu fais complètement autre chose, que tu découvres, d'accord, tout un pan nouveau de l'histoire, et le quatrième run aussi, et le cinquième. Enfin, c'est en fait, c'est un système épisodique. Mais il termine, quoi, ça se termine jamais ou... Ah, si, si. Alors en fait, il faut savoir, c'est que t'as 26 fins, putain, dans Nier Automata, mais pas de panique, les trois quarts sont facultatives, elles sont plus. C'est presque parfois des fins gags, c'est-à-dire que sur une mission, bah là, moi la première fin, c'était la fin, je ne sais plus laquelle, que j'ai eue, par exemple, j'étais à quelques heures de jeu, hein, j'étais même pas à la moitié en fait de mon premier run. D'accord. On me dit d'aller sauver quelqu'un en urgence et tout, je fais ok, je cours, j'y vais et je me fais tuer entre temps. Au lieu que ça me fasse un game over, ça m'a fait un générique de fin. Ah d'accord. J'ai eu un générique de fin, ouais ouais, qui a défilé en accéléré. Comme si tu mettais avance rapide sur une vidéo. Ouais. J'ai qu'est-ce que c'est que ça ? C'est marrant. Bon, bah, vous avez échoué, vous êtes mort, machin. Un tel est crevé. Enfin, bref, ok. Mais ça m'a remis quand même à mon point de sauvegarde. D'accord, et c'est considéré comme une fin. Et j'avais débloqué déjà une fin. Donc, en fait, si tu veux, t'as énormément de fins comme ça qui se déclenchent dans certaines situations. Par exemple, ça peut être au début d'un run. Tu vas pas à l'endroit qu'on t'a dit. Ouais. Enfin, tu vas pas à l'endroit, même qu'on t'a pas forcément dit, mais tu vas pas à l'endroit qui est prévu pour continuer la mission. Et ben, t'es qualifié de limite de déserteur. Bah, tel personnage n'a pas voulu faire sa mission, il a fui pour vivre sa propre vie, machin. Ça te débloque en fait des fins alternatives. Voilà. Alors que tu viens de commencer ta mission, hein, tu peux avoir des fins au bout de 3 secondes de jeu en fait. D'accord. Voilà. Par contre. Alors ça, c'est les fins rigolotes, et je ne les ai pas encore toutes débloquées, parce qu'il y en a 26, donc c'est toutes les lettres de l'alphabet, en fait. Ouais. Et quand tu relances ta sauvegarde, ça te marque les fins que tu as débloquées. Donc A, d'accord, B, C, D, machin. Mais par contre, tu as 3-4 fins, alors je ne donnerai pas les lettres pour ne pas spoiler, qui là, par contre, sont hyper importantes, d'accord, qui sont majeures, et qui t'expliquent ce qui se passe, et qui te retournent le cerveau complètement. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tu fais ton premier run, tu fais « putain, le jeu est super cool », et plus tu avances, plus plus tu te confrontes aux différents points de vue, plus tu découvres des nouveaux pans de scénario, tu relis le jeu complètement différent. Tu vois, comme certains films où la fin, genre tu vois Fight Club ou You Are Suspect, où à la fin, le twist final te fait penser le film complètement différemment, en fait. Oui, ouais, ouais. Voilà, tu relis le film complètement différemment. Bon, bah là, c'est ça, mais fois 1000, parce que c'est tout le temps ça, en fait. D'accord. Au fil de tes New Game Plus, donc au fil des épisodes que tu fais, tu remets tout en perspective. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as observé, tout prend un autre sens. D'accord. Et tu te rends compte que de Beat'em Up, super cool, qui a la patate, c'est un des jeux au scénario le plus profond que j'ai vu. C'est très noir. C'est très, très noir. C'est-à-dire que c'est vraiment... faut avoir la patate, hein. Faut pas avoir envie de se pendre avant d'y jouer, c'est sûr. Ah bon, d'accord, ok. Ah oui, mais ce qui est génial, c'est que ça manie en même temps l'humour, le côté très très noir, et c'est exaltant, c'est hypnotisant, c'est-à-dire qu'à côté de ça, t'as le gameplay, tu sais, qui est très galvanisant, t'as la bande-son dont j'ai parlé. Ouais. Tout ça fait une sorte de maelstrom sensoriel hyper fort, qui fait que moi je sais que le jeu m'a obsédé des mois durant, je ne le lâchais pas, quoi. J'enchaînais. Je voulais toujours en savoir plus, et même là, au jour d'aujourd'hui, j'ai débloqué toutes les fins principales. Les quêtes annexes, qui parfois sont même des quêtes complètement basiques, amener un tel objet à quelqu'un ou aller sauver quelqu'un qui est en galère, et ben ça te débloque des petites cinématiques qui approfondissent l'univers. Ouais, voilà, du coup, c'est très. Voilà, et donc avant que tu poses tes questions. Très récompensant, quoi. Ah ouais, non, mais voilà. Au niveau reward, là, c'est un truc de fou. Et donc, tu incarnes des androïdes, donc principalement donc 2B et 9S et plus tard le troisième personnage, mais ça je vous dis pas trop voilà quel est son background, parce que c'est quelque chose d'assez voilà, ça n'a pas été trop révélé, c'est assez surprise entre guillemets. En fait, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Yora, et en fait leur but en fait c'est de débarrasser la Terre d'une armée de robots. Faut savoir que la Terre, ça fait des centaines d'années en fait. Qu'elle est plus habitée par les êtres humains. Les êtres humains donc sont censés vivre sur une station sur la Lune. Ouais. Voilà, puisqu'ils ont été chassés, ils ont dû fuir parce que les trois quarts de l'humanité a été désinguée et le peu de survivants vivent en fait sur une station lunaire. Toi, tu fais partie donc d'une armée d'androïdes qui a été conçue par les êtres humains pour tenter d'éradiquer donc ces armées de robots, parce que toi t'es un androïde donc apparence humaine, mais sur Terre donc c'est vraiment des robots de forme très robotique, c'est-à-dire c'est des formes très géométriques, etc. Ça fait des centaines d'années que c'est comme ça, sachant que cette armée de robots a été envoyée par une race extraterrestre en fait pour prendre possession de la Terre. Voilà. D'accord, c'est pas des. D'accord, je crois que c'était des robots humains en fait, faits par les humains. Non, et alors donc, ce qui se passe, bon, ça c'est pas un spoil parce que c'est vraiment le postulat de départ voilà, que tu vois dans les résumés les plus courts du jeu. Ouais. C'est qu'en fait, tout n'est pas si simple, c'est que tu combats ces robots, mais tu t'aperçois que certains ont commencé à développer des sortes de sentiments. D'accord. Et voire un semblant de culture. Okay. De civilisation. Et en fait, tu t'aperçois que, et j'en dirai pas plus, que ces robots essayent de singer l'humanité, l'histoire de l'humanité, ce qui donne lieu à des scènes, mais d'une force hyper malaisante, mais d'une force vraiment émotionnelle très impactante. Et toi, en face, donc, tu joues des androïdes qui ont une apparence humaine, dont tout sentiment est interdit aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de base. À partir de ce postulat de base, qui est une thématique de SF qui a été déjà maintes fois utilisée, Yoko Taro le fait vraiment d'une manière qui lui est propre, et c'est un des plus beaux traitements de cette thématique de SF que j'ai pu voir, et la plupart des critiques ça s'accordent là-dessus. Mais c'est un jeu en fait qui se mérite, c'est-à-dire que quand tu vois que le deuxième run ressemble beaucoup au premier, t'as l'impression qu'il s'est même fait exprès pour décourager, et le jeu se mérite. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment pousser plus loin. Et donc, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort incroyable pour poursuivre, parce que moi, le jeu m'a captivé dès les premières minutes. Donc moi, j'ai enchaîné, tu vois, voilà, toujours avec la même ferveur. Mais voilà, faut savoir qu'en fait, si tu veux voir tout ce qu'est vraiment l'âme de Nier Automata, il faut vraiment que tu enchaînes les runs, que tu découvres les nouveaux pans de scénario, les nouveaux épisodes. Moi, j'appelle ça des épisodes. Et quand tu vois, et j'en dirai pas plus, et je terminerai là-dessus, quand tu vois à la fin ce qui se passe, pourquoi ouais. t'es là, pourquoi tu fais ça, et ce qui se cache derrière cette guerre, c'est hallucinant. C'est, tu sais, voilà ce qu'on appelle le mind blow, quoi. C'est que ça explose, quoi. Dans ta tête, tu dis, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Est-ce que tu as lu... moi, c'était mes questions, parce que j'arrive pas... J'ai juste eu quelques échos, mais c'est des échos comme ça, rapides. Est-ce que t'as lu les quelques bouquins ou genre La Révolution des Robots, c'est d'Asimov, ou Le Cycle des Robots, pardon. Non ? Non, non, non, non. Non, d'accord, parce qu'apparemment, c'est très inspiré des bouquins d'Asimov, quoi. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. D'ailleurs, il y a des... Ouais, et moi, comme je suis un gros hardcore... Ça va te plaire, parce que... Le Cycle des Robots, c'est pour ça aussi que je veux rien savoir, parce qu'apparemment, c'est quasiment une lettre d'amour... à ces bouquins, donc c'est un jeu en fait qui, parce que j'ai beaucoup lu justement des critiques de personnes qui sont assez férues de ce genre de littérature. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est un type de littérature sur laquelle je me suis pas encore trop penché, mais tu lis des analyses très intéressantes, pertinentes sur ceux qui ont fait le jeu. T'as énormément de références littéraires, philosophiques. Apparemment, ouais, t'as beaucoup de 84 et beaucoup d'Asimov, donc ça tombe bien, c'est mes bouquins préférés, donc ça tombe pile. C'est un jeu, je te rappelle, de toute façon, Nier Automata, ça fait longtemps que je t'en parle aussi, et que je te dis, putain, je l'attends comme un dingue. Oui, bon, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'à la base, tu vois, il est vendu comme un, et ce qui est déjà très bien, comme un putain de jeu d'action, d'action RPG, qui a un charisme, une patate d'enfer. Et en plus, déjà, il aurait été que ça, ça aurait déjà été énorme, mais il est tellement plus que ça. Ouais. C'est, en fait, je trouve même que ça remet peut-être en cause parfois l'exercice critique du fonctionnement de la presse, jeux vidéo, tout simplement, parce que ceux qui ont eu vraiment le temps de s'investir dans le jeu complètement ont délivré une critique totalement différente de certains sites ou magazines, tu sais, qui testent 10 jeux comme ça d'affilée rapidement. Parce qu'il faut délivrer la note, parce que c'est un jeu que tu peux pas tester en quelques heures, et c'est surtout un jeu qu'il faut vraiment savourer sur la longueur, en fait. Tu peux pas dire je fais un run et demi, ça y est, je... Non, parce que moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'avais commencé le jeu. Quand tu fais le premier run, t'as l'impression que t'as vu 1%. Quand tu sais tout ce qui t'attend derrière, t'as l'impression que t'as vu 1% du jeu, en fait. Ouais. Que t'as vu vraiment qu'une petite pointe de l'iceberg. Pour revenir sur ta question, si cette littérature-là te plaît, les thématiques vont d'autant plus te parler, c'est clair. D'accord. Bon, bah écoute. Bon, de toute façon, ça ne change pas que je comptais le prendre. Hein, donc... moi, c'est... Il est dans mon top. C'est le jeu avec Zelda Breath of the Wild, mais bon, malheureusement, j'attends d'avoir une Switch, en fait, pour le faire. Donc, comme je n'ai pas de Switch, le jeu numéro 1 que... qui est genre dans mon top de liste des jeux à prendre, c'est Nier. Puis bon, maintenant, i7 en second, grâce aux machines que j'ai, entre guillemets, tu vois, parce que bon, j'ai une PS4 et un PC plutôt bien balèze, donc du coup, voilà. Mais j'aurais une Switch, bon, je serais passé sur Zelda, mais bon, voilà, c'est... C'est un jeu vraiment qui... Il faut faire absolument... Et je trouve que cette année 2017 est historique, puisque... c'est quand même assez incroyable tout ce qu'il y a, hein, franchement. Déjà, entre Nier Automata, Zelda... Ouais. Et j'inclus aussi The Last Guardian, même s'il est sorti fin 2016. Pour moi, ce sont des jeux totalement historiques. C'est une sacrée Triforce. Voilà, et c'est le retour en grande pompe. Et, alors moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je pense qu'on peut aussi ajouter Persona 5 dans la liste. Vraiment, le gros jeu japonais sur console revient, mais en force. C'est des leçons. En fait, en plus, Nier Automata, ce qui est, pour parler vite fait de la partie technique, c'est que le fait que les textures soient pas, au top du top, le fait qu'il y ait plein de murs invisibles, je m'en fous complètement. C'est que le jeu est d'une générosité tellement abyssal, enfin, c'est un puits sans fond en fait. Ouais. La générité de ce jeu, il est tellement fort sur le propos et fort sur la forme que c'est. Bah, c'est ce qui a l'air de s'être passé. C'est-à-dire que d'habitude. C'est la générosité et le charisme, quoi. Ouais, voilà, d'habitude, vraiment. C'est typique des trucs où dans les tests, c'est du genre, oh, il y a des murs invisibles, il y a ceci, cela, mais pour Nier, en fait, apparemment, le reste est tellement. Tellement bon que j'ai l'impression que dans les tests, tout le monde s'en branle de ça, quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, techniquement, il y a vraiment des lacunes. Parfois, même si c'est rare, il arrive qu'il y ait des baisses de framerate sur les zones un peu plus ouvertes. Il y a des murs invisibles partout, parce qu'en fait, tu as des zones semi-ouvertes dans le jeu. Ouais, je sais. Ouais. Voilà, où tu feras beaucoup d'aller-retour. Mais. C'est là où tu vois la puissance du propos et de la direction artistique, c'est que ces deux pans-là, sous le fond comme sur la forme, il est tellement puissant que, tu vois, je préfère mille fois plein de murs invisibles dans Nier Automata qu'un jeu qui n'a aucune âme, qui remplit juste un cahier des charges et qui a effectivement aucun mur invisible, qui est parfait techniquement à tout point, qui est le plus beau du monde, tu vois, Bah, à côté, il aura un charisme de bulot à côté de Nier Automata, tu vois. Et c'est ça, c'est que tu vois que Nier Automata, déjà à la base, développer une suite, c'était pas gagné. Donc tu sens que Yoko Taro et Platinum n'ont pas eu un budget de malade. Mais avec le petit budget qu'ils ont eu, pour moi, ils ont éclaté tous les triple A de ces dernières années. C'est impressionnant. Et tu vois, Zelda, c'est pareil. Zelda, c'est un pareil. C'est pour moi, là, vraiment, Zelda et ma Triforce, hein. Ouais. Zelda, Nier Automata, The Last Guardian, pour moi, c'est vraiment les trois jeux de cette génération. Ouais. Et ben, c'est tous des jeux qui techniquement ont des failles, en fait. Ouais, mais comme quoi, il y a. Voilà, parce que Zelda, Zelda techniquement, pareil, il est vraiment pas ébouriffant. Mais putain, à côté de ça, l'expérience est tellement mythique que voilà quoi. Donc c'est vraiment des jeux qu'il faut faire pour votre culture. Et pareil là, donc je me suis lancé dans. Avant qu'on termine là-dessus, que tu me poses tes dernières questions, je me suis lancé Je pense que j'ai pas grand-chose à te poser. Hein, je me suis lancé sur le premier Nier, parce que je voulais vraiment découvrir ce qui se passe. Et oui, effectivement, le premier Nier, donc, qui est sorti sur PS3 et Xbox 360, techniquement, alors c'est clair que tu vois, c'est pas The Last of Us, hein. Mais la musique, l'univers, le propos, le gameplay, bien sûr, est moins bien affûté que dans Nier Automata, parce que là à l'époque c'était vraiment fait par Cavia, tu vois, donc c'était pas Platinum Games qui a fait le gameplay, mais le gameplay je trouve tout à fait honnête, ça marche très bien, c'est pas aussi bon que dans Nier Automata bien sûr, mais ça marche très bien, et ça y est, je suis déjà emporté dans l'histoire là, donc bon, je pense que pour apprécier à sa juste valeur Nier Automata, faut vraiment être un amoureux du jeu vidéo, il faut au-delà des apparences voir tout ce que le public lambda ne peut pas voir, en fait. Ouais. C'est une lettre, comme le Zelda, c'est une lettre d'amour au jeu vidéo. Et si vous avez aimé, si vous aimez les expériences fortes qui vous marquent, si vous avez aimé le jeu vidéo japonais d'un amour fou, vous retrouvez tout ça dedans, plus, je finirai là-dessus, vraiment une façon admirable de briser constamment le quatrième mur. Pareil, ça va, pour moi, ça va encore plus loin que les Kojima. Ouais. Le quatrième mur, et tu t'y attends pas, il est constamment fracassé, mais d'une manière que j'avais jamais vue avant. D'accord. Et ça, quand ça tombe, tu t'y attends pas. Et dès le début du jeu, en fait, il se passe des trucs, tu fais ok, bon. Et quand t'enchaînes les runs, en plus du propos qui est extrêmement fort et tout ce que je vous ai dit avant, t'as aussi vraiment cette qualité de quatrième mur qui est complètement fracassée, mais de manière, mais voilà. Et ça, quand je vois certains qui spoilent, qui mettent des vidéos sur le réseau, c'est criminel, parce que ça, quand tu le découvres par toi-même, c'est... tu te dis waouh. Ouais, mais les gens aiment bien gâcher la vie des autres. Donc. Enfin voilà, donc ce succès, je suis très content qu'il cartonne, parce que je pense que Yoko Taro, que même moi, je ne connaissais pas avant, et pourtant, tu vois, nous, on est hardcore et on s'intéresse à tous les créateurs. Je suis content qu'il, avec son masque flippant et ses vidéos rigolotes, je suis content vraiment que ce mec-là ait une popularité grandissante. C'est bon, là, maintenant, on peut dire que sa carrière est même lancée. Je pense qu'elle est relancée parce que ça, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est dans le. Non, mais elle décolle, tu comprends. Mais là, vraiment, elle décolle. Ouais, je pense que là, vraiment, les planètes se sont alignées. Là, c'est une star, là, maintenant. Ouais, les planètes se sont alignées pour lui. Et, et pareil, je pense qu'il y a. Nier Automata, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que, comme je dis, il y a ceux qui ont adoré dès le début, comme moi, et ceux, comme moi aussi, qui ont découvert ce que cachait vraiment le jeu après. Ouais. Et donc, en fait, il y a une sorte de double effet. Je pense qu'ils l'ont vraiment fait monter en puissance. Il y a un excellent bouche à oreille. Il y a eu aussi la bonne idée de le mettre sur Steam. Parce que je crois que les ventes sur Steam, elles sont très très bonnes aussi. Ouais, bah je le prendrai sur Steam. Alors attention, parce qu'apparemment sur Steam, il y a des petits soucis techniques, d'après ce que j'ai compris. Sur la version PC. Moi, je te conseille plus de prendre la version PS4. D'accord. J'ai vu que sur Steam, apparemment. Enfin, après. Faut que je me renseigne, parce que ça me fait chier. Mon PC est tellement puissant, quoi. Bah après, ils vont peut-être patcher et tout, mais. Bon, après, ça a dû être fait, tu sais, les gens sont tatillons aussi, hein, je veux dire. Ouais, il faut que tu te mettes en tête que même si Platinum Games sont les rois du 60 FPS, moi, en tout cas, sur ma version PS4 classique, la plupart du temps, vraiment, ça, techniquement, ça tient bien la route. Il y a quand même des moments où j'ai des petites chutes de framerate. Bon, franchement, voilà, c'est vraiment pas... Moi, j'aurais qu'une seule question. Hein. Vas-y. C'est le temps d'un run. Il y a combien, à peu près, une fourchette d'heures de jeu? Alors, ils sont tous différents, en fait, au niveau du timing. D'accord. J'ai du mal à me rappeler, en fait. On me pose souvent la question du temps du premier run. Je pense que mon premier run, j'ai dû le faire en 13-14 heures. Je dis de mémoire comme ça. Hein. Ouais, je pense. Je sais que le deuxième run a été beaucoup plus rapide. Ouais, bah forcément. Et j'en ai d'autres qui ont été à peu près du même. Du même acabit. En fait, pour découvrir vraiment toutes les fins qui m'intéressaient, sachant que sur les quêtes annexes, je les ai délibérément laissées de côté, en fait, pour les faire après. D'accord. Sans trop me foutre sur les quêtes annexes et en bourrant bien pour. Parce que je voulais absolument voir toutes les fins, tous les tenants aboutissants du scénario. J'ai mis Thunder, un peu plus d'une. Ouais, 32. Ouais, 30... c'est super. Ok, voilà. Parce que tu vois, si un run c'était 30 heures. Non, mais ce qui est très bien, c'est que ce système de New Game Plus, qui finalement t'apporte de nouveaux épisodes, tu te fais. T'es pas frustré parce que tu débloques des fins, mais t'as pas tout vu. Et ce qui est génial, c'est que tu manages vraiment ton temps de jeu sur Nier Automata comme tu l'entends. C'est-à-dire que moi. Il y a une période où j'y joue en même temps que Zelda, en fait. D'accord. Puisque Zelda, tu vois, le scénario dans Breath of the Wild, il est vraiment hyper secondaire. C'est l'exploration, c'est le voyage qui compte. Ouais, c'est-à-dire que... comme un vrai Zelda, tu veux dire. Voilà. Ouais. Ça, c'est que dans Zelda... Il détend quand même. Hein. Tu peux suivre le scénario et l'action complètement folle de Nier Automata parallèlement à Zelda où tu vas passer 2 heures à flâner dans un endroit pour trouver tous les petits secrets, des petits trésors cachés, etc. Et je trouve que ça se complète très bien. Et Automata, tu peux vraiment le faire à la carte, comme bon te semble, et tu joues à ton rythme, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très, très sympa. Mais par contre, il faut vraiment s'y investir sur le long terme pour vraiment découvrir tout ce qu'il a à révéler. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis très content du succès de ce jeu. Et oui, vraiment, comme je dis souvent. Le mot qui le caractérise le plus, c'est charisme. Ouais. C'est vraiment l'un des jeux les plus charismatiques de l'histoire, pour moi, vraiment, parce que sur le fond comme sur la forme, il te met de telles baffes. C'est assez bluffant. Donc, jouez-y. J'ai hâte que tu y joues. Après, peut-être que tu serais hermétique, parce que je sais que, après, c'est selon sa sensibilité. Peut-être que. Puis, à force d'en entendre parler tout le temps. Non, d'en entendre parler, j'en entends pas tant que parler que ça, parce que je te dis que dès que les gens parlent, je regarde pas. Donc, d'accord. Comme Zelda, hein, on a l'impression qu'il y a un gros battage médiatique après la sortie du jeu, mais moi je m'en rends pas trop compte parce que je l'ai pas vu, quoi. Je suis passé entre, un peu comme Uncharted 4, tu sais, je suis passé entre les balles. Il y a des jeux comme ça, quand je veux vraiment y jouer, quand je sais que je vais y jouer et que c'est des jeux que j'attendais. Et que ça, bon bah voilà, ça tombe sur une période où je peux pas trop acheter plein de jeux, etc. Comme je sais que je vais devoir attendre, dès qu'il y a des news dessus, je regarde pas, quoi. Oui. Même des fois les miniatures, tu sais, les articles, juste l'image de la miniature d'un article, des fois je détourne le regard au cas où, quoi. Et moi, c'est à ce point-là, quoi. Hein, moi c'est pareil. Et par contre, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que t'as fait le jeu, une fois que t'as tout fini, ouais, par exemple, après. Malage traîne sur NeoGAF, tu sais, sur les topics, le topic spoiler de Nier ouais. Automata. Et les mecs, ils ont découvert des trucs que j'avais pas découvert. Il y a plein de trucs que les mecs, chacun s'échange ses découvertes avec des gifs ou des petites vidéos. Et là, c'est génial parce qu'une fois que tu as vu vraiment la quasi-intégralité du scénario, c'est du bonus, après, c'est super. Il y a tiens, on peut faire ça, on peut faire ça. Moi, par exemple, il y a des. Quand je parle de ces fameux passages de 4 murs explosés, je pensais tous les avoir faits. J'y vu un youtubeur, il est arrivé à une scène. Voilà. Complètement folle, jamais tout seul je l'aurais trouvé. Ou peut-être par hasard, tu vois, parce que comme j'enchaîne les runs sur le jeu, parce que pour le fun, je vais quand même essayer de débloquer toutes les fins de A à Z, même les petites fins rigolotes et tout. Et en fait, il y a un mec qui est tombé sur un truc, tu vois, il hallucine, tu vois, il se filme en même temps, il est en train de péter un câble. Ouais. Voilà, c'est un. Et puis alors, surtout, je finirai là-dessus, toi qui aimes le shmup. Les surprises, tu vas en avoir vraiment à tire-larigot. Mm. Mais voilà, c'est. Il faut y jouer. Après, que vous soyez aussi comment dithyrambique que moi ou pas, c'est même pas le problème. C'est que pour sa culture, il faut le faire. Comme le Zelda Breath of the Wild, comme The Last Guardian, comme Persona 5, c'est des jeux qu'il faut absolument faire. Et voilà, bon, je pense qu'on va peut-être passer à... Ouais, 50 minutes question. De Nier Automata. On va passer à un autre jeu. Là. Non, j'ai 35 minutes, moi. Non, ah bon, vois, ça, bon ça, pourquoi j'ai 50 moi l'honneur est... Parce qu'on a mis l'enregistrement avant. Ah, mais avant on a discuté. D'accord, ok. Donc voilà. Et on va pour terminer, comme on le disait en début d'émission, c'est vraiment idiot d'attendre la fin de l'année pour faire un peu notre top des jeux qu'on a préférés. Là, les vacances d'été arrivent à grands pas et on s'est dit que ce serait bien de faire un bilan déjà. Pour ce premier semestre 2017, ouais. Des jeux qui nous ont vraiment fait vibrer cette année, qu'ils soient sortis en 2017 ou pas, pour pouvoir vous donner des conseils d'achat, comme vous allez avoir des plages de temps peut-être plus grandes pour jouer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, bon, ça peut vous aiguiller ouais, sur des jeux. L'idée, c'est qu'on a, pas choisi, en tout cas, moi, pour ma part, je peux pas choisir des jeux de 2017, parce qu'en 2017, à part Resident Evil 7, j'ai pas joué à grand-chose. Du coup, ouais, l'idée c'est de proposer genre des jeux pour l'été auxquels on n'a pas parlé, puis des bons jeux quoi. Oui, puis l'actu, c'est vrai que l'actu est tellement florissante. Ah ouais. T'as des gros hits qui sortent tous les mois. Tout, quoi, c'est histoire aussi de pas oublier que il y a énormément de grands jeux qui sont sortis ces derniers temps. Et en plus, l'avantage, c'est que comme les prix baissent très rapidement, ouais. Ça peut vous permettre de peut-être dans cette actu florissante, il y a peut-être des titres auxquels vous aviez songé. Ah, puis là, il va y avoir les soldes. Hein. Voilà, et qui vous étaient sortis de la tête. Ouais. Donc, ça permet de faire un petit tas de mémoire. Et là, oui, les prix vont. Voilà, les prix ont vachement chuté. Mais de toute façon, maintenant, même des grosses sorties, un mois après, ouais, c'est clair. Les prix sont fracassés. Donc, comme là, j'ai beaucoup parlé pour Nier Automata. Je te propose de balancer un premier titre que tu pourrais conseiller à nos chers auditeurs. Ouais, alors moi, en fait, je vais peut-être en conseiller beaucoup. Là, c'est vraiment pour faire votre wishlist Steam et vérifier les baisses de prix cet été, parce que dans la plupart des jeux que je vais citer, ils vont forcément baisser de prix. Oui, si ce n'est pas déjà le cas, mais en tout cas, voilà. Certains jeux sont d'ailleurs assez régulièrement en solde. Donc, je ne vais pas rester très longtemps... sur tous ces jeux-là, sachant qu'il y en a dont j'ai déjà parlé. Donc en premier, je citerai quand même Inside, qu'il faut absolument faire, qui est donc la suite spirituelle de Limbo. Y a beaucoup de théories autour de ce jeu d'ailleurs, et du sens de ce jeu. Alors je sais plus où j'ai entendu ça, j'avais entendu ça dans un podcast, il me semble. Je crois chez Gamerside. Tu parlais du forum de NeoGAF, bah en fait il me semble que le mec de Gamerside s'était tapé le forum soit des Reddit ou de NeoGAF concernant le jeu, et en fait tout le monde s'accorde sur une théorie de ce que raconte réellement Inside, et apparemment les développeurs du jeu contredisent pas forcément quoi cette théorie. Donc si c'est ça, je laisserai les gens se découvrir un peu d'eux-mêmes. C'est quand même assez énorme quoi. Ce qui rajoute encore plus de glauquitude au jeu. Donc, on parlait. C'est un jeu qui a un propos très très fort, hein, visiblement. Ouais, moi, il est dans ma wishlist aussi, j'ai pas eu le temps de le faire, mais. On en avait parlé d'ailleurs dans un épisode précédent. Voilà, c'est ça. On parlait de jeux qui font histoire et qui rentrent un peu dans le panthéon des jeux cultes, quoi. Avec Guardian, Witness, Enco. Clairement, il fait partie des jeux indés qui bombent le torse, quoi. Il fait partie des meilleurs, je pense, des plus marquants. Moi, en tout cas, il m'a marqué. Alors, pas autant de The Witness, tu vois, mais parce que The Witness touche peut-être un sujet sur lequel je suis le plus sensible. Mais l'inverse est compréhensible, tu vois. Je peux très bien comprendre que Inside touche beaucoup plus qu'un The Witness, tu vois. Donc, c'est à faire absolument. Il n'est pas très cher. Je pense qu'il sera en promo. Voilà, c'est un jeu duquel on ressort pas indemne, quoi. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 3, je crois, 3 ou 4 sur Metacritic des jeux les mieux notés de tous les temps, il me semble. Ah ouais, carrément. Inside. Ouais, bah c'est pas étonnant. Non, mais vraiment, c'est. Tu sais, c'est rare les jeux parfaits. Tu sais, parfaits dans ce qu'ils veulent te vendre, dans ce qu'ils veulent te dire. Il y a des jeux qui ont foncièrement pas de défaut, quoi. Et ils sont rares, et lui, il en fait partie. Et tu peux le mettre dans la main de n'importe qui, hein. Vraiment, n'importe qui, pas des enfants, s'il vous plaît, mais... Oui, c'est pour un public quand même assez... Adulte, et bon, je pense que c'est un jeu, faut le faire... Faut pas le faire quand tu déprimes, quoi. Si c'est en fait, pour tout avouer, ce qui se passe, c'est que, comme je sais que, vu les jeux sur lesquels je suis en ce moment, j'aurais pas le temps de le faire... Mais il est court, hein. Ah, oui, je sais, avant très comme longtemps. Comme Limbo, hein, c'est assez court. Hein, je sais également qu'il est court, mais du coup, chose que je fais rarement, j'ai quand même été voir les premières minutes sur YouTube, jusqu'aux premières scènes un peu déstabilisantes, après j'ai coupé, voilà, pour pas... voilà, et je vois à peu près, en tout cas comme ça, de loin, la thématique, la noirceur de la thématique, je pense savoir vers quoi on s'achemine. Non, je pense pas, parce que le début du jeu et ce que tu vois au début du jeu, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe après, en fait. Moi, j'ai la thématique, elle évolue. D'accord, elle évolue, ok. Beaucoup, moi, j'étais jusqu'où il doit mimer. On va peut-être pas spoiler après, mais Où t'as d'autres personnes avec toi. Voilà, où tu dois faire semblant c'est... de. Bah, c'est pas les premières minutes de jeu, hein. T'as regardé quand même. J'ai peut-être été un peu loin alors, ouais. Ouais, t'as été un peu loin. Mais la thématique, une fois plus, change quand même. De toute façon, il faut absolument que je le fasse. Donc, C'est à faire, c'est un jeu qui est très déroutant. Il y a un travail sur le. Alors, principalement sur le sound design. Bon, les lumières, ça, de toute façon. Visuellement, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est le point fort du studio, mais. Et les animations. Mais le son. Tout comme The Witness, on en avait parlé, je t'avais dit que c'était assez hallucinant d'avoir faire des prises de son du vent selon type d'arbre, selon type d'herbe, de sol, etc. Enfin, dans le son pour The c'est Witness. C'est dommage que les trois quarts des gens, des critiques, en tout cas, ne relèvent pas ça, quoi. Ça j'hallucine. Ouais, c'est pareil. Le travail sur le son du jeu est assez incroyable et ça faisait très longtemps. Je passe à autre chose par rapport au son, mais ça faisait très longtemps quand je jouais à un jeu. Tu sais, quand tu parlais d'astre aligné, c'est un peu pareil là, en termes de design. Quand tout est ultra synchro, ultra bien fait, que tout a été pensé, etc., t'as certains moments, moi ça m'a collé des frissons, quoi, en y jouant. Alors, de plaisir, mais un peu aussi de. Pas de terreur, mais. Moi j'ai vu une scène, bon, ça c'est pas un gros spoil, je pense, mais. En regardant un peu une vidéo, il y a une scène où rien qu'en regardant le mec jouer, je flippais et je me suis dit, mais manette en main, pourtant je suis un vieux routard des Survival Horror et donc c'est pas un jeu d'horreur, mais eh ben, exactement, il y a une scène où il se fait courser par un yinche, enfin plusieurs fois, ouais. Mais ça c'est au début. Oh là là là là. Le chien, quand il se fait courser par le chien, mais limite, j'étais en panique alors que je ne faisais juste que regarder un mec jouer. Ouais, quoi. Exactement. La dernière fois que j'ai eu des moments de panique comme ça, c'est dans Silent Hill 2. Hein. Et ça remonte. Hein. Ah, c'est... J'ai jamais eu de ça se voit. De toute façon, c'est Silent Hill 2 quand t'es dans le couloir avec ta pyramide Head. Tu sais, t'avances et bim, ta pyramide aide. Et puis après, tu sais, tu cours et puis le couloir il change pendant que tu cours, tu sais. Oui, oui, oui. Et tu sais pas où tu dois aller. C'est, une, c'est un moment. Ah, Silent Hill 2. De Silent Hill 2, et c'est un moment de terreur, hein, tu vois, que t'as dans le jeu. Et ben, dis-toi bien que des moments comme ça, en fait, c'est presque que ça pendant 3 heures, quoi. Mais Inside, il a aussi été vachement loué. Et je pense que c'est un des fleurons de, tu sais, de ce qu'on appelle les jeux à narration environnementale. Oui. Ouais. Je pense que là-dessus, il va faire école. C'est le roi un peu. C'est vraiment la narration interactive, enfin environnementale, poussée à son paroxysme visiblement. Et puis t'as des idées de gameplay qui sont, c'est incroyable avec si peu de boutons et si peu de mouvements ce qu'ils ont réussi à faire. Oui, l'espèce de côté mimique, là j'en dirais pas plus, mais que j'ai. Mais c'est même pas peu. Que ça, c'est même. Il y a autre chose après, ça, d'accord. Avec des échelles et des caisses. Des trucs que t'as depuis l'histoire du jeu vidéo, depuis les tout débuts, ils te mettent un coup de pied là-dedans. Oui, ils détournent vachement les codes, quoi. Non, en fait, ce qui vraiment, c'est très bizarre, mais en gros, ce qu'on a l'habitude de faire dans les jeux vidéo, c'est des trucs que tu ferais jamais dans la vie. Tu vois, genre pousser une caisse pour accéder à un truc, etc. Dans la vraie vie, t'as sûrement des moyens plus simples. Tu vois, des trucs plus plus logique, comme le fait l'échelle, je vais la prendre, tu vois, je vais la déplacer ou un truc comme ça, c'est peut-être beaucoup plus simple. Ce qu'on avait un peu vu avec The Last of Us, tu sais, à l'époque, on s'était dit, putain, c'est malin de pouvoir prendre les échelles, les déplacer. Ouais. Tu vois, pourquoi il n'y a pas ça pourquoi dans les autres jeux, ils n'avaient pas pensé à ça, tu vois, dès le départ, c'est. Alors que, non, l'échelle, elle est là, alors elle est là, quoi. Tu vois, voilà, c'est bon, tu peux pas. Elle est collée. Voilà. Et t'as plein de trucs comme ça dans Inside où tu te dis, mais oui, en fait, c'est complètement logique. Enfin, moi, dans la vraie vie, j'aurais fait ça, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire. T'as plein de moments comme ça où tu fais, Mais tu sais ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle, et on va peut-être avancer un peu, du coup. Ça me rappelle exactement la démarche du Eda dans The Last Guardian. Exactement. Sans spoiler, dans The Last Guardian, tu es confronté à des situations où tes réflexes de joueur te disent, non, mais là, de toute façon, faut que je trouve un autre chemin. Ah bah non, en fait, je peux y aller. Non, c'est vraiment ça. Et, et ça, on va pas vous spoiler parce que c'est. Bon, l'inverse fonctionne aussi, hein, malheureusement. Oui. Guardian. Bon, moi, après justement, pour passer sur The Last Guardian, parce que. Ouais. Mais rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. Et c'est pareil, Inside, j'ai pas autre chose à dire. C'est juste, c'est un jeu à faire. Moi, c'est le plus gros jeu de ma liste, hein, pour te dire. Ah oui, d'accord, voilà. D'accord. Okay. J'ai pris le plus gros parce que le reste, on a déjà parlé. Guardian et R7, etc. Évidemment, ils sont dans cette liste. Mais on a déjà fait des podcasts pour ces jeux-là, donc je ne vais pas revenir dessus. Resident Evil 7, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait dessus, parce qu'on en a énormément parlé. Donc, il faut vraiment le faire. Ce qu'a fait Capcom c'est... là-dessus, historique. Nous, on a trouvé ça hallucinant. C'est le nouveau Resident Evil 4. Et malheureusement, ça n'a pas été couronné d'un succès comme l'espérait Capcom, mais bon. Mais ça a quand même marché. Hein. Non, ça a marché, mais c'est vrai que... Ça aurait pu être mieux. Ouais. Mais de grâce, jouez-y, vraiment. Ouais. Mais bon, tu vois, ils sont déjà sur un 8, hein, c'est bon. Ah oui, de toute façon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour le 8. The Last Guardian, on a beaucoup parlé en deux temps, parce que la première fois qu'on en a parlé dans l'émission, moi, je n'y avais pas joué. Ouais. Et donc, tu as eu ta critique. Et l'émission suivante, j'ai fait ma critique, moi, qui était un peu différente sur certains aspects. Même si on s'accorde à dire que c'est un jeu historique. Hein. C'est un jeu historique, moi, qui m'a complètement bouleversé. Tous les problèmes techniques de gameplay, moi, contrairement à toi, ça m'a pas gêné. J'ai pas été bloqué, en fait. Ouais, mais moi, si, j'ai beaucoup... le problème, c'est que c'est pas forcément des petits problèmes techniques, c'est que j'ai eu carrément des bugs bloquants. Voilà. Bon, moi ça... C'est dommage. C'est dommage. Ça a pas été mon cas, et... c'est un jeu, comme je vous le dis, pour moi, il fait partie des trois jeux de cette génération. Il m'a complètement bouleversé. Je n'ai jamais autant d'empathie pour une créatrice d'un jeu vidéo. On a vraiment deux êtres vivants avec nous. C'est troublant, c'en est troublant. Et tu te rappelles, je t'en avais dit, pour peut-être que les auditeurs qui n'ont pas écouté cet épisode, c'est à un niveau où, tu te rappelles, je te l'avais dit, moi, ça me fait poser, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, ça me fait poser quand même plusieurs questions sur la pertinence d'une intelligence artificielle ou des animaux domestiques artificiels. Oui, parce que moi, je sais que... Parce qu'on en aura à l'avenir, c'est sûr. Pendant que je jouais à Last Guardian et plusieurs semaines après, quand je regardais mon chat, j'avais l'impression de voir Tricot. Et c'est très, très troublant. Comme je disais, moi, pour moi, j'étais parti à l'aventure avec mon chat, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et surtout que c'est quand même une bestiole qui est à l'écran. Et c'est... Ouais, c'est... franchement, ça se posait des questions. Le fait de pouvoir créer de l'empathie vers du faux. Et l'intelligence du propos, Ueda qui va jamais... Tu vois, tout au long du récit, sans spoiler, il pourrait tellement aller dans la facilité, dans le pathos. Ah ouais. Ah non, il y va jamais. Tellement, tellement. La pas, fin qui est... On va dire le final, même le grand, on va dire, allez, pour parler... Ouais, la dernière demi-heure, quoi. Le boss, allez, pour parler vraiment code de jeu, même si tous les codes... Ouais, le boss et la scène finale. Voilà, ouais. son Moi, j'étais en pleurs devant mon écran. La scène finale, t'es obligé... Bon, pas moi, mais t'es obligé de jouer. Tu sais, c'est pas... Tu peux pas juste... En fait, c'est le roi de la zone grise, Ueda. C'est-à-dire que... C'est ni blanc ni noir, c'est-à-dire que la fin, tout comme à l'image en fait, de toute l'aventure, c'est ni que du bonheur, ni que du malheur. Ouais. C'est du contraste en permanence. Et la fin, on ne peut pas dire que ce soit une fin... Donc ce n'est pas un happy end, et c'est ni non plus une fin totalement négative noir. Et noire. Ouais. Mais t'es bouleversé, t'as des sentiments de joie et de tristesse qui se mêlent. Moi, je ne savais plus quoi faire. Hein, c'est hallucinant. Pendant que je jouais là, à la fin, franchement, on jouait avec Kelly. Elle avait carrément les mains sur la bouche, quoi. Incroyable. On savait plus quoi faire. J'étais dérouté. Je savais plus où aller. Je savais pas quoi faire. Un truc comme ça, ça t'arrive entre guillemets dans la vraie vie, mais t'es traumatisé jusqu'à la fin de tes jours. Quoi. Mais c'est clair. Tu sais plus quoi faire, quoi. C'est bouleversant. Voilà. Et pour moi, c'est tout comme en littérature d'ailleurs. Pour moi, c'est la meilleure description de la nature qu'on ait pu faire. C'est, voilà, oui. On est ni dans l'angélisme. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais c'est une ode à la nature très. C'est une ode à la vie sur Terre. Et la vie, c'est ça. Et quand tu joues à The Last Guardian. Je sais pas s'il a voulu, tu vois, montrer ça, mais pour moi, il y a tellement d'indices qui montrent que la nature et la vie, c'est ça, tu vois. Pendant tout le jeu, du début jusqu'à la fin, le côté beau, le côté dangereux, bah c'est, le côté sauvage, c'est la beauté mêlée à la cruauté, quoi, en fait. Et sur le fait que quoi que tu fasses, de toute façon, c'est pas toi qui vas décider. La nature reprend ses droits. Ouais. La nature, elle décide. Voilà. Et elle met tous les sentiments de côté. C'est que, ok, on peut trouver du sentiment, on peut trouver de la beauté, on peut trouver ceci, cela. C'est vraiment ton interprétation de la nature. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre The Witness et The Last Guardian sur ce propos-là. C'est que la nature, c'est nous qui font que... elle est belle, entre guillemets. Elle est belle dans notre tête, la nature. Mais la nature, elle ne se soucie pas de savoir si elle est belle ou pas. Tu comprends ? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une interprétation très anthropocentriste, quoi. C'est l'homme, tu vois, qui trouve... Oui, mais après, la nature a toujours fasciné et inspiré l'homme aussi, parce que... Mais justement, je trouve que le propos de Guardian et de Witness, c'est ça. C'est ça, le propos aussi. Et juste avant qu'on passe aux autres, je veux juste dire aussi que ce qu'on ressent à la fin de Last Guardian, c'est la finalité d'une... ça parachève en fait toute une relation qui se noue au fil du jeu, ouais. Et qui t'as l'impression que tu vis une histoire d'amitié mais qui est palpable, qui est réelle, alors qu'elle est virtuelle en fait, mais alors qu'elle est complètement fausse. Ce qui se passe dans le jeu, la réaction de Trico tout au long du jeu envers toi, envers ce qui se passe, et toi ta réaction en tant que joueur envers lui, c'est du jamais vu. Ça soulève des sentiments qu'on n'a pas ressentis dans d'autres jeux avant. Mais même pas forcément dans d'autres jeux, des sentiments que tu n'as pas ressentis. Dans d'autres médias, tout court. Non, mais voilà. La dernière fois qu'on a ressenti des trucs comme ça, à moindre échelle, je ne sais pas, c'est dans E.T. ou Le Cheval, c'est dans... Non, mais justement, sans fin, et encore. Quoi, non, mais non, pour moi, c'est super loin. En fait, ça va beaucoup plus pour loin, moi, c'est beaucoup plus fort dans The Last Guardian. Et c'est la force, c'est troublant. C'est la force du jeu vidéo en fait par rapport aux autres arts et aux autres médias, c'est qu'en fait il y a des jeux comme ça au niveau c'est une preuve, quoi. Au niveau sentiment, au niveau ressenti que tu ne pourrais pas trouver ailleurs. Là je parlais de Nier Automata, tu parlais de Silent Hill 2, et d'ailleurs je l'évoquais quand je faisais ma critique de The Last Guardian dans l'un des épisodes précédents de Broadcast. Silent Hill 2, c'est pareil, tu es confronté à des choses qu'il n'y a que le jeu vidéo qui peut te l'offrir. C'est ça. Voilà. Exactement. En tout cas, bon, The Last Guardian... Ou te le faire subir, je ne sais pas. Hein, parce que The Last Guardian, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de ressentir ça, en fait. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, un peu comme un survival horror. De se faire du mal, ouais. Parce que c'est un jeu où quand même... t'as des moments de souffrance et je sais pas si certaines personnes ont envie de vivre ça. C'est ça qui est bizarre, tu vois. C'est ça qui est très bizarre avec ces jeux. Et je pense que c'est des trucs qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque de la Super NES ou de la PS1. Ou... Je pense qu'on a besoin de technique, on a besoin de technologie. D'un minimum, ouais. Ouais, pour avoir ce genre de... En fait, c'est un peu comme la VR. Pour tromper le cerveau, il faut un minimum de technologie. Et je pense que The Last Guardian, c'est un jeu qui trompe le cerveau. Et moi, je trouve que c'est ça qui est un peu... c'est un jeu qui est merveilleux. Et en même temps, il y a un côté... pas inquiétant, mais il y a un côté, moi, qui me fait peur aussi. Parce que est-ce que c'est normal... Est-ce tu vois, question éthique, est-ce que c'est normal de s'attacher à quelque chose de virtuel? Est-ce que c'est... Ah, ça, c'est un vaste débat, après. Est-ce que biologiquement, c'est... est-ce que c'est moral, quoi? En fait, oui, mais en même temps, c'est la magie du jeu vidéo, c'est que quand t'es dedans, quand t'es dans l'aventure, et même quand la console est éteinte, et que tu joues à The Last Guardian, t'as toujours Trico en tête, en fait. Tu l'as toujours en tête. Bah, moi, j'ai l'impression de l'avoir connu, quoi. Voilà, moi aussi. Comme si c'était... c'était vrai, quoi. Voilà, comme je dis, je prends toujours ce parallèle, mais c'est comme si j'étais parti. C'est comme si c'était moi et mon chat qui avions essayé de nous en sortir, en fait. Mais ce qui est beau, c'est que c'est des sentiments très très forts que tu ressens. Mais il y a ce côté magique où tu sais quand même, tu gardes dans un tout petit coin de ta tête que c'est virtuel. Et c'est-à-dire que c'est faux, ouais. Tu as tous les avantages, si je puis dire, de ressentir des émotions d'une telle violence, d'une telle force. Sans que ça impacte non plus ton réel. En fait, ta vie réelle, je veux dire, c'est pas comme si, tu vois... Ouais, mais nous, on est grands, tu vois. Un gamin de 12-13 ans qui joue à Guardian, il aura peut-être pas la même approche, quoi. Je sais pas. Qui a pas ce côté froid de la technique, tu vois, d'un adulte qui va se dire, de toute façon, c'est qu'une galette. Tu vois, tu joues à The Last Guardian et t'as un gamin, peut-être pas 12-13 ans, mais un gamin peut-être encore plus jeune, qui regarde, tu vois. Avec toi, bon déjà... Moi, il y a des scènes peut-être un peu violentes pour lui. Voilà, hein. Moi, je ne serais pas trop d'accord parce que je pense que c'est interdit au moins de 12 ans facile. Oui, je pense que pour l'aborder, il faudrait... Ouais, mais les gens sont 13-14 piges. Tu le sais très bien, moi, pour pas 10 ans, mais... Non, mais je le vois tous les jours sur les réseaux sociaux, ça voilà. Et puis pour avoir bossé 6-7 ans à Micromania, du GTA à des gamins de 12 ans... Ou des FPS ou des jeux d'horreur. Même alors, en veux-tu, en voilà. The Last Guardian devant un gamin de 5-6 ans, le degré d'interaction et de réalisme est tellement élevé, est tellement troublant qu'il fera pas la différence. Pour lui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, Robert Hier, j'ai un bon exemple. Tu vois que les petits, ils pensent que Mickey existe, alors là, c'est mort. Hein. Axel, il a 7 ans, et donc, je fais très attention sur les jeux auxquels il joue. Ouais. Quand c'est de la violence très pixelisée, quand c'est des jeux indés qui sont très gros pixels, je veux qu'il commence à faire à se rendre compte du fait que ce soit graphique et voilà que c'est juste pour Boom Boom voilà par contre c'est l'Indien et le cowboy quoi. The Last Guardian, c'est marrant que tu dises ça parce que j'y jouais très souvent, je m'interdisais pas d'y jouer quand il était là, quand je faisais juste de l'exploration en fait, voilà. Ouais. Par contre, quand je me suis approché de la fin, on l'a envoyé jouer dans sa chambre, je crois. Parce que je redoutais qu'il allait se passer des trucs. Et on était en pleine scène finale et on l'a entendu redescendre. J'ai mis pause. Ouais. Et j'ai attendu qu'il remonte pour que avec Nat on voit la fin parce que je voulais pas qu'il voit ça parce que je pense qu'il est trop jeune effectivement pour voir ce genre de scène. Alors que c'est pas du tout pour ceux qui l'ont pas fait, hein, c'est pas du tout un jeu d'horreur, c'est pas du tout un jeu de zombies avec des. Mais c'est. Non, mais c'est criant de réalisme. C'est tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de cruel dans la nature, quoi. C'est en fait, pour moi, c'est un documentaire que tu joues, quoi. Ah, c'est un documentaire sur un monde irréel, quoi, que t'es en train de jouer. Puis surtout que... C'est de nature Nat Geo Wild, là, ces trucs-là, là, dans la Freebox, là, oui, les chaînes. Oui, c'est ça, mais quasiment en plan séquence et que tu vis, quoi. Aussi beau et aussi atroce, quoi. Enfin, bref, à jouer, voilà. À jouer absolument. Pareil, hein, que vous soyez d'accord ou pas avec nous à la fin, il y a des jeux comme ça, il faut y jouer, ce sont des œuvres majeures. Et il faut y jouer, et surtout, je dirais, faire une petite parenthèse, et ça rejoint ce qu'on disait sur les jeux qu'on a précédemment cités. Ne vous arrêtez pas aux trois quarts des critiques que vous lisez. Oui, ouais, puisque faut vraiment jouer. Un jeu vidéo, c'est pas un film. On peut pas se faire un avis en une heure et demie. Hein. Y a des œuvres complexes. Bah, du moins, pas ces jeux-là. Pas ces jeux-là, voilà. Il y a certains jeux qui demandent. Beaucoup d'expérimentation, beaucoup de temps de jeu, beaucoup de réflexion autour de ce qu'on vit pour émettre après un avis. Et ça, je peux vous dire que moi, sincèrement, même à l'époque où j'étais journaliste dans la presse jeux vidéo, c'est le système qui veut ça. T'as un magazine ou t'as un site, il y a un article qui doit sortir. Tu peux pas dire à ton rédac chef, attends, laisse-moi 3 mois ouais, et je te fais la critique. Non, les lecteurs attendent, tu vas pas attendre 3 mois, non. Mm. Et du coup, moi, il y a certains jeux que j'ai pu... Des grands jeux que j'ai pu tester à l'époque, je reprends souvent l'exemple de Resident Evil 4, où je me suis dit, j'aurais eu quelques semaines de plus, un mois même, plus pour bien digérer et pas rusher, pour rendre mon... J'aurais mis une critique beaucoup plus, je pense... Ouais, bah c'est ce que disait Pouillot, quoi. Étoffée, pour... profonde. Et hier, Pouillot, c'en est l'exemple parlant sur GameCube, ouais, parce qu'une fois sur deux... Une fois sur deux, il dit qu'il va revenir sur sa note. Quoi. Voilà, il trouve qu'il a trop sous-noté tel ou tel jeu, ou surnoté, ça dépend après les expériences. Mais ces jeux dont on parle là, c'est vrai que c'est... voilà, on peut pas faire une critique comme ça en quelques après-midi de jeu. Non, ce sont des œuvres majeures faites par des artistes derrière qui ont une vision. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'œuvre en question. Mais en tout cas, pour se faire un avis, je pense, un tant soit peu honnête et en phase avec avec soi-même, il faut y passer comme un minimum de temps. Enfin bref, voilà, c'est sa parenthèse. Donc on va pas, voilà, là, cette façon, c'était plus une parenthèse sur, sur l'intelligence artificielle qu'autre chose. Donc rapidement, donc, comme je disais, je voulais pas revenir dessus. Je veux pas revenir sur Resident Evil 7 parce qu'on en a fait un podcast limite entier. Voilà. là-dessus. Donc juste, on pourrait dire jouez-y. Voilà. Voilà. Idem pour pour Guardian, Inside, Witness, tous ces jeux-là, voilà, c'est des jeux à faire pour sa culture de joueur, qu'on aime ou on n'aime pas, il faut le faire. C'est un peu comme pour 2001, l'Odyssée de l'espace, si t'aimes le cinéma, faut au moins l'avoir vu, après tu te fais ton propre avis, voilà, mais, ou en littérature, 84, etc., il y a des bouquins qu'il faut lire. Bah là, c'est pareil, tu vois, c'est des jeux, c'est ce qui a donné naissance de mieux à ce média, donc voilà, il faut au moins tester. Maintenant, dans un registre beaucoup plus léger, cet été, je vous invite à surveiller les soldes Steam, ou si vous êtes riche, pas forcément. Dans tous les cas, ce ne sera pas des jeux très chers. Je vous invite à vraiment, pour ceux qui aiment les shoot 'em up, à tester Darius Burst, qui est l'adaptation de la bande d'arcade du même nom. Darius Burst Chronicles, il me semble, la version Steam et PS4, donc quel portage d'une bande d'arcade japonaise que j'avais même pris en photo lors de mon dernier voyage au Japon. C'est une bande. Voilà, oui, il y a trois écrans sur la borne, non, c'est ça Non, c'est même quatre en fait. Ah, quatre, d'accord. Il y a quatre écrans, quatre joysticks, avec des enceintes dans tous les sens, etc. Parce que le son est assez important dans ce jeu. Il apporte rien en mécanique de gameplay, mais il y a un soin énorme qui a apporté au son dans cet épisode. Donc, c'est une vieille série, les Darius de Shoot. Et celui-là, c'est le dernier épisode. Donc, il est sorti sur beaucoup de plateformes. Il est sur console, je crois qu'il y a même une version PS Vita qui est sensiblement différente, quand même moins complète, je me dis peut-être des conneries, que la version Steam et PS4. Ouais. Ça reste un jeu assez classique, mais voilà, c'est un peu ce que fait Uncharted dans les jeux d'action, c'est-à-dire qu'il n'invente pas spécialement grand-chose, mais il le fait mieux que tous les autres. Bah, c'est un peu pareil quoi, pour Darius, c'est-à-dire qu'il n'invente pas grand-chose en termes de shoot'em up, quoi. Sauf qu'il le fait pour la plupart du temps mieux. Il a un contenu qui est assez vertigineux. Donc il y a un mode inédit par rapport à la version arcade qui permet. C'est des sections de petits niveaux, tu vois, à faire, de petites missions avec des itérations de boss déjà existants. C'est ouais. super intéressant. Tu débloques plein de vaisseaux, t'as un système d'XP. Bon, voilà, Darius Burst à faire absolument, et je pense qu'il a d'ailleurs, il est constamment mis à jour, ce qui est assez étonnant. Il rajoute des nouveaux vaisseaux et du contenu, tu sais, genre des trucs, des partenariats avec, même avec Cave, je crois, carrément. Ah, c'est cool, enfin, ça. Je sais plus, ils font des partenariats un peu. De toute façon, tous ces jeux japonais qui déboulent en masse sur Steam depuis quelques temps. Ouais. Enfin, on en parlait tout à l'heure, donc voilà, je vais donc, pas me répéter, mais c'est génial, quoi. Voilà. Donc tu conseilles fortement. Voilà, et pour aux amoureux du shoot. Exactement, pour continuer sur les shoot'em up, il y a Cave qui ont porté, il n'y a pas très longtemps, Deathsmile. Je crois qu'ils l'ont, ça fait peut-être 6-8 mois. Deathsmile sur Steam. Alors pour le coup, c'est vraiment le même qu'en arcade. Hein. Ça reprend plusieurs versions de Deathsmile. Alors, Il était sur 360 aussi, je crois, non, c'est ça? Ouais, voilà. Donc c'est une version qui est un peu plus avancée parce que ça reprend justement. T'as toutes les versions de Deathsmile, quoi. De tous les portages, je crois qu'il y a même peut-être une version PS3, peut-être. Ouais. Tu sais, t'as genre la version Black, la version machin, la version truc. Bon, voilà. Ouais. Ils aiment bien faire ça. T'as toutes les versions dedans. Pour un prix qui est quand même pas très élevé, je crois que les jeux Cave ils sont à 14,99 de tête. Hein. Je me trompe peut-être. C'est peut-être un peu plus cher. Dans tous les cas, ils sont régulièrement en promotion sur Steam. Cave n'ont pas trop l'habitude de faire des shoots horizontaux. C'est, eux, ils sont plus en mode vertical de Donpachi, ESP. Ah, bah c'est clair, oui. Tous ces jeux-là. Bon, là, c'est un shoot horizontal et ils ont prouvé qu'on peut faire quasiment du Danmaku, donc tu sais, du Manic Shooter. Tiens, bah, j'aimerais savoir ce que tu penses là-dessus. Tiens, je suis désolé, hein, je refais une. Parce que comme toi, c'est un de tes genres de prédilection. Oui. J'ai souvent. Maintenant, ça me gonfle. Hein, de quoi? Maintenant, ça me gonfle un peu, les Manic Shooters. Voilà, ils se ressemblent tous. Non, parce qu'en fait, j'ai souvent lu en fait que ce soit côté dev, que ce soit côté game designer ou côté joueur hardcore de shoot'em up, que le cerveau humain, pour lui, et moi, c'est vrai, quand je l'écoute, ça me paraît logique, même si moi, dans mon historique, j'ai beaucoup plus joué à des shoots horizontaux, que, en tout cas, dans le cas de Maniac Shooter, c'est beaucoup plus simple d'éviter des boulettes. Voilà, quand t'as une vue vraiment c'est normal. Aérienne, voilà. C'est normal. Est-ce que le Maniac Shooter est compatible avec un shoot à scrolling vertical? Alors justement, je vais revenir, c'est là où c'est intéressant. C'est tout à fait normal de mieux anticiper ce qui arrive du dessus et ce qui arrive du dessus et qui va vers le dessous, vers le bas, tout simplement parce que notre cerveau est habitué à un sens de lecture. C'est tout simplement le sens de lecture de l'homme depuis quasiment l'histoire de l'humanité. On a tendance à commencer vers le haut et terminer vers le bas. D'ailleurs, ça s'applique à plein de choses, tu sais, c'est comme l'art et la manière de mettre un rayon dans un magasin, tu vois. Les deux premières lignes d'un linéaire, tu mets le produit que tu veux mettre en avant, et petit à petit, plus tu vas vers le bas, plus c'est les produits dont on n'a rien à foutre que tu mets en avant dans ton magasin. Bon, c'est la même chose. Dans un shoot, c'est pareil, on anticipe beaucoup mieux ce qui arrive vers le haut de ce qui arrive vers le bas, tout simplement parce que notre cerveau est habitué à lire de haut en bas. Après, gauche à droite, ça dépend des civilisations, des ethnies, mais dans tous les cas, dans l'histoire de l'écriture, s'il y a bien un truc qu'on s'accorde tous à dire, c'est que voilà, on lit de haut en bas. Bah, d'ailleurs, dans le jeu vidéo, même à l'époque où c'était en 2D, ça paraissait comme quelque chose de très bonus ou pour surprendre le joueur quand t'avais un sens qui s'inversait comme ça. On n'imagine pas un shoot horizontal où ça tire d'en bas et toi t'es en haut, tu vois. Bon, c'est ouais. ça paraît contre nature. Voilà, donc, exactement. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, juste une parenthèse encore, sans spoiler, enfin une réflexion plutôt comme parenthèse ça. Parenthèse dans la parenthèse. Non, enfin juste une réflexion comme ça, c'est que Yoko Taro en joue aussi dans Nier Automata. Voilà, j'en dirai d'accord. pas plus. Mais donc c'est quand même plus facile sur un Maniac Shooter, de toute façon, par essence, c'est un scrolling vertical, de toute voilà, façon. Voilà, mais là, en fait, pour Deathsmile, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est entre le Maniac Shooter et R-Type. Donc, il n'y a pas autant de boules, et il n'y aura pas autant de boulettes que dans un Maniac Shooter. C'est avec des sorcières, je crois, non? C'est Buffy version japonais. Enfin bon, non, même pas, je raconte des conneries. C'est genre Kiki la petite sorcière qui boit de l'alcool, quoi. Mais toujours enfin, avec des graphismes qui pètent la classe. Je me souviens que oui, bon, alors, c'est très pixelisé quand même. Mais parce que voilà, eux, ils sont pas dans la débauche. Ouais, mais c'est de la belle 2D, quoi. Mais ça reste de la belle 2D. C'est largement suffisant. Il a un côté fou aussi qui est super super plaisant. Il y a plusieurs itinéraires de possibles, beaucoup de rejouabilité. Mais voilà, on est entre le Gradius / R-Type et le Maniac Shooter. C'est-à-dire que tu auras quand même beaucoup de boulettes à l'écran, mais c'est très laxiste, voilà, t'as Hitbox comme dans tous les mini shooters d'ailleurs, c'est genre un pixel, tu vois. Donc tu peux vraiment slalomer assez facilement. Les tirs sont assez lents, les tirs ennemis hein, sont assez lents, et il y en a pas autant que dans un Galuda ou dans un Dodonpachi, évidemment, parce que de toute façon la vue est plus resserrée, c'est quand même plus proche que dans ces autres shoots. Donc c'est marrant parce que t'as l'impression de jouer un manique, mais techniquement c'en est pas un quand même, évidemment. Sur le plan vraiment technique, game design, hein, on est loin d'un manique shooter traditionnel. Du coup, c'est super plaisant. Je trouve qu'il est beaucoup plus user-friendly, tu vois, par exemple. Oui, et puis je pense qu'il y a peut-être surtout, excuse-moi de te couper, mais ça, c'est ce que j'apprécie aussi sur ce qu'ils ont fait dernièrement sur ces jeux hardcore japonais. C'est que quand t'as pas, même quand t'es un hardcore comme nous, mais que t'as pas non plus des 1000 heures par jour à débloquer pour jouer, il doit y avoir sûrement plusieurs niveaux de difficulté. Oui, voilà, mais c'est pas le cas des caves habituels. Voilà, c'est non, ça, mais ça, avant, ils le faisaient pas, ça. Mais je pense que maintenant, ils s'y sont mis aussi. Ah, non. Même les derniers de Dodonpachi, dès le premier niveau, tu t'en prends plein la gueule dès le départ. Hein, mais là, sur les portages Steam, etc., il n'y a pas des niveaux easy, etc. Si, mais ça reste très hardcore quand même. Ça reste quand même hardcore de base. Ça reste quand même hardcore. Et celui-là, justement, je vais venir pour les joueurs qui ne sont pas trop habitués aux Manic Shooters. Je trouve que c'est une magnifique porte d'entrée et d'ailleurs très fun. Pour moi, c'est un de leurs meilleurs, hein, Deathsmile, vraiment. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, c'est un de leurs meilleurs shoots parce qu'il a une ambiance vraiment complètement folle. Et surtout, je te dis, il est user-friendly, quoi. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué aux Manic Shooters et qui est plus shoot'em up, quoi. Tu vois, genre un peu Gradius, R-Type, un peu comme toi, tu vois, qui a adoré ces jeux ou Parodius. Ah, j'adore ces vieux shoots, moi. Ouais. Voilà, c'est on se rapproche plus de ça, donc c'est beaucoup plus facile de passer par un Deathsmile que par un genre le dernier de Dodonpachi, je sais pas quoi. Black, enfin, moi, là, c'était une sacrée frustration quand les shoots sont devenus vachement plus hardcore, parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais sur 16 bits en tout cas. Mais ça reste une catégorie de shoot. Tous les shoots 32 japonais bits. Ne sont pas comme ça. Oui, mais c'est vrai que quand il y a eu vraiment l'explosion du Maniac Shooter, il y en avait énormément. Enfin, t'as l'impression. Ouais, c'est l'explosion de Cave surtout. Hein. Voilà. Et c'est vrai que moi j'adorais bon, Parodius, R-Type, etc. Ouais. Moi je sais que la frustration elle a commencé à arriver, même si c'est pas un Maniac Shooter, mais avec Ikaruga. Oui. Où vraiment, moi, j'adore tout dans ce jeu, quoi. Voilà. Que ce soit sa direction artistique, sa musique, son feeling, son gameplay, le game design, enfin, ouais. Tout me plaît. Par contre, ce que je faisais, je me rappelle, c'est que je te regardais jouer, ou quand j'ai envie de le revoir, je regarde des vidéos de Super Player sur YouTube. Parce que moi, je Non, mais il est très compliqué, c'est pas un Maniac Shooter. Je perds tout le temps, et les Maniac Shooters, j'ai pas cet œil. Tu sais, de cyborg. Mais moi, dire, alors plus, attends, hein. Lightbox, voilà, elle tolère ça. Et je salome entre les boulettes en jouant avec la zone de Lightbox. Mais c'est ce que je veux pas faire avec Enceladus, justement, tu vois. C'est le fait de peut-être d'ajouter de la difficulté, mais autrement qu'avec un écran plein de boulettes, même si souvent l'écran est rempli de boulettes quand même. Je suis pas dans Dodonpachi où, tu vois, t'as certains ennemis carrément qui te snipe, quoi. C'est... Si tu connais pas par cœur, c'est mort. Je suis désolé, hein, je vous saoule avec Nier Automata, mais justement, il y a un truc, j'ai complètement oublié un point super important, je vais dire très très rapidement sur Nier Automata, c'est que tu peux customiser ta difficulté à la carte. C'est comme tu diriges des... Ça rejoint ce qu'on disait, c'est que les jeux japonais d'aujourd'hui, ils s'adaptent en fait à tous les joueurs, et je trouve ça super, c'est que Nier Automata, tu le mets en difficile, en hardcore, et en non-automatique, là vraiment, tu vas enchaîner des ronds de chapeau, mais tu peux mettre aussi en normal ou en easy. Et tu peux automatiser plein de choses, plein d'armes, les esquives. Tu peux vraiment te... Bayonetta avait commencé un peu à faire ça aussi. Tu peux vraiment te mettre en mode autoguidage, limite. Ouais, ouais. Ou en mode totalement hardcore, où tu es avec ton sgeg et ton couteau. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est un système de puces à gérer, comme c'est des Android. Tu places des puces, les améliorations. Ouais. Et même tout ce qui est du HUD, le HP, MP à afficher, tout ça... C'est customisable, c'est une puce, ça prend de la place en fait dans le robot, dans l'Android. Et ça, tu peux tout automatiser ou tu peux vraiment rentrer dedans comme tu veux. Et voilà, là, on parlait aussi des Platinum Games. Je sais plus si c'était le cas quand ça sortait sur PS3 à l'époque, mais je vois Vanquish par exemple, t'as un mode super super autoguidage facile pour ceux qui veulent vraiment, tu vois, juste profiter du fun. J'en ai aucune idée. Et ça, je trouve ça très bien ils ouvrent les portes et ce qui est super, c'est que tout le monde est content. Le hardcore, il a toujours son mode hardcore. Oui. Et celui qui veut juste voir le jeu, il n'a pas le temps d'y passer des heures pour s'entraîner, bah, il peut y aller aussi. Quoi. Bah alors après, attention, pour revenir sur Deathsmile, tu as des modes de difficulté, mais le jeu reste dur quand même. Oui, hein? C'est-à-dire que dans son mode de difficulté le plus bas, c'est un genre qui est difficile de base. Donc, d'accord, ok. Mais si ça fait longtemps que tu as envie de rejouer à des shoots comme ça, bah, je t'invite vraiment à passer sur Darius Burst et Deathsmile. Moi, Darius Burst, pardon, ça faisait des années que je voulais y jouer. Enfin, des années, il n'est pas vieux, hein, mais ça faisait quand même pas mal de temps qu'il avait été annoncé déjà en arcade. Je voyais des vidéos, putain, il me faisait baver. Quand j'ai vu que la version Steam allait arriver, qu'elle était annoncée, le jour de la sortie, c'était F5 sur Steam en boucle, quoi, le temps que le jeu soit dispo, parce que vraiment, ça faisait longtemps que je l'attendais, et je regrette pas du tout mon achat, surtout que c'est pas très cher. Mais du coup, c'est une belle porte d'entrée vers le shoot moderne, qui rappelle cette époque un peu arcade, SNES, des Gradius, des Parodius, des R-Type, etc. Mais moderne, quoi, de maintenant. Donc c'est... Voilà, à conseiller, à surveiller en solde si vous êtes comme moi assidu sur les soldes Steam. Pour continuer rapidement, il y a certains jeux que j'ai notés, donc bon, je ne citerai pas finalement parce que je trouve que ce n'est pas très nécessaire. Moi, j'ai découvert il y a très peu de temps Donwell, donc un jeu indé japonais. Ah, moi je l'avais acheté à sa sortie. Voilà, orienté donc Rogue. Moi, il faut savoir que les roguelikes, ça me casse les couilles. J'en ai ras le cul des roguelikes. Ah, bah, Assange, hé. Un jeu sur deux, d'accord, t'as l'impression que 4 jeux sur 5 indépendants, c'est du roguelike. Les roguelikes, j'en peux plus. D'ailleurs, ouais, même parfois, il y a des jeux qui me font vachement de l'œil, et dès que j'entends c'est un roguelike, je passe à autre chose. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, les indépendants. Faudrait peut-être arrêter de faire les roguelikes, j'en peux plus. À tour de bite, parce que là, c'est plus possible. Ceci étant dit, Donwell a pour lui au moins l'intelligence d'avoir été très intelligent et très simple d'accès avec avec une idée très forte. Et donc voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Bon, je pense que voilà, il y a eu plein d'articles sur Donwell, il y a plein de vidéos, Oui, puis je vous conseille à nouveau. Je vous parlais dans un. Ouais, le documentaire. Le documentaire Branching Pass, donc Dan Ferrero, celle qui fait aussi Toco Toco TV, ouais. Qui fait un travail vraiment admirable et où il fait part. Donc elle a fait ce documentaire. Moi, je l'ai acheté sur Steam. Hein, il est disponible sur plein de plateformes. Branching Pass sur le jeu indé japonais. Et tu vois ça. Tu vois donc le créateur de Donwell, ouais. D'où il vient, comment ça s'est fait, comment il a été repéré par Devolver. C'est un mec en plus d'une humilité géniale, quoi. C'est un mec hyper attachant. Et vraiment, son jeu, ouais, il est. Alors, moi, c'est vrai que j'ai adoré énormément au début et je m'en suis vite lassé après. Oui, mais moi aussi, c'est pareil. Parce que c'est le côté rogue. En fait, c'est le côté rogue, moi, qui commence à me gonfler dans certains jeux. Oui, au bout d'un moment, stop. Mais j'aurais préféré un jeu sectionné en niveau presque, tu vois. Ouais, mais non, je trouve que ça va pas. Enfin, bon, en tout cas, c'est une super idée qu'il a eue. Voilà, c'est une super idée. C'est un très bon jeu. Franchement, c'est pas cher. Moi, je l'avais acheté en solde sur Steam. Je crois que je l'ai acheté 1€, quoi, tu vois. Ah ouais. 1€, un jeu comme ça. J'ai joué 3-4 heures, j'ai débloqué plein de skins, des skins, des couleurs, etc. C'est super fun, c'est super drôle, t'as plein de petits persos à débloquer. Puis ça mélange, en fait, mais justement, en plus, c'est complètement raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, c'est entre guillemets contre nature, parce que tu pars du haut pour aller en bas, sachant exactement, que c'est un shoot, mais en même temps un peu plateforme. Mais en même temps, on a l'habitude de tomber dans les jeux plateforme, donc c'est ça qui passe. Mais voilà. Mais c'est très intelligent, ça démarche voilà. Vraiment. Il faut imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en noir et blanc, il faut imaginer un personnage qui tombe en boucle. C'est comme un puits sans fond. Voilà, c'est un puits sans fond, tu as les petites plateformes, des fois tu as des entrées à gauche et à droite pour acheter des objets. Voilà. Tu as les zones aussi, j'aime bien les petites zones de calme qui gèlent. Oui, ouais. L'action, je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Voilà, où tu peux faire un petit temps de repos parce que voilà, c'est très dur, tu meurs très vite. Ah ouais. Les parties sont très courtes. Ouais. Mais écoute, c'est super et je trouve que ça se marie très bien au mobile parce qu'il y a une version mobile et ça se marie très bien par rapport à l'orientation de l'écran et tu peux jouer d'une main. Non, franchement, voilà, très bon jeu. Bravo à ce développeur japonais dont j'ai perdu le nom. Ouais, moi mais aussi, voilà. Je m'en souviens plus, désolé, mais non, c'est vraiment un super jeu ouais, qu'il a fait. Là. Et donc, pour terminer, moi, j'aurais deux petits jeux à faire cet été. Alors là, encore une fois, pour ceux qui ont un PC et pour ceux qui ont une 3DS aussi, j'ai découvert il y a très peu de temps Legend of the Dark Witch. Qui est fait par un petit studio, alors je sais pas s'ils sont japonais, coréens. Oh là, ça me dit rien ça. Ouais, c'est un jeu sur l'eShop. C'est pour promotion. Ça alors. Voilà. Il était en promotion, donc voilà, il était je crois à 3€, un truc comme ça, donc je l'ai acheté, alors je sais qu'il y a une suite. Et c'est quoi C'est une sorte de Megaman, avec des petites sorcières, avec des persos SD, donc très japonais, très Super Famicom. D'ailleurs, on dirait franchement un jeu Super Famicom. Ah, ça c'est cool. Alors attention, c'est un jeu qui est d'une simplicité extrême. Il y a très peu de niveaux, très peu d'habilités sur les personnages, mais ça s'inspire de Parodius avec une barre qui se remplit. En fait, t'appuies pour avoir le bonus. C'est vraiment le système de Parodius et de Gradius pour les power-up, sachant que c'est un run and gun avec des petites sorcières qui font très pas Goemon, mais je sais pas. Non, ouais, ça fait vraiment jeu plateforme Super NES japonais, tu vois, d'époque. Au début, tu choisis ton boss, comme dans un Megaman, en fait. Tu choisis ton niveau parmi 4 ou 5, je m'en souviens plus. Et à la fin, ça en débloque un dernier. Donc, c'est un jeu qui est très, très, mais très loin d'être parfait. Voilà, faut pas en attendre grand-chose, mais à ce prix-là, et sur 3DS, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est sympa, les musiques sont sympas, il y a une bonne ambiance. Après, il y a des grosses lacunes de level design quand même. Ah. Je prends le cas du dernier niveau où tu roules littéralement sur tout le jeu et le dernier niveau est impossible. Voilà, c'est... Ah merde. D'un coup, il y a un pic de difficulté. Donc tu sens que c'est une petite équipe qui n'a peut-être pas trop l'habitude de ce style de jeu. Mais tu sens qu'il y a eu l'envie. Donc apparemment, le 2 est 100 fois mieux. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai toujours pas acheté. Je l'achèterai quand même, ne serait-ce que pour soutenir ce studio. Je ne le connais plus. Enfin, je ne le connais pas spécialement. Je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Je suis désolé, mais. Apparemment, le 2 sort même sur Steam. C'est comme ça, en fait, que j'ai pris connaissance du jeu. C'est que j'ai vu une news passer, je crois, sur Gamekult avec la bande-annonce du 2 et j'ai trouvé ça vraiment sympa, visuellement. Faut imaginer un jeu d'action plateforme avec des persos un peu... genre les sprites de Tales of Destiny sur PS1. Boula Poire, on n'a pas parlé dans l'émission Gamekult. Mais si, et je crois que c'est comme ça que j'ai découvert le truc. Mais j'ai préféré commencer par le 1, tu vois. J'aime bien, voilà... Puis ça fait un peu un historique des développeurs, hein, tu vois, où ils se sont améliorés, etc. Bon, voilà, moi, c'est... C'est toujours intéressant, de façon, de voir ce qu'ils ont fait avant, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc je sais pas s'il est encore en promo, mais je vous invite à aller sur l'eShop de la 3DS, jeter ne serait-ce qu'un œil, déjà, pour commencer, mais de toute façon, je crois que même en dehors des promos, je crois qu'il est à 4€. C'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. Carrément. Ça paye pas de mine, c'est un jeu qui est assez court, et voilà, c'est fait pour juste passer un bon moment, et qu'est-ce qu'on demande de plus, j'ai envie de te dire, voilà. Non, heureusement que Boulap, il est là pour explorer les méandres de l'eShop, parce que franchement... Et pour terminer, pour finir, je vais terminer sur un jeu pour Radin, donc un jeu gratuit, qui est sorti il y a quand même longtemps, un jeu indépendant, alors japonais, me semble-t-il, mais il est en anglais, hein. De toute façon, les dialogues sont pas très importants pour ce jeu. C'est un jeu qui fait très ZX Spectrum ou les vieux MSX graphiquement, donc vraiment, on est sur du pixel art ultra minimaliste, ouais. On est sur du fond noir et des sprites quasiment monochromes. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Princess Remedy, que j'avais déjà joué il y a plusieurs années, que j'avais jamais terminé, et là, du coup, je l'ai recommencé il y a quelques temps. Parce que je m'étais toujours dit que j'allais finir. Et c'est un jeu qui est excessivement original. C'est un jeu en vue de dessus, un peu comme un RPG traditionnel. Donc, comme je le disais, c'est très monochrome au niveau des couleurs. Donc, on est vraiment dans du MSX. Mais tu sais, du MSX, genre par quelqu'un qui sait dessiner. pas un truc genre en pixel art tout pourri, on va faire comme avant, mais on ne sait pas du tout dessiner à la base. Non, non. Là, je ne sais plus qui a designé le jeu. Je sais plus qui est le graphiste, mais c'est un dessinateur un peu de la génération mi-comics, mi-manga moderne, tu vois, genre un peu... merde, comment ça s'appelle ? Tu sais, merde, putain, la BD canadienne, là. Oh, putain, le... Attends, de quoi tu parles, là ? La BD canadienne, en termes de style graphique, là. Putain, gros trou de mémoire. Très gamer, là. Il y a eu un film, aussi. Ah, Scott Pilgrim ? Oui, voilà. La vache. Gros trou de mémoire. Très Scott Pilgrim. Excellent film aussi d'ailleurs, se dit en passant. Graphiquement, mais Scott Pilgrim, mais par quelqu'un qui sait mieux dessiner. Alors, je vais me faire taper, mais bon, voilà, c'est mon avis. Par quelqu'un qui sait vraiment dessiner. Donc super, super joli. En fait, tu diriges le rôle d'une petite healeuse, on va dire, ouais. Qui va de village en village et tout le monde est malade. Genre limite même la poubelle elle est malade, tu vois, genre les plantes, les gens, etc. Et en fait, pour les guérir, c'est une phase de shoot 'em up. Donc, tu sais, tu vas leur parler comme dans un RPG. C'est marrant, ça. Hop, ça déclenche un combat, genre comme dans un RPG. Sauf que c'est une petite zone avec des monstres et t'as ton perso qui tire automatiquement. Et tu dois détruire tous les parasites ou les virus, genre mode Dr. Mario, tu vois. Et plus t'avances dans le jeu, plus tu gagnes des XP, plus ton tir fait de plus en plus limite shoot'em up PS Engine, tu vois. Et plus les ennemis, on commence à avoir des patterns un peu relous, un peu compliqués. Mais ça reste quand même super simple, tu vois. À jouer, c'est. C'est vraiment que du fun, tu vois. Et puis, tu dois guérir tout le monde dans chaque ville. Et tu sors des villes avec une map en vue de dessus à la Gargoyle's Quest, tu vois. Et, ah, excellent. Et en fait, il faut attendre un certain niveau d'XP pour passer certaines zones, certaines portes, tu vois, comme Mario 64, tu vois, genre, s'il y a écrit 10 sur une porte, il faut avoir guéri 10 mecs, tu vois, par exemple. Non, mais j'ai pas du tout vu passer ce jeu-là, quoi. Et surtout, c'est gratuit. C'est un jeu gratuit. Vous allez sur Steam, hein, ou itch.io pour les télécharger. Princess Remedy, il y a une super musique, super ambiance, il y a plein de gags, c'est super fun à jouer. Je suis très étonné que ça soit gratos. Mais même sur Steam, il est gratos, c'est bizarre. Oui, même sur Steam. Ben non, il y a des jeux gratuits. Hein, non, mais je veux dire, vu les qualités que tu me dis, il y a quoi ? Il y a des. Mais moi, ça m'étonne, hein. Moi, je l'aurais mis payant perso. Il y a du contenu après téléchargeable ou... Non, je crois pas, je même pas. Non, il est juste gratos. Voilà, c'est okay, juste un jeu. Bon, gratuit. Bah écoute. Bah, est-ce que ça sert pas de CV, tu vois, pour le développeur ? J'ai pas toute l'histoire, ça se trouve, je dis d'énormes conneries, ça se trouve, c'est un mec super connu qui a fait des jeux connus, tu vois. J'en sais rien, mais on va se faire insulter dans les commentaires. Regarde, c'est comme Loco Malito, pour parler de développeur indépendant très populaire, à juste titre. Loco Malito, 99% de ses jeux ils sont gratuits. Hein. Tu vas sur son site, tu les télécharges, mais tu peux faire un nom. Et quand tu vois la qualité des jeux, tu te dis, mais il est con quoi. Ces jeux ils sont 10 fois mieux faits que la plupart des jeux indés qui sont vendus 14 balles quoi. Oui. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont plutôt sous contrat, tu vois, qui sont payés par des développeurs, par des grosses boîtes et qui font des portages, tu vois, et les portages professionnels de leur jeu. Ce qui se passe avec Matilda Castilla là pour son clone de Goose and Ghost, eh ben il sort sur 1 milliard de machines là, PC, PS Vita, etc. Mais c'est une version plus XXL et celui-là il sera payant, tu vois, il se fera de l'argent comme ça. Mais est-ce que c'est vrai, c'est des CV, XXL quoi, tu vois, Maxi Best Of peut-être. Donc Princess Remedy sur Steam, si c'est pas japonais, c'est sûrement très inspiré japonais. C'est sûrement quelqu'un qui adore le Japon. Excellent jeu, très simple. Attention, quand je dis excellent jeu, vous attendez pas à des trucs de ouf, hein. Mais c'est des très bons jeux. Après, c'est gratuit. Voilà, des très bons petits jeux. Donc Princess Remedy, Deathsmile pour récapituler. Donc Princess Remedy, Inside, Deathsmile, Dawnwell, Darius Burst et Legend of Darkwish. Et j'irai pour la petite touche rétro pour la fin, et je vais en parler très très rapidement. C'est le développeur d'Akelos, donc François Pérez, avec qui on fait Akelos, qui m'en a parlé lors d'une réunion. Il m'a dit genre quoi, tu connais pas, mais il faut qu'il joue, tu vois. Il m'a parlé de deux jeux. Il m'a parlé de Golvedius sur Master System, qui m'a fortement conseillé. J'y ai joué, donc là c'est très récent, j'y ai joué hier matin pendant le café. Alors moi, je n'ai pas du tout accroché, donc je ne vous conseillerais pas spécialement, mais lui le conseille. Je sais que c'est un jeu culte pour beaucoup de fans de Master System. Ouais. Voilà, mais moi, j'accroche pas, même si je nie pas toutes les parties originales. C'est vrai que tu as des parties genre à la Zelda 2, en vue de côté, oh, il est assez connu. Après, faut peut-être avoir découvert à l'époque aussi. Et t'as même des phases limite shoot, quoi. Shoot them up. Donc, bref, c'est peut-être l'ancêtre de Nier Automata, je sais pas. Bon, moi, personnellement, j'ai pas accroché, même si je nie pas toutes les qualités du jeu. Par contre, il m'a conseillé Kensei Den, qui est une sorte de Wonder Boy 2-like, si je puis dire, mais version Japon médiéval dark fantasy. Toujours sur Master System. Toujours sur Master System. Ah, je connais. Et là, pour le coup, j'ai accroché. Le droit d'entrée au jeu est quand même compliqué parce qu'il est très dur, comme à l'époque, quoi. Puis c'est très vieux, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, quand t'es debout ou quand t'es accroupi, c'est pas du tout la même attaque, tu vois. C'était cette époque-là, quoi. Tu vois. Donc, d'accord. Mais si tu acceptes ces mécaniques anciennes et que tu persévères. Et c'est effectivement un excellent jeu, et je suis assez étonné je suis passé à côté complètement. Alors, c'est pas en jeu d'action vu de profil dans un Japon médiéval dark. C'est pas Ninja Spirit non plus, hein. On est loin des jeux cultes comme ça. Mais par contre, clairement, pour ceux qui aiment la Master System et peut-être sont passés à côté, c'est clairement un des meilleurs jeux de la Master System et de très loin. Et je dirais que graphiquement, on est vraiment, vraiment, vraiment... On est presque sur des débuts Mega Drive, ce qui est assez impressionnant. Mais il est sorti en Europe, celui-ci, ou j'en ai c'est aucune resté idée. Qu'au Japon. Non, je pense qu'il est sorti en Europe. D'accord. Parce que moi, j'ai chopé une ROM anglaise. Donc, alors voilà, pareil, hein, c'est pas le jeu du siècle. Il y a plein de problèmes. Il y a des soucis de collision. Il y a des plateformes, des soucis de lisibilité des fois avec les plateformes. Mais plus t'avances, plus tu débloques des trucs sur ton perso, plus il augmente ses HP, ses attaques, etc. Et t'as des boss qui ont des patterns quand même assez intéressants. Tu sais, c'est typique à la Megaman. C'est la première fois que tu arrives devant un boss, t'as l'impression qu'il est impossible. Alors qu'en fait, si tu connais la technique, tu fais putain, mais je suis con ou. En fait, pas du tout. Ça demande quand même un certain investissement, quoi. Ça demande un petit investissement et faut aimer le jeu rétro quand même en général. C'est-à-dire que voilà, si t'aimes pas les jeux rétro, tu t'emmerdes tout de suite, tu passes à autre chose. Mais voilà, je le conseillerais quand même. Je vais pas vous dire de l'acheter sur Master System. Hein. Je vais plutôt vous dire de télécharger ROM Station et de télécharger le jeu illégalement pour le tester. Faut être réaliste. Mais je pense qu'il y a un petit pourcentage de joueurs qui pourraient apprécier le jeu. Moi, j'aime bien. Je sais pas si je le terminerai. Je vais essayer de le terminer quand même. C'est pareil, c'est pas le jeu du sexe, c'est pas du genre quoi, mais comment on est passé à côté de ça, waouh, putain, c'est un jeu rétro de ouf. Non, c'est pas un jeu rétro de ouf, mais c'est un bon jeu rétro et c'est un bon jeu Master System. Ils sont, alors je vais peut-être me faire des ennemis, ils sont quand même compliqués à trouver les bons jeux Master System, il y en a pas 10 000 hein, donc voilà. Ken Seiden, du coup, sans, il fait partie des bons jeux Master System. Donc pour ceux qui veulent jouer à de la Master, voilà. Comment s'attirer les foudres de tous les fans hardcore de Sega en une non, phrase. Non mais attends, sur Master System, t'as 15-20 bons jeux, tu vois. Et si tu prends la NES, des bons jeux, t'en as 100, tu vois. Oui, bon. Non, il y en avait plus sur NES, oui. Si tu fais le ratio, c'est sûr. Si tu fais le ratio, c'est une réalité de marché après. Ben voilà, la NES c'est mieux vendu, donc les développeurs ont fait plus de jeunesse. Point. C'est juste mathématique. Il y a une probabilité de bons jeux sur NES qui est plus élevée. Il y a plein de bons jeunesse. Il y en a tellement des bons jeunesse qu'il y en a plein qui sont tombés dans l'oubli et qu'on peut redécouvrir genre maintenant, tu vois. Ah oui. Donc l'offre était tellement pléthorique. Voilà. Et alors que sur Master System, c'est plus compliqué de trouver des bons jeux parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. La Master System, c'est la console des jeux piratés aussi. C'est genre, tu sais, des clones espagnols ou portugais, tu vois, de jeux connus, reskinés. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs ultra obscurs sur Master System. Donc... trouver les vrais jeux défauts en plus, c'est compliqué. Il suffit d'aller voir sur ROM Station le nombre de hacks que tu as sur Master System, qui est assez incroyable. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se faire. Ben moi, je vais finir avec 2-3 titres très rapidement. Ouais. Je vais pas revenir dessus. Yakuza 0, on en a parlé aussi dans une précédente émission. Donc bon, foncez dessus. C'est toujours dommage que, comme pour Persona d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de traduction française, moi, je trouve ça hallucinant. Parce que ça ferme la porte à beaucoup de, à beaucoup de joueurs, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, donc Yakuza, quoi. Yakuza 0, en plus, qui est une préquelle, hein, comme son nom l'indique, ouais. Mais qui est clairement un des meilleurs épisodes de la saga. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, voilà, si vous aimez la baston, l'aventure, ce milieu-là, et le jeu japonais, quoi, le bon jeu japonais, foncez dessus, c'est vraiment une série en or. J'aimerais revenir sur, je sais pas si t'as déjà entendu parler de SteamWorld. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Alors moi, je suis vraiment un fan absolu de SteamWorld. J'avais découvert, donc, ce qu'il faut savoir, c'est SteamWorld, donc, comme son nom l'indique, c'est un univers steampunk, ouais. Mais très, très rigolo, très parodique. Ouais, en ouais, fait, ouais. C'est développé par Image & Form, qui est un studio... Je crois qu'ils sont suédois, il me semble. Ouais, il me semble aussi. J'avais découvert sur PS4 SteamWorld Dig, bon, qu'on trouve partout, hein, sur portable, sur console de salon, sur PC, enfin, vous le trouvez partout, même sur Mac, qui est un jeu qui m'a passionné d'un bout à l'autre. Donc, c'est un digger, mais qui est vraiment passionnant. Donc moi, j'adore les jeux où on creuse, hein, déjà. Donc, ouais, on a un personnage, en fait, on creuse dans la terre, et il faut gérer ses ressources, et ponctuellement, à divers moments, on rentre dans des sortes de grottes qui sont des niveaux, en fait, dans lesquels il faut se dépatauger, on ressort, on continue à creuser, enfin, c'est, en termes de game design, c'est vraiment un des jeux les plus, je trouve, les plus drôles et frais que j'ai fait de ces dernières années, et donc, j'ai tellement adoré que je voulais tout de suite un SteamWorld Dig 2, qui vient d'ailleurs d'être annoncé pour Switch, enfin il y a quelques semaines là, qui va sortir sur Switch, donc ce serait une raison de plus pour que je m'achète la console à la fin de l'année. Ça commence à en faire des raisons. Voilà, ça commence à faire beaucoup de raisons, et entre-temps, donc en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ils ont sorti donc SteamWorld Heist, oui. Et là, en fait. C'est une sorte de tactical, si je me souviens. Alors voilà, c'est une sorte de tactical au tour par tour en vue de profil qui se passe dans l'espace. Et là, tout de suite, je me suis dit, oh, c'est pas SteamWorld Dig et tout. Et du coup, bon, je ne l'ai pas acheté tout de suite, en fait. Et pourtant, les critiques, comme pour SteamWorld Dig, ont été dithyrambiques. Mais je me suis dit, ouais. Bon, je verrai, quoi, voilà. Et j'ai joué donc cette année, là, au mois de janvier, je crois, début d'année. Parce qu'il avait, il y avait une méga promo sur le PSN. Sur le PS Store, et je l'ai pris, et bah putain, Il m'a autant captivé que Dig. En fait, il a des très très bons. Il est génial. Il est génial parce que c'est un côté tactical. Bon, plus light que les gros tactical japonais. Hein, attention, ouais. C'est mi-tactical, un peu arcade aussi. C'est dans l'espace, on va de vaisseau en vaisseau, de station spatiale en station spatiale. Il y a un scénario qui est vachement sympa. On retrouve le design et l'humour si cher à cette série, quoi. Et c'est passionnant. J'ai enchaîné les batailles jusqu'à voir la fin sans discontinuer. C'est vraiment, je te conseille de les faire parce que, même, pareil, Heist, il est disponible partout. Hein, console, okay. Parce que d'abord, comme Dig, il était sorti à la base sur 3DS. Ouais. Si je me souviens, et on le trouve partout sur les consoles HD, sur PC, Mac. Fais Dig, fais Heist, surtout que maintenant, à mon avis, il coûte vraiment rien. Je pense que ça doit pas coûter grand chose. SteamWorld Dig, qui date d'il y a 3 ans, à mon avis, tu dois le trouver, mais pour moins de 10 euros. Ouais. Et Heist, je crois que sur Steam, il coûte vraiment quasiment rien maintenant. Et c'est vraiment des jeux, mais tu sens que les mecs, voilà, ils font ça vraiment aux petits oignons, c'est hyper détaillé, c'est hyper peaufiné. Le gameplay est top dans SteamWorld Heist, donc c'est vu de profil, donc genre tactico, c'est-à-dire que tu gères ton équipage, ses stats, son équipement, mais attention, ça reste quand même très lisible et light par rapport au gros tactico habituel. Là, ça resterait quand même user-friendly, quoi. Et, et donc, bah, chaque personnage, selon ses compétences, ses équipements, il peut se déplacer de temps de case dans le niveau. Et voilà, bah, t'enchaînes des combats comme ça. Mais c'est super inventif au niveau des attaques, des armes, des options, du level design, enfin, c'est super. C'est noté, ok. C'est super inventif. Donc, je vous conseille vraiment ouais. Les SteamWorld, et toi aussi, Juju, il faut absolument que tu les fasses. Voilà, parce que ça coûte vraiment rien. Et voilà, donc je pense qu'avec tout ça, ça vous fait pas mal de bons jeux à tes souhaits. Merci. Et donc, bah, écoutez, donc là, je pense qu'on est à plus de 3 heures d'émission, donc je pense qu'on s'est fait pardonner pour ce retard. Donc, on termine toujours avec un morceau de game music pour constituer à terme la liste ultime de game music. Et d'ailleurs, la liste, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour sur le blog, honte à moi. Je ne sais plus à qui est le tour de... Ah, oh, putain. Je ne sais plus. Alors, tu sais ce que je vais faire, vu que là, t'es pressé et que moi, j'ai un tas de choses à faire. Il semble que c'est toi. Ouais, et ben non, je crois que ça devait être toi. Mais je vais prendre parce que la dernière fois, j'avais mis un morceau de Nier Automata. Mais comme c'est l'une des plus belles BO que j'ai jamais entendue de ma vie et qu'elle me hante encore là, et je pense jusqu'à la fin de mes jours, je vais remettre. Je m'en fous. Je fais un putsch. Et je vais remettre un thème de Nier Automata. Okay. Oh bah ça roule. Un thème ça de boss qui est absolument fantastique que je vais mettre. Voilà. Bon, et ben écoute, je pense qu'on a pas trop mal fêté le premier anniversaire de l'émission. Ouais, c'est clair. Ouais. J'aime bien ces numéros où on parle d'énormément de choses. Je pense que là, on a couvert pas mal de sujets. Donc, d'ailleurs, pour info, le 23. Non, le 22, pardon. Le 22 juillet. On sera, alors pas toi, tu m'as dit tu seras non, pas moi là, je pourrais pas venir. Ouais, on sera à la Edge Convention 5 ou 6, je sais plus, ça fait combien de conventions ils font. Donc c'est le site internet edge.fr qui fait des conventions de jeux, principalement de jeux rétro, et on a été invité avec Watermelon. Donc Watermelon, pour rappel, c'est ceux qui ont fait Pierre Solar. Ah voilà. Oui. Voilà, donc ils sont invités, nous on est invités, donc il y aura leurs jeux et il y aura nos jeux aussi, donc de dispo sur des stands testables. Donc il y aura Aguilos, Fallen Teddy 2, Enceladus, Guns of Mercy. Ah bah ça c'est cool si vous voulez essayer les jeux de Julien. Voilà, alors il y aura pas, malheureusement Romain ne sera pas là parce qu'il sera en vacances d'été, il sera loin. Par contre, je serai là, moi, avec François Pérez, donc le développeur d'Aguilos, et avec Florian aussi, un autre membre de la team Storyburn. On sera voilà, sur place pour répondre aux questions. Rappel où ça se trouve exactement Il me semble que c'est vers Villejuif, j'ai plus l'adresse. De toute façon, faites edge.fr. Ouais, voilà, je pense qu'il doit bien avoir un article dessus. H-E-D-G-E, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, ouais. Voilà. Ou sur Facebook, ou etc. Vous avez toutes les infos. Et Comme ça, si vous voulez aller voir personnellement Julien pour lui dire qu'il arrête de se racler la gorge pendant les émissions et peut-être de dire un peu moins de gros mots, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion d'aller donc, lui bref, dire. Bref, voilà, on sera tous sur place, enfin presque tous sur place, presque toute l'équipe. Il y aura nos jeux à tester et puis bah voilà quoi. Tout simplement. Mais... C'est la première fois qu'on fait un salon. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut arrêter de refuser les invitations parce qu'on a eu pas mal d'invitations et à chaque fois on refuse. Oui, ça c'est vrai que tu. Je pense que là-dessus, t'aurais dû effectivement. Ouais, ouais. Voilà, bon, pour être tout aware. Pour être tout à fait franc, on n'est pas super à l'aise, quoi. Avec ça, le fait de se montrer, d'échanger en live, que ça soit Romain ou moi, hein, d'ailleurs, en tous les deux. Mais je pense que c'est assez commun à pas mal de développeurs, en fait. Donc. Mais voilà, on va sortir les doigts du cul et on va commencer à faire les salons. Donc on va commencer avec celui-là, mais je pense qu'on fera les IndieCAD. Tous ces trucs-là, on va commencer à les faire, on va commencer à se déplacer. Juste essayer de pas niaquer ceux qui viennent vous parler, quoi, c'est tout. Non, voilà. On va essayer d'être sociable et on va essayer de sourire un peu. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est comme les invitations. Je sais plus, je crois que c'était pour Fine Teddy, le premier, là, à No Life, ça a été une épreuve. Pour nous. Mais je pense qu'en fait, que plus t'en chez fais. Chez Gamekult, c'est pareil, ouais, on n'est pas du tout à l'aise en avec fait, ça. En fait, je pense qu'il faut les, faire, il faut les enchaîner. Et plus t'en fais, et plus ça vient, en fait. Oui, mais c'est je pense ça. Que c'est une gymnastique à prendre. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est pour ceux qui tiennent des blogs, voir des podcasts, ou je ne sais pas, bah, s'ils veulent passer vous voir pour vous poser 2-3 questions, ça peut toujours être intéressant. Oui, pourquoi pas. Voilà, oui. Parce que vous, ça, c'est vrai que ça vous fait une petite couverture pour le jeu. Et puis c'est, je pense que c'est l'occasion. Au-delà de la couverture, je pense que c'est vraiment pour rencontrer des joueurs aussi et d'avoir des feedbacks. Des feedbacks, ouais. Et c'est aussi en ça que c'est super intéressant. Après, je te cache pas que rencontrer d'autres développeurs, ça peut être aussi. C'est intéressant. C'est toujours enrichissant. Ouais. Enfin, des nouveaux, parce que je dis pas qu'on se connaît tous, mais bon, on se connaît quand même tous un peu de loin, quoi. Donc c'est toujours bien de rencontrer d'autres personnes, tu vois, voir un peu de nouvelles têtes. Bon, et puis bah voilà, c'est cool de nous inviter, donc on y sera, donc le 22 juillet, renseignez-vous sur le site edge.fr, il semble que c'est à Villejuif. Alors les places sont payantes pour la convention, pas comme toutes les conventions, hein. J'ai pas les prix, hein, j'en sais rien. Je pense que ça doit être assez modique. Mais je pense que ça doit être assez modeste, après c'est prévu, enfin, je pense que c'est des trucs prévus avec la mairie et tout, tu vois, de la ville, donc... Oui, c'est pour la location de la salle. Voilà, peut-être que le prix est fixé avec la mairie Villejuif directement. J'en sais rien. Voilà, j'y connais rien. C'est pas mon domaine, donc je vous laisserai voir. Mais voilà, donc on pourra se retrouver là-bas le 22 juillet toute la journée. En plus, ça peut être l'occasion de tester les jeux storyboard qui vont sortir. Et, l'idée, c'est ça aussi. Hein, on va mettre des PC à dispo et hop, il y aura les jeux testables. Ça, c'est chouette. Bah, j'espère que vous allez prévoir quelques photos, quelques vidéos pour mettre sur le. Comme sur le Twitter et la page Facebook de Storyboard, il faut aussi. Au moins des photos, oui, c'est sûr. Ouais, ça peut vraiment être sympa. Et de toute façon, vu que c'est fin juillet, on en reparlera au prochain numéro. On fera un pic de rappel lors du prochain numéro de Brocast. Et donc là, on va se. Oui, la preuve. Sur ces bonnes paroles, jouez bien, merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager. Ça fait longtemps qu'on a, malgré le fait que. Ça marche bien, franchement, comme on le disait en début d'émission, on est super contents et on vous remercie de votre fidélité. Ça laisse pas encore, je trouve, assez de commentaires et d'étoiles sur iTunes, alors motivez-vous, allez, s'il vous plaît, pour ce, ça, c'est, si vous voulez, c'est la condition sine qua non pour que, voilà, qu'on ait un chouïa de visibilité sur iTunes. Et voilà, donc on va se quitter encore avec un morceau premium de Nier Automata. Ouais. Et on vous dit au prochain numéro pour débriefer le 3 2017. Ça roule. Allez, à bientôt. Allez, salut. Ciao. Alors, cher auditeur, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que déjà que tu as bon goût, tu es un gros fan de Brocast, et je te remercie pour ça. Alors, j'ai pas trop eu le temps d'évoquer un jeu qui me tient à cœur durant l'émission, ça s'appelle Nier Automata. Voilà, je voulais juste te dire d'y jouer, voilà, parce que c'est un jeu absolument fantastique. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps de le placer dans l'émission, donc c'est pour ça que je tenais rapidement à quand même à l'évoquer en toute fin de cet épisode 16. Et comme j'ai à cœur qu'on ait, toi et moi, une relation de confiance, et pourquoi pas même d'amitié, qui sait, et comme j'ai bon cœur, je pense que ça tout le monde s'accorde à le dire, voilà, je te balance un nouveau morceau pour terminer de cette OST exceptionnelle qui est celle de Nier Automata. Allez, gros bisous. My Allez, il est désormais l'heure de vaquer à tes occupations. Allez, au lit. À bientôt.